écoutez la radio debout. C'est une radio où ce qu'on parle, mais on est debout. Vous êtes bien sur Radio Debout en direct de la place de la République dans le 11e arrondissement. On est le 72 mars ou le 11 mai en calendrier normal. Et aujourd'hui, ce soir, comme tous les mercredis soirs, l'équipe de Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM file un petit coup de main à Radio Debout. Donc vous entendrez des animateurs de Fréquence Paris Pluriel. Parmi ces animateurs, il y a moi, je m'appelle Mathilde, et puis il y a aussi Brahim, l'excellent Brahim. Salut Brahim. Bonsoir Mathilde. Alors, tu peux nous présenter ton invité qui est juste... Oui, alors nous sommes avec Philippe Batifoulier, qui est professeur d'économie à l'université Paris 13. Il est membre du collectif d'animation des économies atterrées. Il est aussi auteur de Capital Santé, quand le patient devient client, aux éditions La Découverte, qui a été donc publiée en 2014. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Merci d'être là et bonsoir à toutes et à tous. Alors, il faut savoir qu'il y a énormément d'ambiance ici sur la place de la République à Paris, avec de nombreuses animations et Radio Debout, n'est-ce pas Mathilde? Bien entendu, Radio Debout qu'on peut écouter sur Internet, entre autres. Alors Philippe Batifoulier, qu'est-ce qu'un économiste fait à Radio, enfin à la nuit debout? Il y a des économistes qui pensent qu'ils ne sont pas déconnectés du monde et qui se nourrissent un peu du débat citoyen et qu'ils ont beaucoup à apprendre de ce qui se passe dans les différents mouvements. Et je fais partie de ces économistes-là qui vont chercher à inscrire une réflexion dans ce qui se passe et ce que les individus, les collectifs apportent à la démarche scientifique. Philippe Batifoulier, alors on dit souvent que la France a le meilleur système de santé. Alors y a-t-il donc au moins une bonne nouvelle dans ce contexte délabrement des droits sociaux? Justement, alors ça c'est vraiment très intéressant parce que s'il y a une croyance qui est largement répandue, c'est que la France aurait le meilleur système de santé au monde. Or quand on est malade, même une petite maladie, quand on fait l'expérience du patient ordinaire, on voit à quel point le système de santé français s'est délabré, il s'est même retourné avec le temps contre le patient. Et là on a un certain nombre de choses qui se sont passées et qui montrent qu'aujourd'hui, c'est simple, hein, les gens le savent très très bien. On risque, quand on va voir le médecin, on peut payer très cher. Quand on a besoin de lunettes, ça peut nous coûter une fortune. Les soins auditifs, de même. Quand on va à l'hôpital, on peut aussi payer des dépassements d'honoraires qui sont exorbitants, aussi bien à l'hôpital privé qu'à l'hôpital public. Et puis, on est mal remboursé pour un certain nombre de soins. Ça coûte cher au porte-monnaie. C'est-à-dire que de plus en plus, le système de santé, il fait mal, mais il fait mal au porte-monnaie. Il y a même des gens qui ne peuvent plus financer leurs soins de santé. Il suffit d'aller sur un moteur de recherche et on voit que le crédit santé est florissant. Aujourd'hui, il y a des organismes de crédit qui se sont spécialisés à prêter à des gens qui ne peuvent pas payer leurs soins de santé. Ça veut dire que la maladie, c'est plus seulement une épreuve physique, c'est plus seulement une épreuve mentale, c'est aussi une épreuve financière maintenant pour les gens. Et ça, et c'est important de le dire, c'est beaucoup plus en France qu'ailleurs. Contrairement à ce qu'on croit parfois, c'est-à-dire qu'en France, on rembourse très très peu avec l'argent public les soins de santé. En Grande-Bretagne, tout pays anglo-saxon que c'est, on rembourse mieux les soins de santé. Et historiquement, en France, on rembourse très très mal, il faut le dire. Hein. Aujourd'hui, en France, pour les soins courants, c'est-à-dire quand on n'est pas victime d'une maladie longue ou coûteuse, quand on n'est pas à l'hôpital, mais quand on va voir son médecin généraliste pour les soins courants, la Sécu ne rembourse en moyenne que 55% sur 100 euros de soins. La Sécu, en France, ne rembourse que 55. Et donc le reste, c'est le porte-monnaie des gens qui le payent. Soit ils vont se refinancer auprès d'une assurance privée, qu'ils payent, soit ils le payent directement. C'est alarmant ce que vous nous dites là. Alors est-ce qu'on est en train de perdre notre système de santé, tout simplement? Je pense qu'il y a une évolution qui est menée depuis un certain nombre de temps. On a cherché à faire en sorte que le soin soit extrêmement important. Quand on a découvert, par exemple, juste pour prendre un exemple, quand on a découvert la pénicilline, les antibiotiques, quand on a su traiter la tuberculose, ça sert strictement à rien. C'est pas un progrès, tout ça. Si les gens ne peuvent pas se le payer, n'importe quelle découverte importante ne servira à rien si les gens ne peuvent pas se la payer. Et tous les systèmes d'assurance sociale, tous les droits sociaux acquis, ça fait en sorte que les gens puissent aller voir le médecin. Et sans ça, ils pouvaient pas se soigner. Et depuis les années 80, c'est le grand retournement. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait mis en œuvre, on l'a détricoté progressivement. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Les gens ont du mal à payer leurs soins de santé. Et ça, c'est en France particulièrement. Alors, le contexte français, c'est celui où les inégalités se développent. Quand je dis que les gens ont du mal à payer leurs soins de santé, c'est évidemment plus les malades que les bien portants. Or, et là aussi, contrairement à ce qu'on croit parfois, Les malades, c'est plus certains types de personnes que d'autres. Les plus modestes ont une vie plus courte. Ça, c'est bien connu, l'espérance de vie des ouvriers, par exemple, est plus faible que celle des cadres. Mais au sein d'une vie plus courte, ils ont aussi plus de pépins de santé. Et donc, c'est une violence sociale extrêmement forte. Et ce sont eux qui souffrent le plus du déremboursement de la sécurité. Comment on peut expliquer qu'aujourd'hui un parti de gauche ne soit pas en capacité de nous aider justement dans ce domaine-là et de nous protéger ? Je pense qu'il y a eu un renoncement total du parti de gauche, en tout cas de la gauche du gouvernement, à appréhender le problème. Car que aujourd'hui, les réformes qui sont mises en œuvre ont pour leitmotiv cette idée que la santé est un coût, c'est une charge pour la collectivité, ça pèse trop lourd. Et ça, c'est en oubliant que le coût a forcément une contrepartie. La santé a toujours coûté trop cher. Elle coûtait même, je pourrais même dire qu'elle coûtait beaucoup plus cher dans les années 45-47 qu'aujourd'hui. Hein ? Quand on a dit qu'on fait de la sécu, qu'est-ce qu'ils ont fait les gens ? Ils se sont soignés et ça coûtait une fortune. Et ça coûtait une fortune à une époque où le pays était ruiné par la guerre. Et c'est paradoxalement dans une période où il n'y a jamais eu autant d'argent, où la prospérité économique a été la plus grande dans les années 80, qu'on a dit exactement le contraire. On a dit maintenant le bien-être, on s'en fout, on va mettre en avant le coût. Le coût a supplanté la contrepartie en termes de bien-être. En Europe, est-ce qu'il y a un pays exemplaire justement par rapport à la France Moi, je ne crois pas qu'il y ait des pays exemplaires. Et pendant un temps, les organismes internationaux avaient dit que les États-Unis, c'était des pays exemplaires parce qu'ils ne dépensaient pas beaucoup d'argent public. Alors, ils sont super vertueux parce qu'ils ne dépensent rien. Mais il y avait quand même 40 millions de personnes qui n'avaient pas d'assurance santé. Donc ça la foutait mal un petit peu. Donc ils ont dit, bon, on va arrêter bien le truc. Non, il y a une sorte de mouvement convergent vers le moins-disant sanitaire, avec cette idée que la santé, les gens vont la prendre en charge. Et de plus en plus, on dégrade la santé à l'état d'une marchandise comme une autre. Si vous voulez une voiture, vous la payez. Hein. C'est pas l'État qui va vous payer votre voiture. Ouais. Et on va dire, voilà, vous voulez des lunettes ? Démerdez-vous, payez-les vos lunettes. Et donc, en fait, c'est cette idée que la santé n'est plus un bien public, c'est un bien purement marchand. Il y a beaucoup de mouvements sociaux actuellement qui concernent l'hôpital. Comment peut-on l'expliquer aujourd'hui ? Alors oui, il y a énormément de mouvements sociaux partout en France sur l'hôpital public. Alors l'hôpital, c'est le symbole du pacte républicain. Il y a beaucoup de symboles. Et donc, il y avait cette idée que l'hôpital, ça permet aux gens de se soigner, particulièrement les plus modestes. Aujourd'hui, l'hôpital est devenu le symbole de la concurrence. C'est-à-dire qu'on va mettre en concurrence les hôpitaux sur un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'on, pour parler très simplement, on donne le financement, c'est on donne un forfait pour financer un séjour. Ouais. Et on va dire aux hôpitaux, débrouillez-vous avec ce forfait. Alors ceux qui accueillent des patients qui sont modestes, qui vivent dans la misère sociale, ils vont dire, moi je peux pas les renvoyer chez eux, je vais les garder plus longtemps. Et on va les accuser d'être des mauvais hôpitaux parce qu'ils ont dépensé de l'argent. Alors que les gens qui sont dans l'hôpital, les médecins, les soignants, en gardant des gens qui ne peuvent pas rentrer chez eux, ils ont l'impression de bien faire leur boulot. Et donc la réforme de financement, la réforme du management leur dit en clair, mais faites mal votre travail parce que ça fait des économies. Et dire à des gens dont la fierté est justement d'être dévoués au public, les infirmiers, les infirmières, tous les soignants et qui être dévoués au public, leur dire de faire mal leur métier, ça les fragilise considérablement. Et donc de fait, il y a l'hôpital, et en particulier l'hôpital public, là il y a beaucoup de gens qui sont convaincus par cet esprit de service public, ils ne sont pas là par hasard, ils sont là parce qu'il y a une certaine fierté à faire ça, et bien ils explosent. Et dans cette conjecture où on traite l'hôpital comme une entreprise, comme une autre, avec cette idée folle du nouveau management public qui consiste à dire qu'une entreprise est bien gérée si elle est gérée comme une entreprise privée, eh bien, les individus, ils ne se reconnaissent plus. Donc, ils explosent. Pour ajouter, à ceci s'accompagne le fait qu'on ferme beaucoup d'hôpitaux. On ferme les hôpitaux de proximité parce qu'on va dire, il n'y a pas assez de rendement. C'est comme une entreprise, en fait. Il y a une sorte de chaîne, et plus on fait du roulement, plus on fait de la matière, plus on va dire que c'est bon pour le patient. Mais ça n'a jamais été bon pour le patient s'il doit faire 50 km pour trouver une maternité plutôt que 10 km. Mais quand même, on arrive à faire croire que c'est bien. Voilà. Est-ce qu'il y a un lien entre la politique de santé et la loi du travail ? Alors oui, Alors on voit bien ce qui se passe avec la loi travail, c'est l'idée qu'on va négocier un code de travail par entreprise et qu'on va subordonner la vie des individus à la vie de l'entreprise, sous-entendu de ceux qui dirigent l'entreprise. Or, il y a un domaine où ça a déjà été fait, ça s'appelle la santé. Aujourd'hui, depuis d'ailleurs le gouvernement actuel et depuis le 1er janvier, les salariés sont tenus d'avoir une complémentaire santé, ce qu'on appelle la mutuelle dans le langage courant, d'entreprise. C'est-à-dire que ça doit transiter par l'entreprise. Ça veut dire que leur santé, l'accès aux soins, la part mutuelle, est maintenant soumise aux prérogatives de l'entreprise en fonction de l'état de la négociation collective et du rapport de force avec le patron. Alors, cette complémentaire d'entreprise, que chacun maintenant est tenu d'avoir, hein, c'est-à-dire que ce qui était facultatif devient obligatoire, chacun est tenu d'avoir, eh bien, c'est fait, premièrement, c'est fait que pour les salariés. Or, ceux qui n'avaient pas d'accès aux soins, ceux qui avaient les plus grandes difficultés à payer le soin n'étaient pas les salariés. C'était et ce sont toujours les étudiants, les précaires les plus âgés parce qu'ils ont des pathologies plus lourdes. On s'en fiche complètement. C'est-à-dire que l'objectif, c'est absolument pas de permettre l'accès aux soins à ceux qui en avaient le plus besoin, c'est de légitimer l'entreprise dans la couverture du soin de santé. Donc ça va doper les inégalités. Ça va doper les inégalités et ça va même faire pire. Ça va même faire pire. La situation va être pire qu'avant. Parce que imaginons un organisme d'assurance qui avant assurait les salariés. Maintenant, il n'assure plus que des étudiants, des chômeurs et des plus âgés. Il va les faire payer une fortune pour équilibrer ses comptes. Et donc, notamment les plus âgés qui ont les plus grosses pathologies, donc sortir de l'entreprise pour une raison X ou Y, en particulier parce qu'on est à la retraite, ça va être d'une violence inouïe. Jamais l'accès à la retraite dans une période où on a baissé les pensions de retraite va être si violent. Alors comment on peut faire justement pour en sortir, pour que les choses bougent de façon définitive et que ce soit vraiment positif tout ça? J'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour en sortir justement de cette situation? Je crois que il est temps en fait que les patients se saisissent des questions de santé. En France, on a quand même une originalité. Là, on ne l'a pas dans tous les pays. En France, la santé, c'est un véritable désert politique. Pour les gens, la santé, c'est la chose la plus importante, ou une des choses les plus importantes. Et pourtant, les individus sont totalement dépossédés de l'éducation de santé. Ils n'ont pas la voix au chapitre, à tel point que, par exemple, qui décide ce qui est remboursé, ce qui est bien remboursé, ce qui est bien remboursé? Si on interrogeait les individus, ils diraient que c'est très important de rembourser les lunettes, ou les prothèses auditives, ou même la séance du médecin. Mais ça, c'est pas bien remboursé. D'accord, on n'écoute pas les gens. Par contre, il y a même des médicaments qui vont vous tuer qui sont remboursés. Ils sont bien remboursés. Lesquels, par exemple? Par exemple, le Mediator était remboursé. Ouais. Et il y en a d'autres, il y a plein de médicaments qui sont super remboursés. C'est-à-dire que le remboursement est un rapport de force. On peut juste rappeler aux auditeurs qui ne le savent pas forcément ce que c'est que le Mediator, parce qu'il y a eu un gros scandale avec ça. C'était le laboratoire Servier. Un médicament produit par un laboratoire pharmaceutique qui est servi aussi de coupe fin et qui a eu des effets très négatifs sur la santé. Mais ce médicament, on y avait accès. Il y a plein de médicaments. Même l'Académie de médecine a développé un certain nombre de choses, montrant qu'il y avait plein de soins inutiles. Et même à l'hôpital, pour vous dire à quel point la folie a un président de la santé. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, il y a une sorte de mot d'ordre qui consiste à rendre le séjour payant. Le séjour du malade, il faut qu'on le rende payant pour faire payer l'assurance maladie. C'est vrai que c'est un séjour tellement agréable que vraiment, il faut le faire payer. Donc on va faire des examens qui ne servent à rien. On va faire, il est là le malade, Bon, il vient pour une appendicite, mais s'il a un petit diabète en plus, on va faire payer, donc on va lui faire des examens et tout ça. Et donc, ça, c'est des dépenses inutiles. Et c'est la réforme est folle. Et puis, comme il y a des gens dont le métier à l'hôpital maintenant, c'est de faire du codage, comme on fait de l'optimisation fiscale, on va faire de l'optimisation médicale pour essayer de valoriser tel ou tel séjour, parce qu'on gagne plus. Donc, ce que je veux dire, je vais le dire d'un point de vue qui est peu usité, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, seul le remboursement à 100% est de nature à réduire les inégalités et à réduire les dépenses de santé. Ah oui ? À réduire les dépenses de santé. Aujourd'hui, plus la part privée est importante, plus la part sécu est donc faible, plus ça coûte cher. On voit d'ailleurs, les gens qui ont besoin de lunettes, ils voient que c'est pas remboursé par la sécu, c'est jackpot pour les organismes. Et donc, la dépense privée en matière de santé est toujours plus élevée que la dépense publique qu'elle remplace. Et donc seul le remboursement à 100% est de nature à réduire les dépenses de santé. Et donc il faut absolument c'est mon, ma position, il faut que les gens s'emparent de ce problème et réclament un remboursement à 100%. Mais on dit qu'à la Sécu, il n'y a plus d'argent, il y a... Oui, c'est ça, bah, comment ce remboursement est possible? Par exemple, juste un exemple, les fameuses complémentaires santé d'entreprise. Elles sont aidées fiscalement à grand coût de réduction de cotisations sociales, à grand coût de réduction d'impôts. C'est 4 milliards d'euros. Il y avait déjà plus de 2 milliards qui étaient déjà donnés. C'est-à-dire plus que le déficit de l'assurance maladie. Ouais. Il nous faut un véritable économiste. Je vous verrai bien ministre au gouvernement. Non ? Non, non, je dis, il nous faut un véritable économiste au gouvernement et je vous verrai bien ministre de l'économie. Bah, oui, il faut. En tout cas, il faut. Il est important qu'on fasse entendre une autre, oui, une autre voix que celle qu'on, ouais, entend habituellement. Et en tout cas, valoriser le débat. Et c'est important qu'il y ait un certain nombre de points de vue qui soient mis à la connaissance du public, ouais, et que les gens puissent se saisir de ce type de questions. Et vous, vous faites partie des économistes atterrés, justement. Peut-être qu'on peut en dire quelques mots. Les économistes très atterrés, juste, c'est, ouais, un mouvement d'économistes qui existe depuis quelques années et qui vise justement à partir de points de vue qui sont réfléchis, d'études, de présenter des thèses qui ne sont pas les thèses communes qu'on entend généralement à la télé ou à la radio et qui visent à montrer qu'une autre alternative est possible. Ce que le public sait très rarement, c'est qu'aujourd'hui dans les universités françaises, les économistes qui défendent, les économistes qui ont des positions institutionnelles, sont professeurs par exemple, qui défendent des positions critiques, par exemple des positions marxistes ou autres, ils ont totalement disparu, ils n'existent plus. Et donc le fait qu'ils n'existent plus, bah, ça peut pas alimenter le débat. Est-ce qu'il, combien de, ça représente d'économistes, combien de personnes sont dans ce groupe-là? Est-ce qu'ils sont écoutés par le... Non, mais ce groupe-là, c'est un groupe qui a... Il y a beaucoup de gens qui sont liés à ce groupe-là, beaucoup d'économistes. Ouais. Il y a un collectif d'animation d'une vingtaine de personnes. Et puis, il y a des centaines de gens, centaines de personnes qui sont économistes à l'université, mais aussi dans les lycées, qui portent ce type de parole. C'est pas un groupe totalement isolé, hein. Ouais, il y a même un économiste atterré qui intervient sur France Inter, ouais, Benjamin Corrier. Exactement. Ouais, exactement. On en parlait tout à l'heure hors antenne. Alors on va rappeler donc votre livre. Donc vous êtes auteur de Capital Santé. Non, pardon. Vous êtes auteur, oui, Capital Santé, quand le patient devient, pardon, client, aux éditions de La Découverte, qui a été édité en 2014. Il y a d'autres projets de livre, parce qu'avec tout ce que vous venez de nous dire tout de suite, là, il y a quoi écrire, non? Non, il y a plusieurs textes, justement. Il y a sur le site des économistes atterrés, mais sur d'autres sites, il y a un certain nombre de textes qui peuvent faire réfléchir. Ouais. Merci d'avoir répondu à l'invitation, Philippe Batifoulier, et à très vite, j'espère, sur Fréquence Paris Pluriel, et ici, j'espère que... Et Radio vous allez passer, ouais. Merci Mathilde, à vous. Merci à toi. Merci beaucoup, Brahim. Merci Philippe. Nous, on va obliquer vers l'AG, puisqu'on essaye de vous en rediffuser régulièrement des bouts. Si vous n'êtes pas sur place comme ça, vous pouvez être comme sur la place de la République. Donc, on écoute maintenant. C'est parti. On va voir déjà si les commissions n'ont peut-être pas envie ou n'auront peut-être pas eu le temps de travailler sur toutes les propositions. Moi, ce que je vous invite à faire, déjà, c'est... Bah, j'imagine que... Je ne sais pas si tu as un avis sur toutes les propositions ou pas. Pas forcément. Voilà, on va déjà les entendre sur les différentes propositions. Est-ce que peut-être il y a des questions, juste avant de donner la parole à la CAI, est-ce qu'il y a des questions sur les propositions ou pas? Alors les commissions structurelles, c'est la logistique, accueil et sérénité, infirmerie, accueil, cantine et modération. En gros, c'est toutes les commissions qui ne peuvent pas être présentes généralement en assemblée parce que justement, bah, elles occupent la place et puis elles s'occupent de faire fonctionner les différents pôles. Non, c'est pas ça. Là, en fait, on va pas écouter les propositions des commissions structurelles. En fait, on va entendre l'avis des commissions structurelles sur les propositions qui ont été faites. Et ensuite, on fera un débat plus large avec l'assemblée et puis les autres commissions, les commissions entre guillemets thématiques. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions peut-être par rapport à ces propositions ou d'autres remarques à éclaircir? Oui. J'ai juste un souci, c'est qu'il y a des choses qui existent déjà. Ça veut dire que, par exemple, les comptes qui sont à visionner, enfin qui sont visibles à tout public, existent déjà. Les municipalités sont tenues de donner les budgets, d'expliquer comment ils s'est dépensé. Et en plus, c'est tous les ans, il y a le conseil municipal et il y a toujours les comptes rendus. Donc là, on va voter quelque chose qui risque déjà d'être fait. Voilà. Alors juste pour préciser, en fait, là effectivement c'est un avis sur la proposition qui a été faite. Alors je suis désolé, on écoutera les avis de l'Assemblée un petit peu plus tard, on va donner la priorité aux commissions. En fait, effectivement ça c'est des remarques qui ont déjà été faites dimanche justement quand cette proposition là est sortie. Là en fait je vous posais la question, c'était vraiment s'il y avait des éclaircissements techniques par rapport à cette chose là. Il y avait des éclaircissements techniques ou Mais les avis, on va les entendre. Oui, c'est concernant cette requête là, que les commissions s'expriment sur les 11 propositions. Je voulais simplement, moi, en tant que porteur d'une proposition et m'occupant d'une commission, je voudrais exprimer mon désaccord personnel par rapport à ça, dans la mesure où c'est pas, mon domaine de compétence, c'est-à-dire ma commission, j'ai effectivement peut-être plus de choses à dire que les autres, mais en revanche, sur les autres propositions qui ne ressortent pas de ma commission, je ne vois pas pourquoi j'aurais plus de droits de parole que n'importe quelle d'entre nous. Voilà. Alors en fait, c'est juste que concrètement, les commissions structurelles, c'est une question purement technique et en termes d'horaire, c'est que les commissions structurelles n'ont pas pu participer tout bêtement à l'Assemblée de dimanche. C'est juste pour leur donner aussi la possibilité de s'exprimer. Donc elles ne vont pas forcément s'exprimer sur toutes les propositions, mais en tout cas sur celles que ça intéresse. Voilà, c'est aussi donner la possibilité aux commissions de le faire, tout bêtement. C'est bon, on peut entendre l'avis de la commission accueil. Donc. Bonjour, donc je m'appelle Jocelyn, rebonsoir, donc commission accueil coordination. Nous, on va vous parler que de la proposition qui concerne la déclaration en préfecture, dans le sens où elle a une valence technique qui va concerner notre commission. Le reste ne nous concerne pas, c'est du fond et on se prononcera individuellement si on en a envie. Du coup, par rapport au fait de changer la déclaration, donc la déclaration, c'est un document qui est administratif, qui doit nous permettre d'occuper la place et qui n'est pas censé porter des idées. Du coup, nous, ça ne nous paraît pas forcément logique de rajouter des idées. Après, si vous voulez le faire, allez-y, mais ce n'est pas forcément à nous de le faire. Pour l'affichage et l'accueil, ok, on va le faire. Et pour les, y avait aussi un truc sur les déclarants qui devaient tourner. Donc c'est quelque chose qui a déjà plusieurs déclarants, ça tourne un peu. Si vous êtes intéressé par devenir déclarant, n'hésitez pas à venir nous voir, on vous expliquera les responsabilités que ça entraîne. Mais n'hésitez pas à venir nous voir, on est jusque là, c'est accueil coordination. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres commissions qui souhaitent s'exprimer? Non? Oui? Bonjour. Alors, je participe au travail que mène Accueil et Sérénité, mais je ne peux pas m'exprimer au nom de cette commission. Je m'exprime en mon nom propre. Déjà, je vois que certains s'interrogent de pourquoi il y a un temps spécifique pour que les commissions structurantes puissent donner leur avis. Je vais apporter mon élément de réponse. Je suis régulièrement sur la place de la République et c'est la deuxième AG à laquelle je participe car je suis quand je suis là je suis plutôt en train de travailler avec ma commission. Je pense que les personnes qui sont à la cantine, à la logistique n'ont que rarement le loisir de prendre part au débat et d'assister aux assemblées générales. Ah, d'ailleurs, sur qu'est-ce qu'une commission structurante, ça en soi, ça peut faire l'objet d'un débat. Car la commission féminine, et bien au-delà de la commission féminine, un paquet de gens pensent que cette commission est une commission structurante. Structurelle ? Ouais, moi je dis structurante. Commission féminisme. Si tu veux, d'accord. Commission féminisme, on va prendre. Alors, après ce préambule, passons-en à l'avis que pourrait avoir la commission à laquelle je participe sur les 11 propositions qui ont été présentées dimanche dernier. Les textes ont été rendus publics lundi soir. On est mercredi soir. Il y a eu donc 48 heures de laps de temps. Avec l'actualité que vous savez, donc l'étude des propositions et savoir quelles sont les positions, comment construire des positions de nuit debout sur les différents sujets, n'a tout simplement pas été la priorité pour mes camarades. Je pense que je parle je pense que c'est un sentiment partagé bien au-delà de, d'accueillir Sérénité. Évidemment, hier, on a eu l'annonce du 49-3, des mobilisations. La lutte contre la loi travail est une priorité. Construire le rapport de force vis-à-vis de cet enjeu est une priorité. L'étude des 11 propositions dans le délai de 48 heures est passée en dessous. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas eu de débat au sein de notre commission sur la pertinence d'avoir un avis ou pas en tant que commission sur les propositions. Et je ne peux pas vous informer d'un avis de la commission Accueil et Sérénité sur aucune des propositions qui sont présentées. C'est en soi, je vais en finir là, en soi. On n'entend pas assez. T'entends pas ? Allô ? Oui, tout le monde m'entend. Radio, debout. Management rétro planning, rendement et fils fucking, licenciement facial, harcèlement dominical, période d'essai, 20 points D, pause carcérale, soucis social. Allô ? Oui, tout le monde m'entend. Radio, debout. Vous êtes toujours sur Radio Debout en direct de la place de la République dans le 11e. Avec moi, il y a Brahim. Re-salut. Bonsoir. Et donc, tu es toujours avec Philippe Batifoulier, qui est économiste atterré et qui nous parle du système de santé. Effectivement, Philippe. Alors, il y a de plus en plus de personnes qui renoncent, qui ont des soucis de santé, mais qui renoncent à cause d'un système qui devient de plus en plus cher. Ben oui, de plus en plus, surtout en France, il y a du renoncement aux soins. Les gens ne peuvent pas se payer les soins. Et donc... quand ils retardent le soin, ils renoncent aux soins et pour eux, ça accélère la pathologie. Et ce système-là est particulièrement développé en France. Et les caractéristiques de la France par rapport à d'autres pays, c'est que si tout le monde peut renoncer à des soins, et ça peut arriver pour des gens qui sont relativement aisés de renoncer à une couronne dentaire parce qu'elle coûte 3000 euros, hein, c'est pour la plupart des gens, c'est beaucoup d'argent. En France, ce que l'on constate, c'est que des gens renoncent aux soins de généralistes. Ils renoncent à 23 euros. Parce que quand on gagne à peu près 600, 700 euros par mois, 23 euros, c'est le budget qu'on a pour manger. Et quand il faut avancer les frais, ça coûte une fortune. Alors ce système-là, il est très inégalitaire parce que le renoncement aux soins en France, il fait qu'il est lié au fait que les soins ne sont pas gratuits. Quand on va chez son médecin et qu'on paye 23 euros, la Sécu ne rembourse que 70% et il faut avoir la mutuelle. Or, on l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui n'ont pas de mutuelle. Il y a des gens qui ne continueront pas à avoir de mutuelle parce qu'on n'a pas prévu. On n'a rien fait pour cela. Donc, ils n'ont pas de mutuelle. Et donc, le système est foncièrement inégalitaire, alors que les individus croient à tort que soit si on est remboursé par la Sécu ou par sa mutuelle, ça ne change rien, donc on est remboursé. Mais ça change tout. D'abord parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de mutuelle, on vient de le dire. Et puis, tout le monde n'a pas la même. Tout le monde n'a pas la même. Il y a de très fortes inégalités. Et ceux qui ont les mutuelles qui remboursent le mieux, ce sont ceux qui ont le moins besoin de soins. Ceux qui ont les mutuelles qu'on appelle les plus couvrantes, qui remboursent l'optique, le dentaire, les dépassements d'honoraires, ce sont les plus aisés. Or, ce sont les moins malades, les plus aisés. Et donc, on a une sorte de stupidité du système qui fait que ce sont ceux qui ont le plus besoin de soins qui ont les plus grandes difficultés à se les payer. Alors, ce système, il est foncièrement inégalitaire, il est violemment inégalitaire et de plus en plus inégalitaire, mais il est aussi totalement absurde. Parce que quand les individus ne peuvent pas se payer les soins de première nécessité, de proximité, d'aller voir le généraliste parce que ça coûte trop cher, qu'est-ce qu'ils font? La pathologie s'aggrave. Et quand elle s'aggrave, ils vont vers des lieux plus accueillants, comme l'hôpital, notamment l'hôpital public qui est mieux remboursé. Mais entre-temps, la maladie, elle s'est aggravée. Et donc la dépense de santé, elle est différée, mais elle est aussi majorée. Ça veut dire que plus on attend, plus ça coûte cher au budget public. C'est donc une stupidité sans nom. Donc c'est non seulement inégalitaire, mais c'est en plus totalement inefficace. Comment vous voyez notre avenir santé? Est-ce qu'on peut être optimiste et y croire un peu en espérant qu'on puisse sauver un peu un certain nombre de droits ou pas? Moi, je pense qu'il est, il est temps d'oser. Il est temps de dire que le système français a été organisé sur une sorte de partage implicite entre une part publique qui s'appelle Sécu en France et une part privée qui s'appelle mutuelle. Aujourd'hui, la part privée, la mutuelle, ne sert plus du tout. Ça sert à rien. Avant, les mutuelles étaient véritablement mutualistes. Elles défendaient la solidarité par d'autres moyens. Elles complétaient la sécu. Ça s'appelle l'assurance complémentaire. Aujourd'hui, il y a une concurrence effrénée. On a valorisé la concurrence au niveau de la communauté européenne. Donc, si bien que les mutuelles sont obligées de se mettre au diapason des assurances privées. Or, cette assurance privée, elle coûte beaucoup plus cher aux gens parce que les frais de gestion sont beaucoup plus élevés. Ça fait exploser les prix. C'est très lourd en subvention publique, on l'a dit. Donc aujourd'hui, si on fait les comptes, on s'aperçoit que le système serait bien plus économe s'il était uniquement public. Vous allez pouvoir avoir une dernière question, une influence un peu avec le gouvernement en passant vos idées. Le groupe d'économistes. J'aimerais répondre oui. Ouais. Ouais. Mais la réalité fait que pour l'instant, c'est pas le cas. Par contre, moi je crois foncièrement que on peut conforter à notre modeste niveau d'économiste, on peut conforter en fait ce que vivent les individus et on peut mettre des mots sur une réalité qui est de plus en plus présente, en tout cas aux malades. Vous avez quelque chose à nous dire, un côté un peu optimiste pour qu'on y croive un peu? Non, mais je crois que l'optimisme, il est dans la résistance des individus. On voit que aujourd'hui, notamment les soignants dans l'hôpital, particulièrement l'hôpital public, ils jouent le rôle de porte-parole de cette résistance. Parce qu'ils n'agissent pas uniquement en leur nom. Quand on dégrade leurs conditions de santé, on dégrade aussi les conditions de travail, pardon, on dégrade aussi la santé des patients. Et donc c'est les porte-paroles de tous. On aboutit à un système qui est en plein paradoxe, où ce sont les gens qui sont censés soigner qui ont le plus de souffrance au travail. Et donc le fait qu'eux se rebellent, et qu'ils ne se rebellent pas uniquement pour défendre leur précarité, ils se rebellent au nom de la collectivité, je pense que c'est un grand signe d'espoir. Philippe Batifoulier, merci d'avoir prolongé un peu ce bon moment avec vous. Mathilde, c'est à toi. Merci. Eh ben, merci beaucoup, Philippe. Nous, on va passer à une chronique, la chronique de Fanche ou la chronique du radioteur. Est-ce qu'elle est prête? On peut l'écouter? C'est parti. Cric-crac. Le Figaro, journal d'investigation politique de droite bien connu, a dépêché un reporter, Vincent Joly, place de la République, qui, dit Le Quotidien, s'est fondu plusieurs nuits dans le mouvement. Le chapeau de cet article, intitulé « La face cachée de Nuit debout », stipule que, je cite, « les utopistes des débuts du mouvement ont vite été dépassés par les militants d'extrême gauche et autres anarchistes. Ils sont également débordés par les casseurs en tout genre. » Fermez les guillemets. Le problème avec Le Figaro, Brice Couturier et même Fichtenkraut, c'est qu'ils n'entendent pas les philosophes ou les intellectuels qui ont déjà sur place apporté leur soutien à Nuit debout. Ils ne liront sans doute pas plus Gaël Brustier qui vient de publier Nuit debout qu'en penser. L'adage se vérifie bien. Il n'y a pas pire sourd qui ne veut pas entendre. Mais il n'y a pas que Le Figaro à se boucher les oreilles. Les radios, les TV se gardent bien de venir s'installer in situ. Trop de frais de déplacement sûrement. En effet, il est plus prestigieux pour France Culture d'aller interviewer Jonathan Franzen à New York que Frédéric Lordon, place de la République. Quant à Jean-Marc Four, le directeur de l'Info d'Inter, il estime sûrement qu'un tel mouvement, après 41 journées d'occupation pacifique de la République, n'est sans doute pas assez le résultat d'un ras-le-bol généralisé, une formidable envie de paroles libérées et de changements élaborés. Le Figaro se moque, France Culture dédaigne et Inter regarde de très loin. Ces médias ont depuis longtemps pris parti contre la Nuit debout et clairement contre un mouvement populaire. Pour eux, le combat, c'est 36, au risque de passer aujourd'hui à côté d'un moment de l'histoire comme en 68, radio et TV d'État sous le sigle ORTF avaient loupé le coche. Pour paraphraser un slogan de 68, je dirais bien « Choisis ton média, camarade !» Et ton camp, bien sûr. Radio Debout. Et la salle 101 s'invite de façon tout à fait inattendue à Radio Debout comme prévu. D'ailleurs, on l'avait annoncé lors de l'émission évidemment de la semaine dernière. Il y a beaucoup de monde, il y a des gens qu'on n'a pas vraiment l'habitude de fréquenter. Ce sont des gens qui sont souvent un petit peu hirsutes et j'ai remarqué, mal habillés. Nous, à la Salle, on est plutôt habitués au beau quartier, donc ça nous gêne un peu. D'ailleurs, en ce qui me concerne, c'est la première fois que je franchis la Seine et que j'arrive rive droite, et je ne suis pas étonné. Effectivement, c'est un petit peu sale. Bon, néanmoins, il se passe des choses, et on a eu l'occasion d'attraper un micro, ce qu'on ne fait pas très souvent, donc on est content pour pouvoir dire des trucs. Du coup, Raoul, vous compatissez avec les riverains ? Bah, je compatis, effectivement, je comprends que les riverains se plaignent du bruit, de tous ces gens qui viennent un petit peu crier, toutes sortes de choses. Alors que bon, c'est vrai que quand on regarde un petit peu tous ces gens, moi je comprends parce que toute cette foule amassée là m'empêche de voir par exemple les enseignes Gosport, le Crown Plaza, tout ça. Et ça m'ennuie, qui s'habitue à la publicité habituelle. Mais bref, tout ça pour dire que puisqu'on a je crois 20 minutes à peine, non même pas, 10 minutes, 15 minutes, un petit moment de. Allez, 25, 35 minutes, je ne sais pas, bref, plein de trucs. Je sais pas si on fait des grands signes, donc moi je suis pas habitué à ça. Il était question qu'on parle à un moment donné de l'obsession de contrôle dans nos sociétés. C'était tout à fait adéquat. Et alors, vous allez me dire, mais pourquoi la salle 101, comme spécialisée dans la littérature de science-fiction, va parler de contrôle ? Eh bien parce que, justement, nombreuses sont les œuvres qui en ont, qui en ont fait en quelque sorte leur miel. Et justement, puisque nos sociétés aujourd'hui sont obsédées par la transparence et le contrôle que ça implique, eh bien, il fallait citer un petit exemple de littérature qui n'est pas si connu que ça, figurez-vous. Il s'agit de l'excellent roman de Evgeny Zamyatin, que l'on traduit parfois en français par Eugène Zamyatin, parce que nous, on francise les choses, hein, ça c'est une directive qui nous a été évidemment transmise par Jacques Toubon. Nous autres, roman donc de Evgeny Zamyatin, qui est paru en 1920 en Russie à l'époque. En 1920, c'est la Russie, c'est déjà presque l'Union soviétique. Zamyatin a eu tout faux parce qu'il a été, un petit peu anarchiste, il a été un petit peu communiste, et puis surtout il était de gauche de façon générale, et il était un petit peu contre le pouvoir et contre les totalitarismes, et donc il a été forcément contre les tsars, et puis soudainement, quand les tsars se sont transformés en staliniens, il a été aussi un petit peu contre eux. Et pas de bol, il est allé mourir de misère et de pauvreté et de maladie à Paris. Ça, peu de gens le savent. Oui, il s'est exilé à Paris en 1931. Voilà. Et en fait, son livre a été censuré par l'Union soviétique en 1923. Forcément. Car ce livre, pour qu'on en parle ce soir, eh bien, parce que c'est un livre fondateur d'un genre intéressant qui s'appelle la dystopie. La dystopie, c'est quand l'utopie se transforme soudainement en horreur, à savoir un monde merveilleux qui devient atroce. Et le monde merveilleux de nous autres, puisque c'est bien de ce roman qu'il s'agit, eh bien, est particulièrement, particulièrement intéressant à l'aune de l'actualité aujourd'hui, de ce qu'on nous présente, puisque on va suivre un personnage qui est totalement dénommé. Il n'a plus de nom, il s'appelle D503, hein, et il fait partie d'une espèce de monde joyeusement épouvantable, où l'individu n'a plus cours, n'existe plus, et où tout est su de façon systématique. Alors à l'époque, évidemment, la science-fiction n'est pas vraiment un genre bien défini. Il y a des gens qui l'ont exploré comme Jules Verne, mais Zamyatin, lui, ne peut pas vraiment s'embarrasser de toute une quincaillerie à laquelle on peut être habitué aujourd'hui, comme par exemple des vaisseaux spatiaux, des choses comme ça. Et il est obligé de s'affranchir de la technique pour parler du contrôle d'une façon assez simple. Il imagine des sociétés futures où les gens sont parqués dans des grands immeubles qui sont intégralement faits en verre. C'est une idée que je trouve assez glaçante. À l'époque, évidemment, les caméras de vidéosurveillance n'existent pas, la télévision n'existe pas, les moyens de contrôle, les micros, etc., de surveillance généralisée n'existent pas. Donc la seule façon que Zamyatin trouve de parler de surveillance générale, c'est justement d'imaginer des grands immeubles en verre où les gens voient l'intégralité de ce qui se déroule chez leurs voisins, les voisins du dessus, les voisins du dessous, les voisins d'à côté, et le bon citoyen est celui qui n'a justement rien à cacher aux autres. C'est ça. C'est magnifique comme idée. En fait, il, à la place d'utiliser des moyens technologiques, il utilise l'architecture. Et en fait, c'est un concept qui vient du 19e siècle, qui nous est importé par un Britannique qui s'appelle Jonathan Bentham. Et, qu'on aime beaucoup à la salle 101. Qu'on adore énormément. Et donc, il est le fondateur qui a théorisé l'idée du panoptique. Donc le panoptique, l'idée qu'à partir de un point, vous pouvez observer tout ce qui vous entoure. Et donc Bentham pensait que par cette surveillance, dans lequel qui comptait mettre en place, surtout dans les prisons, vous avez une tour principale, vous avez un surveillant ou quelques-uns pour se relayer, et vous avez les cellules qui font sphère autour de cette tour. Et l'avantage, c'est que non seulement les surveillants peuvent voir les prisonniers H24, mais les prisonniers peuvent voir les surveillants et savoir si les surveillants font correctement leur travail. Donc on rentre un peu dans l'autosurveillance, c'est-à-dire que non seulement votre caissière surveille que vous ne voliez pas, mais en plus vous surveillez que votre caissière surveille que vous ne voliez pas. Et vous vous dénoncez mutuellement, et c'est vraiment le bonheur social. Ah oui, la dénonciation, c'est la base du bonheur social de toute façon. Et alors Bentham avait bien compris que le panoptique, c'était quelque chose qui pouvait s'appliquer à tout et à n'importe quoi, et donc qui pensait que dans les hôpitaux ça serait très bien, parce que du coup on pouvait repérer très vite que les patients vont mal, mais on pouvait, ce qui était plutôt louable, mais on pouvait aussi mettre ça sur l'éducation, oui, et afin de dresser au mieux de nouveaux citoyens. Donc le panoptique, c'est vraiment quelque chose qui a un usage polyvalent, qui peut s'adapter à tout, et donc Bazamiati nous en propose une première mouture avec l'habitation. Voilà, et c'est assez glaçant comme système. Alors c'est assez intéressant de voir que directement l'héritier immédiat de Bazamiati et l'héritier immédiat de nous autres, c'est George Orwell avec son 1984, qui lui évidemment est infiniment plus connu. Il y a énormément de gens qui parlent de 1984, qui citent abondamment 1984, évidemment sans l'avoir jamais lu, qui n'y voient d'ailleurs pour certains qu'une critique, une critique du communisme, alors qu'il s'agit évidemment d'une critique du totalitarisme au sens large. Et George Orwell lui-même ne s'est absolument jamais caché de s'être largement inspiré du fameux « Nous autres » de Zamiatin pour écrire son 1984. Ça, c'est un élément important. Je pense que pour les amoureux de ce roman, qui ignorent l'existence de « Nous autres », je les invite vraiment à se précipiter pour le lire. Ils verront à quel point Orwell n'a pas pompé, hein, c'est pas du tout le but, mais a récupéré d'excellentes idées de Zamiatin pour les intégrer brillamment dans 1984. Donc en l'occurrence, on parle vraiment d'inspiration et au sens noble, hein, puisque ça a donné aussi quelque chose d'extraordinaire. Il y a aussi bien sûr dans la série Les Héritiers de Zamiatin, Aldous Huxley et son Meilleur des Mondes. On pourrait aussi citer Un Bonheur Insoutenable d'Ira Levin. Autant de romans excellents qu'on invite les auditeurs et les auditrices à lire abondamment. Mais je voulais insister sur Orwell et sur 1984, parce que Orwell, donc, quand il écrit 1984 en 1947 à peu près, 46, parce que 47 il meurt, pardon, il s'intéresse avant tout à la surveillance. Et la surveillance, elle se manifeste par quoi ? Par un écran qui est chez chacun des habitants du monde merveilleux qui est décrit dans le roman. Cet écran, il est baptisé télécran, il préfigure la généralisation de la télévision chez nous, mais il a une particularité absolument glaçante, c'est que si on peut voir quelque chose, eh bien c'est surtout le télécran qui vous regarde. En fait, c'est tout simplement une caméra qui vous surveille chez vous. La petite différence avec la transparence absolue des immeubles de Zamiatin, c'est que vous ne savez pas si vous êtes observé. Vous doutez que la fameuse police de la pensée, c'est un terme qui a été inventé par Orwell, c'est bien de le rappeler. La police de la pensée est peut-être en train de vous observer, mais ce n'est pas sûr. Donc on est chez soi, mais on n'est pas vraiment chez soi. Donc il y a cette espèce de petit doute qui peut-être vous pousse parfois à baisser votre garde et à révéler aux yeux d'un éventuel surveillant un comportement déviant qui sera évidemment sanctionné le plus rapidement possible. C'est là aussi assez glaçant. Je crois que c'est aussi une manière de pousser l'autocontrôle encore plus loin, puisque vous ne savez pas quand est-ce que vous êtes surveillé. Vous surveillez continuellement, puisque potentiellement vous êtes surveillé tout le temps. Et donc par exemple, ça peut vous former votre comportement, votre caractère, vous adapter. Et il y a des choses bien sûr que vous commencez à vous interdire et qui progressivement ne deviennent plus des réflexes. Donc par exemple, la solidarité. Pourquoi être solidaire avec des gens qui contestent ? Pourquoi être solidaire avec des gens qui font la quête ? Est-ce qu'on va être mal vu pour ça ? Et donc, du coup, autant se l'interdire, comme ça on est sûr de se préserver. Et je pense qu'au début, on se l'interdit et que progressivement, en fait, on arrête tout simplement de le faire parce que ça ne fait plus partie de nous. Ben oui, tout simplement. On pourrait trouver des petits points communs avec les réseaux sociaux aujourd'hui. soit des réseaux sociaux type Facebook ou Instagram, pour ne pas les nommer, qui finalement prônent là aussi une forme d'autocensure systématique et surtout une forme de surveillance aussi généralisée. Et c'est assez révélateur que ces réseaux sociaux-là, à mon sens, sont les héritiers directs des sociétés sinistres imaginées par Zamiatin d'abord et par Orwell ensuite. C'est aussi intéressant de faire un parallèle avec nos sociétés actuelles et notamment l'espace public. Les caméras dites de surveillance ont envahi les rues, elles sont partout, et on entend évidemment l'argument massif qui consiste à dire si on n'a rien à se reprocher, pourquoi s'en offusquer. Elles font partie du décor, elles sont là, et on les a totalement intégrées. Alors le travail d'Orwell et de Zamiatin est repris en 2004 par Alain Damasio et dans La zone du dehors, une adaptation très intéressante au monde contemporain qui manque d'apercevoir tous les développements dans lesquels notre société va être, mais qui perçoit bien les soucis liés au transhumanisme, à la virtualité, etc. Parfait, merci Odile. On va faire une pause, mais on va aller voir un petit peu ce qui se passe derrière nous sur la place de la République et ce qui se dit à l'AG. Voilà. Débattre, réfléchir collectivement. Je sais que c'est ça, mais malheureusement, nous a forcé. Hein. Mais sinon, pendant ce temps-là, on peut aller boire un champagne, une petite coupe de champagne au Kron Plaza, et puis on revient juste après pour continuer. Vous savez me parler. C'est magnifique. Alors, quelle ambiance ? Allons-y. Je pensais sur des propositions qu'on ne connaissait pas forcément. Là, c'est bien, la logistique a pu s'exprimer sur quelque chose d'un peu plus concret. Est-ce qu'il y a encore des commissions structurelles qui veulent s'exprimer sur tout ça ? Donc, ce qu'on vous propose pour la suite, c'est qu'on passe du coup à des choses plus concrètes où on va pouvoir réentendre plus précisément les propositions. Donc, ce que j'invite donc les porteurs de propositions, on en a un ici, c'est Emmanuel sur la Constitution. Est-ce qu'il y a d'autres porteurs de propositions qui sont là ? On les avait invités à être là. Est-ce qu'on en a d'autres ? Est-ce que Jaïs est là, par exemple ? Non ? Bon, à ce moment-là, mais t'avais une proposition ? Non, mais qui sont passés dimanche, c'est ça ? Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter Emmanuel qui va nous repenter sa proposition. Derrière ça, on entendra en priorité, s'ils sont encore là, les commissions structurelles. Et puis ensuite, ce qu'on vous propose, c'est de lancer un débat plus global sur la proposition avec tout le monde. Ça se calme là-bas, plus ou moins. Et moi, je vais passer le micro à un autre modérateur qui est juste derrière moi. C'est Mamadou, dont je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, on va laisser la parole à Mamadou et puis Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, là, j'ai pas repris dans mon smartphone, là, les propositions pour vous les lire, mais je peux vous les expliquer. Très bien, parfait. Merci. Donc ça se présente en quatre points qui ont été rédigés un peu vite samedi, ce qui fait qu'il y a deux points qui pourraient être fusionnés dans le débat. Oui. Pour ceux qui ont les smartphones et qui voudraient suivre en même temps les choses, je vous invite à aller sur question.nudebout.fr. C'est quoi l'adresse exacte ? C'est 75 mars ou je ne sais plus ? question.nudebout.fr/75mars. Donc si vous voulez suivre ça en direct, il suffit d'aller sur votre smartphone et puis vous pouvez suivre en même temps. Voilà. Un autre point technique, est-ce que nos débats là, seront sur le net, consultables sur le net ou pas ? On va essayer de faire en sorte. D'accord. Est-ce que là, ce qui est enregistré, là, c'est pas pour être... D'accord. Donc, très bien. Ça sera sur le net ? Très bien, parfait. Donc, c'était en quatre alinéas, pour quatre sous-décisions. C'était, il y avait la première... Donc, le titre, d'abord, pour l'ensemble, c'est « Proposition de la Commission Constitution, processus constituant ». Premièrement, l'AG Nuit Debout de Paris décide d'engager un premier cycle de réflexion et de proposition pour enclencher, à terme, un processus constituant aboutissant à l'écriture d'une nouvelle constitution citoyenne et démocratique. Motivation de la proposition: initiative fédératrice de long terme, en phase avec l'idée de convergence des luttes. Alors je vous lis tout de suite le point 3 qui, à mon avis, devrait être fusionné avec le point 1. L'AG Nuit Debout de Paris constate que pour fédérer le peuple et non rester dans l'entre-soi, il est important de ne pas nous focaliser sur nos combats sectoriels, potentiellement clivants, et qui sont tous en but à notre impuissance politique, telle qu'elle est instituée par la Constitution, exemple 49.3, décide en conséquence de s'orienter autour de la revendication unificatrice d'un processus constituant d'origine citoyenne. Donc vous voyez, les deux choses sont très, très proches. J'en viens au deuxième point. La GNUI Debout de Paris encourage et demande à la Commission Constitution de présenter à court terme un calendrier de travail afin de présenter ultérieurement en AG les conclusions de ce premier cycle de réflexion, débat et de propositions concernant ce processus constituant en coordination avec les autres Nuits Debout de toute la France. Alors là, il n'est pas précisé dans le point, mais bien évidemment, l'AG demanderait ça à la Commission Constitution, mais tout le monde est invité à participer à la Commission Constitution. Hein. Quatrième point, enfin, le dernier, l'AG Nuit Debout de Paris décide d'engager les débats pour que les participants à Nuit Debout génèrent leur propre règlement, incluant la rotation et le contrôle des organisateurs par l'AG. Autrement dit, il s'agit de faire, à titre d'exemple, notre propre constitution. Alors ça peut regrouper, y compris le fait de ce qui a été évoqué pour les dépôts en préfecture. Ce n'est pas du tout une démarche hostile, c'est une démarche de responsabilisation de chacun des membres. Le fait de déposer son nom en préfecture n'est pas un pouvoir, comme ça a été très bien expliqué par la jeune femme, je ne sais pas son nom. Ce n'est pas un pouvoir, c'est une charge, c'est une corvée. Et une rotation, ça pourrait être aussi pour décharger de la corvée cette personne-là. C'est une responsabilité. Mais par contre, c'est une responsabilité qu'il nous faudrait tous partager. Pas seulement engager la responsabilité de quelques têtes qui donnent leur nom. Voilà, c'est à ce titre-là. Et quant au pouvoir, bah, par exemple, le pouvoir de prendre des décisions sur quels sont les stands. Je prends un exemple. Quelles sont les commissions structurelles ou pas? Eh bien, ça doit être un débat. Je ne sais pas. Peut-être qu'à l'origine, ça a été débattu par l'AG, mais je pense que c'est des choses qui peuvent être continuées à être débattues, proposées, modifiées. Moi, entre autres, la commission dont je m'occupe, la commission Constitution, j'estime qu'elle devrait être structurelle parce qu'elle est fédératrice de tous nos combats. Voilà. Bon, ben, je ne vais pas parler plus longtemps maintenant. Maintenant, s'il y a des questions... Alors, la priorité est au... Réveillez-vous, c'est Radio Debout. C'est Radio Debout, mais nous, on est un petit peu assis à la salle 101 parce qu'on préfère le confort. Hein. J'avoue que l'inconfort généré par cette place, dont la propreté, je le répète, est douteuse, est de nature à me gêner. Néanmoins, on fait un effort et on est quand même... Allez, la salle 101 descend voir le peuple, voir de quoi se nourrit le peuple, justement, en général, de mauvaises télévisions, de mauvais médias et de mauvaise nourriture. Heureusement, Fréquence Paris Pluriel, Radio Debout, la salle 101, apporte un petit peu de bonheur culturel dans tes oreilles, auditrices, auditeurs et... Tout ça, c'est pour le mieux. Bien entendu, nous parlions tout à l'heure de la dystopie, nous parlions de l'obsession de surveillance que l'on pourrait qualifier joyeusement de sécuritaire dans notre monde merveilleux. Nous parlions de littérature avec nous autres, Amiatine, avec bien sûr 1984 de George Orwell. Et puis, il était tout à fait envisageable, on a d'ailleurs commencé à le faire, de parler des héritiers d'Orwell et d'Amiatine en littérature en ce moment. Et pourquoi ne pas citer le cas assez emblématique d'un type qui est assez connu maintenant, Alain Damasio, qui a écrit d'abord en 99 et en 2001 ensuite un livre La Zone du Dehors chez un tout petit éditeur qui a ensuite été réédité récemment, en 2007 après le succès de son second roman La Horde du Contrevent qui avait connu évidemment un gros succès donc sous nos longitudes tout simplement. Odile, c'est vous un petit peu la spécialiste d'Alain Damasio qui mettait en scène une société là aussi obsédée par le contrôle. Pas vraiment d'obédience fasciste parce que c'est trop direct comme mot, mais disons très démocratiquement très très très très forte, hein, on va dire ça. Je dirais voilà. Tout simplement social-démocrate. C'est ça. Et avec des caméras. Avec des caméras, donc cette version orwellienne par Damasio, donc je sais pas si vous l'avez dit, en fait c'est la zone du dehors. La zone du dehors, j'ai pas dit. Ouais. Et donc la zone du dehors se passe dans un futur plutôt proche finalement en 2084. C'est possible que certains d'entre vous connaissent cette année. Et alors il se trouve que la planète a un petit peu périclité, c'est un peu la guerre sur Terre, et donc du coup certaines colonies se sont exilées sur d'autres planètes, et donc notamment Saturne. Et elles vivent tout simplement en autarcie, C'est-à-dire qu'évidemment, les planètes colonisées ne sont pas adaptées, ne sont pas viables pour les êtres humains. Donc, ils ont recréé un espace artificiel, ville, un espace fermé, dans lequel les êtres humains peuvent vivre. Et donc, ça, c'est le dedans. Il ne s'agit que de la ville. Et donc, il n'y a pas de campagne. Je pense que c'est quelque chose d'assez révélateur. Oui. Et sur les lunes de Saturne, la campagne est assez limitée aussi en termes de. Il y a peu de vaches, par exemple. Et peu vous ne faites pas d'efforts. C'est vous ne faites pas d'efforts. Et parce que quand on veut, on peut. Oui. Donc l'intrigue de la zone du dehors suit un individu qui s'appelle Capt, qui est un professeur. Il me semble même qu'il est universitaire. Et en fait, Capt est surtout à la tête d'un mouvement contestataire. Donc en fait, le roman démarre, ce mouvement contestataire est au bord du schisme entre ceux qui veulent rester continuer d'user deux méthodes de contestation traditionnelles et ceux qui voudraient passer au stade supérieur et donc en fait à de la violence. L'action directe. Voilà. Et ils décident de se nommer les Voltés parce que la révolution c'est quand vous retombez sur vos pattes et eux ils ne veulent pas retomber sur une social-démocratie. Ce qu'ils veulent c'est une vraie révolution et donc tourner le dos à la démocratie et donc ils veulent Voltés. Donc il faut savoir que ce groupe de Voltés inspire également le nom de la maison d'édition qui les édite, hein, la Volt. Mais bon, ça, c'est un peu une histoire éditoriale dont on s'en fout. Et donc, on va suivre, en fait, le parcours de ces résistants, en fait, et de comment on se construit comme groupe résistant, quand nos méthodes ne font pas l'unanimité. Oui, au sein de la population qui préfère globalement le confort. Exactement. Comment on fait pour lutter contre l'héroïsation des leaders de ce mouvement? Comment on fait pour maintenir la cohésion au sein de ce mouvement? Et donc on suit le parcours de Cap, un parcours qui n'est pas exemplaire, un parcours qui n'est pas parfait, qui n'est pas utopique, mais qui est cependant très inspirant, qui se rend bien compte à la fois de tout ce qu'il y a d'enthousiasmant autour d'une révolte et en même temps de la douleur, de la difficulté, de la souffrance que ça peut engendrer. Et la grande force de ce roman, c'est que ça ne va pas se contenter du chemin, du parcours vers une révolution, mais ça va aussi aller jusqu'au moment où on pense la société d'après. Quelle horreur, on peut dire que c'est réfléchi en fait. Et oui, le moment où on en sort, le moment où on est dehors. Et donc, voilà. Et alors donc, on reprend évidemment la thématique du panoptique, puisqu'on est dans une ville où l'être humain est surveillé constamment. Et alors il y a un nouvel aspect qui est introduit dans ce roman, qui est l'aspect biologique, et ça va être le contrôle des êtres humains non seulement par la vue, on voit ce que vous faites, mais ça va être aussi un contrôle interne à l'organisme par la biologie et par en fait la médication, c'est-à-dire qu'en fait en poussant très loin l'usage d'antidépresseurs, de régulateurs d'émotions, et en fait en faisant passer ça pour de la drogue, donc quelque chose de plutôt chouette, récréatif, etc. On arrive au contrôle total. Et bien en fait on arrive à des gens qui sont heureux quand ils ont envie d'être heureux, qui sont tristes quand ils ont envie d'être tristes, qui sont excités sexuellement quand ils ont envie d'être excités sexuellement, mais bon, qui sont surtout très mollassons, hein, parce que ça reste quand même des émotions qui sont tout à fait superficielles et qui en général ont plutôt un goût amer puisqu'ils mettent les gens tout à fait KO et dépendants. Et donc moi je trouve que cette idée est vraiment très brillante et ça me fait beaucoup penser aux formes de. Enfin une dérive du transhumanisme, jusqu'où l'homme peut se modeler. Et est-ce que c'est souhaitable qu'il se modèle à ce point-là? En tout cas, on vous invite à lire ce livre en la zone du dehors. Madame Amasio, c'est l'heure de faire une petite pause de publicité, car la publicité, c'est la vie, vous le savez bien. Hein, la publicité, nous aimons ça, avec une chronique de la vraie fausse Europe et ses fantasmes. La Constitution européenne. Cette convention a été chargée de formuler des propositions sur trois sujets. Rapprocher les citoyens du projet européen et des institutions européennes. Structurer la vie politique et l'espace politique européen dans une union élargie. Faire de l'union un facteur de stabilisation et un repère dans l'organisation nouvelle du monde. Un préambule au projet de traité établissement une constitution pour l'Europe. Notre constitution est appelée démocratie parce que le pouvoir est entre les mains non d'une minorité, mais du plus grand nombre. Conscient que l'Europe est un continent porteur de civilisation, que ses habitants, venus par vagues successives depuis les premiers âges, y ont développé progressivement les valeurs qui fondent l'humanisme. L'égalité des êtres, la liberté, le respect de la raison. S'inspirant des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, dont les valeurs, toujours présentes dans son patrimoine, ont ancré dans la vie de la société le rôle central de la personne humaine et de ses droits inviolables et inaliénables, ainsi que le respect du droit. Convaincu que l'Europe, désormais réunie, entend avancer sur la voie de la civilisation, du progrès et de la prospérité pour le bien de tous ses habitants, y compris des plus fragiles et des plus démunis. Qu'elle veut demeurer un continent ouvert à la culture, au savoir et au progrès social. Et qu'elle souhaite approfondir le caractère démocratique et transparent de sa vie publique et œuvrer pour la paix, la justice et la solidarité dans le monde. Persuadée que les peuples de l'Europe, tout en restant fiers de leur identité et de leur histoire nationale, sont résolus à dépasser leur ancienne division et unis d'une manière sans cesse plus étroite à forger leur destin commun. Assurée que, unie dans sa diversité, l'Europe leur offre les meilleures chances de poursuivre dans le respect des droits de chacun et dans la conscience de leurs responsabilités à l'égard des générations futures et de la planète, la grande aventure qui en fait un espace privilégié de l'espérance humaine. Reconnaissant aux membres de la Convention européenne d'avoir élaboré cette constitution au nom des citoyens et des États d'Europe. Merci la Constitution européenne sur le Studio 101, Nuit Debout. Voilà, on est toujours en direct sur Radio Debout, toujours en direct depuis la place de la République. Et ce qu'on vous propose, c'est de faire un saut à l'Assemblée Générale qui se déroule à quelques pas de nous. Organisés, il y a des courants d'idées, il y a des intérêts organisés. Parce qu'il y a, tu l'as abordé d'ailleurs, un écart de richesse. Et il y a des intérêts organisés, il y a des branches professionnelles, il y a des patrons et des salariés, etc. Donc moi, je pense que ça serait plus démocratique que les gens soient identifiables avec les projets qu'ils portent. Mais je ne pense pas, dans l'optique qu'offrait une nouvelle constitution, ce qui serait salutaire et souhaitable, je suis d'accord, je pense qu'il ne faut pas choisir des gens au hasard, donc par le tirage, d'autant plus que sur 10 gens, sur 10 personnes, 8 peut-être ça ne les intéresse pas. Donc ils laisseront le pouvoir aux deux autres en disant mais nous, ce n'est pas dans nos clous, on n'y est pas formé, on ne s'y est jamais intéressé et puis pourquoi on se ferait chier. Donc moi je pense qu'au lieu de confier un tel processus quand il verra le jour à des partis tels que PS, UMP et tout ça, évidemment ça ne me dit rien non plus, il faudrait qu'il y ait un processus de proposition de gens qui vont écrire par des forces qui sont légitimes, des associations écologiques, des associations de défense des consommateurs et consommatrices, des associations qui réfléchissent au transport, un peu comme les commissions qu'on a ici, mais des intérêts structurés, des syndicats de salariés qui doivent par ailleurs se démocratiser, mais c'est aussi un débat, etc. etc. Moi, je pense que ce serait plus démocratique. Dernière idée, moi, je pense que la comparaison avec le système d'Athènes, donc dans l'Antiquité, n'est pas bonne parce que c'est absolument pas comparable. C'était une société où il y avait peu d'électeurs. La société était profondément inégalitaire parce que les gens qui pouvaient faire la politique, ils pouvaient la faire parce qu'ils avaient des esclaves qui faisaient le travail pour eux. Donc ce n'est pas le type de société qu'on veut construire. Et puis c'était peu de gens qui se connaissaient. Alors que dans une société de 60 millions où on ne veut évidemment pas ou plus avoir d'esclaves et même abolir le salariat, ça sera autre chose. Voilà. Je réponds d'abord ou on donne la parole? D'accord. Non, la seule chose, c'est qu'après, je vais avoir beaucoup de mal. Déjà, il a abordé plusieurs points, donc comme je n'ai pas de quoi prendre de notes là, ça va être difficile. Tu me guides si... Pardon. Ah, tu veux absolument... D'accord. C'est juste pour ne pas rajouter des points. J'ai déjà parlé, je vais vous parler une dernière fois pour ce soir. La proposition, c'est juste que la constituante devienne une commission structurelle, en fait. Ce n'est pas par rapport à la proposition dont on est en train de parler depuis deux tours de parole. Ceux qui ont des propositions par rapport à ça peuvent d'ailleurs rejoindre la commission constituante s'ils ont des propositions comme ça. Je pense que tout le monde recrute ici, donc s'ils veulent participer, ils peuvent venir. Mais la proposition, c'est juste par rapport au fait que ça devienne une commission structurelle. Et justement, dans cette commission, on peut décider de ça ou non, quoi. Est-ce qu'il y a 1000 personnes ou non ? Est-ce qu'il y a des partis ou non ? Et comment ça se fait ? Donc voilà, la proposition, c'est par rapport à ça. Alors, j'aimerais vous rappeler qu'on a besoin d'une équipe de modération pour prendre les tours de parole et nous assister derrière. Et ensuite, j'aimerais vous rappeler de respecter le temps de parole des gens et de pas interférer de cette manière. Donc maintenant, je vais reprendre deux tours de parole libres et ensuite, on va faire une réponse. Juste pour préciser, on a besoin de au moins 3 personnes, voire 4 pour un chrono. Donc s'il y a des gens qui sont motivés, ce serait super de nous aider, parce que c'est pas évident tout seul. Ouais, bah ceux qui sont ceux qui sont d'accord, vous venez juste me rejoindre sous le barnum et puis on voit ce que vous voulez faire. Bon, qui est d'accord pour un chronomètre ? Ok, donc tu peux te mettre là et si t'as... Bonjour Jean-Luc Nancy. Vous êtes... c'est la première fois que vous venez sur la place de la République, là ? Oui, c'est la première fois. Et ben voilà, on est donc sur Radio Debout et on reçoit ce soir Razmig Kecheyan qui est sociologue et si on t'invite c'est à la fois pour tes travaux de sociologue, on en parlera tout à l'heure, mais c'est aussi parce que en tant qu'intello militant, tu nous diras quelle est la part des deux, tu es l'un des signataires d'un appel, d'un texte paru dans Le Monde, je crois. Oui, c'est ça, dans Le Monde. Nuit debout peut être un porteur de transformation de grande ampleur. C'était ça le titre. Voilà, dans ce texte, on va voir un petit peu ce qu'il y a dans ce texte. Mais l'idée de ce texte, c'était de remettre Nuit debout dans le contexte des mobilisations alternatives ou des mobilisations qu'il y a depuis 20 ans, mais d'en souligner les continuités et les ruptures. Est-ce que tu peux un peu raconter la démarche que vous avez eue ? Oui, absolument. Alors, le premier objectif, c'était d'apporter le soutien d'une série d'intellectuels, entre guillemets, c'est-à-dire des écrivains, des universitaires, des éditeurs à ce mouvement, et de dire toute notre admiration pour la créativité de ce mouvement, pour sa capacité à durer, à s'installer dans la durée, et aussi à se poser des questions qui sont particulièrement intéressantes et qui vont irriguer les mouvements sociaux pour les jours, pour les semaines, pour les mois et pour les années à venir. Nul ne sait ce que tout ça va donner. Mais ce qui est certain, c'est que déjà, un premier bilan qu'on peut tirer, c'est que c'est un mouvement extrêmement créateur et intéressant. Alors, à part ça, on a aussi souhaité mettre ça en perspective historique, dans l'histoire de court terme, et de montrer que, évidemment, c'est un mouvement qui ne venait pas de rien, de nulle part. C'est un mouvement qui a des ramifications internationales. On a beaucoup cité comme précurseurs les indignés, Occupy, mais c'est aussi un mouvement qui doit être resitué dans l'histoire de moyen terme, par exemple, de l'altermondialisme, des mouvements écolos. On aura l'occasion d'en reparler par la suite. Et donc, vous racontez, vous faites ce constat-là, mais vous parlez aussi des formes, parce que même s'il y a de la filiation, on discutera des filiations, mais en tout cas, il y a des formes qui lui sont propres. Qu'est-ce que tu vois, continuité et rupture ? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'un peu différent ? Qu'est-ce qu'il y a qu'on ne connaissait pas déjà ici, quand on essaye de se donner un peu de champ ? Alors, il y a un aspect qui a été constaté à propos de mouvements comme Occupy, comme Gezi Park, comme les Indignés, c'est évidemment la dimension spatiale, c'est-à-dire l'occupation des places. Il y a ce que certains sociologues appellent une spatialisation des mouvements sociaux qui est en cours, qui consiste pour des mouvements sociaux qui sont aussi bien des mouvements ruraux que des mouvements urbains, à occuper des places, c'est-à-dire à s'installer sur des places comme la place de la République ou d'autres places en France, en Espagne, aux États-Unis, et à essayer de construire une base de discussion, d'élaboration et aussi d'action à l'intérieur de la ville ou à l'intérieur d'un espace rural à partir de cette place. Alors ça a une longue histoire, hein. Même au 19e siècle, la dimension spatiale des mouvements sociaux existait, mais c'est quelque chose qui tend à être de plus en plus prononcé. Et c'est peut-être à mettre en rapport aussi avec le fait que les espaces urbains, l'urbanisation des populations prennent de plus en plus d'importance et que des lieux qui autrefois étaient des centres de mobilisation, comme par exemple l'usine, avec la désindustrialisation, ont tendance à devenir, non pas à disparaître bien sûr, mais à devenir peut-être relativement moins importants, en tout cas provisoirement. Et c'est ce qui conduit ces mouvements à prendre place justement dans des places de type place de la République. Parce que moi, un des trucs qui m'a surpris ici, dans les manières de faire que je ne connaissais pas, c'est cette préoccupation des organisateurs immédiatement de construire une sorte de base vie, comme quand on fait un chantier, quand on fait un ouvrage de BTP, où on crée d'abord la base vie, l'endroit où on va pouvoir mettre l'infirmerie, se faire un café, faire à bouffer, etc. Et puis à partir de là, on déploie les choses, on installe la sono, tout ça. C'est... L'autre monde commence ici et maintenant. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on projette dans un avenir lointain et incertain. L'autre monde, on commence à l'organiser ici et maintenant. Alors là encore, c'est quelque chose qui a existé dans la longue durée des mouvements sociaux. C'est pas peut-être le premier qui a inventé cette manière de procéder. Mais il est clair que cette dimension tend à prendre de plus en plus d'importance à mesure que la dimension, disons, de la critique de la vie quotidienne, comme disait le marxiste Henri Lefebvre, prend également de plus en plus d'importance dans les mouvements sociaux. Dans un mouvement social moderne, depuis toujours, il y a une dimension qualitative et une dimension, disons, plus quantitative, liée aux revendications salariales, etc. Et on voit bien que ces deux dimensions sont présentes dans ce mouvement. Il y a une dimension de revendication immédiate sur les conditions de travail, sur etc. Et puis il y a une dimension qualitative de l'invention ici et maintenant, dès à présent, d'un autre monde possible. Alors dans le texte que vous signez dans le monde diplomatique, la moyenne c'est un bac plus 12 hein, pour tous les signataires dans le monde tout court. Mais il y a un truc en tant qu'intello, c'est vous dites il est quand même un petit peu trop tôt pour dire et pour savoir, faire des analyses du mouvement, etc. Je trouve votre prudence salutaire parce que je suis très étonné de voir à quel point on a déjà des écrits sur le mouvement. Il y a même quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Gaël Brustier, j'ai jamais entendu parler de lui, mais qui a déjà, son livre est déjà en librairie et ça s'appelle Nuit debout, que penser Nuit debout, que penser. Et c'est, alors évidemment, lui, il a décidé que c'était un mouvement post-marxiste. Et bon, on voit bien que la production intellectuelle, elle est confrontée dans ces moments. Absolument. Alors nous, on n'est pas du tout dans l'idée de faire une analyse surplombante de ce mouvement. Nous, on considère que ce mouvement est lui-même un intellectuel collectif et que les intellectuels n'ont pas un rôle particulier à jouer dans ce mouvement, parce que c'est un mouvement qui sait se poser des bonnes questions et qui va inventer avec le temps, alors ça prendra le temps que ça prendra, les bonnes solutions. C'est pas du tout aux intellectuels de faire cela. Ce que peuvent faire les intellectuels provisoirement, c'est déclarer leur admiration pour le mouvement. C'est ce qu'on a fait, c'est toute la dernière partie du texte. Et c'est aussi contrecarrer, évidemment, tu l'as pas dit mais on peut en parler, la mobilisation des intellectuels du camp d'en face, c'est-à-dire des intellectuels de droite, des Finkielkraut, etc. Évidemment, c'est des gens qui ne se privent pas de prendre position dans l'espace public au nom de leur intellectualité supposée, au nom de leur appartenance à l'académie, etc., pour contrer le mouvement. Alors l'une des fonctions modestes que les intellectuels peuvent se donner dans un contexte de ce genre, où Nuit debout est assailli par des adversaires de toutes parts, etc., c'est essayer d'utiliser ce que Pierre Bourdieu appelait le capital symbolique pour faire en quelque sorte barrage au capital symbolique utilisé par nos adversaires. C'est tout. Les intellectuels que nous sommes n'ont pas plus de fonctions que ça dans l'élaboration programmatique de ce que sera ce mouvement. Ce mouvement est un intellectuel en lui-même, il n'y a pas besoin de gens qui ont pas plus 12 ou quoi que ce soit de ce genre pour l'aider à réfléchir. Et parce que la sollicitation est assez forte tout de même pour les intellos de produire une pensée immédiate sur ce qui est un train de se passer. Dans ce que tu dis, c'est quand même plutôt les adversaires du camp social, pour le dire largement, qui eux se prêtent à ce jeu de... on a compris ce qui s'y passe, voilà mon analyse. Absolument. Et ce qui est admirable dans ce mouvement, c'est que c'est un mouvement qui ne se laisse pas décrire par ses adversaires. Ce que les médias dominants passent leur temps à faire, ce que les intellectuels dominants passent leur temps à faire, c'est assigner une identité figée, fermée à Nuit debout. Et ce que Nuit debout essaye de faire, et le fait très bien jusqu'à présent, c'est au contraire ouvrir cette identité et dire ce que nous sommes n'est pas encore advenu. Ce que nous sommes en train de l'élaborer à partir de maintenant, et nous verrons, c'est une identité qui se projette vers un avenir et qui refuse toutes les identités figées qui viennent... et sont décrites par les adversaires. Et ça, c'est une des choses les plus remarquables de ce mouvement-là, d'avoir tenu autant de temps et de tenir encore à l'avenir avec une espèce d'ouverture comme ça vers l'avenir et de ne pas se laisser enfermer dans le propos des adversaires. Alors dans votre texte, vous écrivez « Nuit debout qu'on contribue à élargir le champ des possibles, Nuit debout continue à élargir le champ des possibles » et vous appelez à une convergence pour un projet positif ou pour une convergence des formes révolutionnaires sur ce mouvement. Tu penses, au-delà du souhait, tu penses que la forme actuelle de mobilisation peut prêter à ce type d'ambition ? Moi, je pense que oui, mais ça prendra du temps. La gauche révolutionnaire ne sort pas indemne du XXe siècle, c'est tout à fait évident. On a pris une gifle monumentale. Et je crois qu'il ne faut pas se précipiter. Je pense qu'il faut construire patiemment, il faut accumuler des expériences, il faut réfléchir collectivement. Et ce faisant progressivement, au fil des années, peut-être des décennies, mais pour un mouvement social, il faut souvent cela, eh bien, on va parvenir à identifier les bonnes questions et à y répondre de manière adéquate. Moi, je suis évidemment pour réfléchir en termes de débouchés politiques au sens large, je ne veux pas dire électoral. Je suis pour réfléchir en termes de convergence des luttes. Le mouvement le fait, mais je ne suis pas pour faire de ça le prétexte pour aller trop vite. Je pense qu'il faut se donner le temps, il faut que le mouvement se développe de manière organique, continue à se poser les bonnes questions. Évidemment que des convergences sont souhaitables et elles auront lieu, dans les jours, dans les semaines qui viennent, mais la convergence des luttes et les débouchés politiques, ça ne doit pas être un prétexte pour aller encore une fois trop vite et pouvoir, retomber sur l'existant, quoi. Sachant que, évidemment, il y a des expériences passées sur lesquelles on peut construire, mais il y a aussi tout un tas de choses à inventer, et inventer à l'échelle d'une société qu'on souhaite. Ça prend forcément du temps, quoi. Alors on a pris prétexte de cette pétition pour t'inviter, mais aussi parce que cette réapparition des intellectuels, parce qu'il y a vous, mais il y a un grand nombre de prises de position, il y a un grand nombre d'intellectuels de gauche, enfin pas des Finkielkraut qui viennent faire des provocations place de la République, mais des intellectuels de gauche qui sont venus, qui se sont rendus disponibles pour des débats, pour participer à des AG, des ateliers, etc. Mais il y a aussi un grand nombre d'artistes qui sont venus, il y a eu Kazen, Nekfeu, enfin la liste serait très longue. Et j'ai l'impression que c'est un peu le retour des intellos et des artistes, enfin des relais d'opinion, je ne sais pas comment on peut les. Qui ont été sensiblement absents dans les périodes précédentes, par exemple la mobilisation autour du mariage pour tous, contre la manif pour tous, s'est fait en l'absence des intellos et des artistes, par exemple. Oui, c'est possible. En même temps, dans les mouvements sociaux qui ont eu lieu au cours des 20 ou 30 dernières années, il y a eu des mobilisations d'intellectuels. Si on pense par exemple à l'altermondialisme, au cours des forums sociaux régionaux, continentaux, mondiaux, bah, il y a eu toujours des débats avec des intellectuels plus ou moins connus, Naomi Klein, Noam Chomsky, etc., ou les versions françaises de ces intellectuels-là, qui ont été présents, qui ont animé des débats, etc. Par ailleurs, il y a une forme d'intervention intellectuelle qui a par exemple été illustrée par les gens formidables qui composent le conseil scientifique d'Attaque, par exemple, qui ont fait ce qu'on appelle de la contre-expertise, qui sont souvent des économistes et qui ont contrecarré par leurs écrits et par leurs travaux eh bien, le discours dominant néolibéral en matière d'économie. Alors c'est des formes d'intellectualité plus discrètes. Hein. C'est très discret, ça consiste à opposer aux chiffres des dominants nos propres chiffres et à montrer que les solutions des dominants sont une fausse solution. Donc, mais c'est une forme d'intervention intellectuelle dans le débat qui a été très importante et qui a nourri des mobilisations altermondialistes pendant longtemps. Mais il est possible aussi qu'en effet, avec Nuit Debout, une forme de retour de forme d'intellectualité nouvelle, ou en tout cas qui avait pu être souterraine pendant un certain temps, eh bien, réapparaît sur le devant de la scène. Et c'est peut-être tout simplement la radicalité en effet, de ce mouvement qui permet à des artistes de aussi prendre part à la réinvention du monde qu'on souhaite ici. Mais sur la question du monde intellectuel, ce petit décalage, moi, que j'avais l'impression ces dernières années, c'est pas quelque chose que t'avais senti, une certaine prise de distance entre l'université et les mouvements sociaux? Alors, quoi. C'est très marqué pour l'université, mais pour une raison simple, c'est que les universitaires sont dans des logiques de plus en plus institutionnelles, que les grandes figures intellectuelles de type Bourdieu, par exemple, ou même Foucault, Derrida, etc., qui étaient des intellectuels très engagés, aujourd'hui, on en trouve beaucoup moins l'équivalent, du fait des transformations de l'université et du fait que l'université est devenue un lieu où les profs sont complètement atomisés, individualisés, etc. Donc il y a des tendances structurelles très lourdes qui font qu'il y a une autonomisation du champ universitaire par rapport au champ politique et qui rend plus difficile des formes d'engagement intellectuel qui étaient celles des années 60-70. Mais peut-être que tout ça est en train de changer et qu'avec un mouvement comme Debout, une nouvelle histoire des intellectuels et de leur engagement va commencer. Il faut encore penser les conditions institutionnelles de possibilité de cet engagement. C'est pas du tout évident, me semble-t-il, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on pourrait revenir. Alors si on parle d'institutions, on va faire un pas de côté et puis faire un peu de politique fiction, mais une des institutions de la Ve République, c'est l'élection présidentielle. Et il y a quelque chose qui polarise, ça polarise totalement l'espace politique pendant la période des élections présidentielles, mais finalement presque tout au long de la vie politique. Et c'est une des questions qui se pose entre autres à cette antenne, c'est comment est-ce qu'un mouvement comme ça, un mouvement populaire sans figure spécialement visible, sans leader manifeste, peut trouver sa place dans un espace politique polarisé par les individus qui se voient un destin national et à quelques mois, à un an de l'élection présidentielle. En aucun cas, me semble-t-il, en se posant de la question de sa participation présidentielle. Je pense que c'est des logiques qui sont tout à fait différentes. Il y a ici des gens, même autour de cette table, qui prendront part d'une manière ou d'une autre à l'élection présidentielle, dans des mouvements, dans des organisations politiques d'extrême gauche, de gauche, etc. Mais je pense que un mouvement comme Nuit Debout ne peut en aucun cas, à une année de l'échéance, évidemment, se poser la question de sa participation en tant que telle dans un mouvement. Ce serait évidemment un ferment de division, et c'est une question qui est une non-question à ce stade dans Nuit Debout. Ce à quoi doit penser Nuit Debout, me semble-t-il, c'est se poser les bonnes questions en termes de durabilité, d'inscription dans la durée, et essayer d'y apporter des réponses novatrices et intelligentes, mais à l'abri de la logique présidentielle, qui est une logique évidemment mortifère. Ce qui, encore une fois, ne veut pas dire que certains militants ou des groupes qui participent à Nuit Debout ne se poseront pas la question de la participation, mais séparément, à cette élection présidentielle qui, en effet, sature le débat politique pendant beaucoup plus d'une année, en réalité, en France. Tout bêtement, je me demandais, est-ce qu'un mouvement comme celui-là, s'il avait eu lieu 8 mois plus tard, ou un an plus tard, est-ce qu'il aurait eu le moindre écho, tant l'espace médiatique et politique est saturé par la bataille présidentielle? C'est difficile à dire, mais en même temps, on est à une année de l'élection et il semblerait que le mouvement a quand même pris dans des conditions où la présidentielle sature déjà le débat public. Donc ça montre qu'il y a un nombre croissant de gens qui ne sont pas satisfaits du tout et même très en colère contre cette logique institutionnelle de la Ve République, et que, quelle que soit l'échéance, eh bien, les gens sont prêts à se mobiliser. Donc moi, je suis assez confiant dans le fait que le mouvement est autonome par rapport à cette logique et qu'on va pouvoir continuer à exister dans les mois qui viennent sans se faire happer par des débats qui ne sont, à mon avis, pas les nôtres en tant que mouvement. Alors peut-être une dernière question sur ce sujet, et sans je m'excuse si jamais je présume de ta science, mais on a beaucoup comparé Nuit Debout à ce qui s'est passé en Espagne autour du mouvement du 15M, mais on parle aussi de ce qui s'est passé à Occupy, à Wall Street, etc. D'autres évoquent encore ce qui a pu se passé en Grèce ou dans les révolutions arabes. Évidemment, est-ce qu'il y a des choses comparées qui prennent... est-ce que ces comparaisons ont un sens et à quoi tu les compares? Ces dimensions spatiales, par exemple, l'occupation de place est quelque chose qui a été très présent dans le cas des indignés, a été très présent dans le cas d'Occupy, ça a été présent aussi en Grèce avant l'élection de Syriza. Donc cette spatialisation des mouvements sociaux qu'on évoquait en commençant est quelque chose de tout à fait clair. Et il y a un deuxième aspect, c'est qu'il y a une dimension, en effet, en tout cas un état d'esprit qui est assez anti-institutionnel. Aujourd'hui, on peut faire l'hypothèse selon laquelle une partie des réseaux qui ont œuvré dans le cadre d'Occupy se sont reversés dans la campagne Bernie Sanders. C'est certainement pas tout le mouvement, mais il est tout à fait possible que certains réseaux se soient transformés. Mais au départ, il est tout à fait clair que Occupy a été un mouvement, disons, anarchiste au sens littéral du terme, extrêmement radicalement libertaire, qui ne se posait pas la question de sa traduction dans l'espace institutionnel états-unien. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut se constater aujourd'hui. Il y a à l'intérieur de ce mouvement Nuit Debout des gens qui se posent la question de la traduction institutionnelle, mais c'est certainement pas quelque chose que le mouvement en tant que tel se pose dans un laps de temps relativement court. Dans le cas des indignés, il en va de même. Une partie du mouvement des indignés s'est posé la question de la traduction en parti politique. Ça a donné Podemos, mais c'est pas tout le mouvement des indignés. C'est une partie du mouvement des indignés. Donc voilà, donc il y a une série de similitudes, mais moi je pense qu'il est intéressant, y compris du point de vue du débat stratégique, de resituer aussi les choses du point de vue de l'histoire longue des mouvements sociaux. Comme on l'a dit, le XXe siècle a constitué une immense gifle pour la gauche, a été un moment extrêmement difficile, mais ça ne veut pas dire que les mouvements actuels n'ont pas de filiation longue au XXe siècle et même au XIXe siècle, et que certaines des formes qui sont expérimentées ici, maintenant, n'ont pas une histoire plus longue, même qui plonge au XIXe siècle. Allez, on va partir, Razmig, du côté de la technique. Ah oui, il faut que je dise qu'on fait une petite pause musicale, c'est un cru maison. Et c'est fabriqué exprès à la main pour nous. Eh ouais, c'est fait à la main et à la maison. On est toujours sur Radio Debout, donc, et on est avec Razmig Kuchayan, toujours en direct de la place de la République. Et Razmig, je voudrais qu'on poursuive notre discussion en prenant comme point de départ ton dernier livre. Je crois que c'est le dernier, La nature comme champ de bataille, où tu interroges comment les questions liées au climat et à l'écologie modifient la pensée politique, en particulier la pensée politique de gauche, la pensée marxiste. Et parce que c'est un débat qui a beaucoup alimenté les mouvements autour de la COP21, de l'écologie radicale, etc. Et je pense qu'il y a, il y a beaucoup de liens avec ce qui se passe ici. Je vois, voilà, que tu reviennes un peu sur les deux grandes thèses que tu as dans ce livre, sur le lien entre les mobilisations écologiques et la gauche radicale, le marxisme. Oui, alors le point de départ du livre, c'est la critique de ce qu'on pourrait appeler l'écologie dominante. L'écologie dominante, elle affirme que la crise climatique est une crise qui concerne l'humanité dans son ensemble, de manière indifférenciée. Bon, dans le discours médiatique sur l'écologie, sur la crise climatique, sur la COP21, qui vient, donc le discours qui vient du gouvernement, c'est ça, quoi. C'est l'humanité est confrontée à un problème radicalement nouveau, et ce problème radicalement nouveau, c'est la crise climatique. Ce que j'essaye de montrer dans le bouquin, c'est que c'est faux. C'est que l'humanité ne va pas subir les effets du changement climatique de manière indifférenciée, de manière compacte, comme un bloc, mais qu'au contraire, selon la classe sociale à laquelle on appartient, ou selon le genre, homme, femme, masculin, féminin, ou selon le groupe ethno-racial, comme disent les sociologues, eh bien, on va subir les effets du changement climatique, selon le pays aussi dans lequel on vit, on va subir les effets du changement climatique de manière très différenciée. En d'autres termes, le changement climatique, ce n'est pas du tout quelque chose qui doit nous conduire à suspendre nos catégories politiques habituelles, la notion d'État, la notion d'impérialisme, la notion d'inégalité, mais c'est au contraire un contexte, la crise climatique, qui renforce, à mon avis, les catégories du marxisme et de la critique radicale du système capitaliste. La principale cause du changement climatique, c'est le capitalisme dans sa version industrielle. Et la meilleure critique du capitalisme industriel que je connaisse, c'est la pensée marxiste et les pensées critiques plus en général. Donc en somme, c'est un plaidoyer, si tu veux, le bouquin, pour continuer à travailler à l'intérieur de catégories qui sont des catégories critiques, radicales et marxistes, pour penser cet objet en partie nouveau, il est vrai, qui est la crise climatique. Mais parce que la vision qu'on a souvent du marxisme, ou de certains marxistes, alors tu nous diras si, ce qu'il en est, c'est que quand même beaucoup de solutions qui permettent d'envisager une société meilleure, une société socialiste, reposent sur un productivisme accéléré, et il n'y a pas du tout l'idée de la finitude des ressources, etc. Alors, il y a chez Marx, dans certains textes, l'idée de finitude des ressources, en tout cas du fait que la nature n'est pas limitée ou infinie, et que il y a chez Marx les germes, le commencement d'une pensée écologiste. Mais il est tout à fait clair qu'il ne faut pas se reposer seulement sur ce qu'a dit Marx au XIXe siècle, que dans le contexte du XIXe siècle, on ne pouvait évidemment pas prévoir la situation dans laquelle on serait au XXIe siècle, et donc il faut continuer à faire évoluer ce cadre conceptuel et ce cadre politique, en intégrant de plus en plus, en effet, une dimension antiproductiviste au marxisme. Mais je pense que c'est tout à fait possible d'intégrer une pensée de la transition écologique, de la transition énergétique en particulier, dans le cadre du marxisme, en le faisant évoluer. Alors reprenons sur les thèses que tu développes, ouais. dans ce livre. Tu dis deux, c'est la lutte des classes reste présente, les victimes de l'écologie. Ça reste la lutte des classes. Alors, c'est la lutte des classes au sens élargi. Ça ne veut pas dire évidemment que... la lutte, ça dépend de ce qu'on appelle des classes sociales. La crise écologique est aussi une invitation à repenser ce qu'on appelle classe sociale. Il y a évidemment dans l'histoire de la pensée moderne un nombre quasi infini de définitions des classes sociales. Évidemment que la lutte des classes, ce n'est pas seulement les ouvriers d'industrie au sens étroit du terme. C'est évidemment aussi cela. Mais c'est plus généralement tous les opprimés qui sont victimes de formes de domination diverses et variées, et notamment de la domination environnementale qui consiste par exemple pour les populations les plus pauvres à subir aussi un air plus pollué, à vivre dans des quartiers qui sont installés à proximité d'usines polluantes, à subir en première instance les catastrophes naturelles, typiquement Katrina à la Nouvelle-Orléans en 2005, dont les Noirs ont été les premières victimes et les pauvres, donc à subir en somme de plein fouet les effets du changement climatique, ce qui redouble des formes d'inégalité qui existait déjà. Il y a une autre thèse dans le bouquin, c'est d'essayer de réfléchir à la manière dont le capitalisme réagit à la crise climatique et essaye en particulier de faire des profits sur le changement climatique par la financiarisation du changement climatique. Donc ça, c'est une autre dimension, disons, sur les évolutions du capitalisme. Le capitalisme est à la fois à l'origine du changement climatique, mais en même temps, il ne reste pas passif face au changement climatique. Il essaye de faire des profits, et notamment par ce processus qui consiste à créer, par exemple, des marchés carbone, ou des dérivés climatiques, ou des obligations catastrophes, qui sont toute une série de produits financiers qui sont branchés sur le changement climatique et qui conduisent aujourd'hui toute une série d'investisseurs, à l'échelle européenne par exemple, à faire des profits sur le changement climatique. Est-ce qu'une obligation catastrophe ? Alors, c'est une bonne question. Une obligation catastrophe, c'est un pari financier qui est fait sur la survenue ou non d'une catastrophe naturelle. Donc c'est de la spéculation sur la survenue ou non d'une catastrophe naturelle. Donc vous investissez en disant, une catastrophe naturelle va survenir, mettons... sur la côte atlantique de la France. Et si la catastrophe survient, vous perdez votre argent, qui va par exemple aller aux assureurs ou à l'État pour rembourser les sinistrés. Et si la catastrophe ne survient pas, dans un espace-temps déterminé à l'avance par le contrat financier, eh bien, au bout de par exemple 3 ans ou 5 ans, vous récupérez votre argent. Et pendant la durée de la maturité de l'obligation, donc de ce titre financier, eh bien, vous avez empoché des intérêts. Donc c'est littéralement une manière de spéculer sur des catastrophes naturelles qui ne sont pas encore advenues. C'est un marché qui est florissant aujourd'hui. C'est un marché qui vaut des milliards de dollars. C'est la manière dont le capitalisme donc fait du profit sur le changement climatique. C'est de la spéculation non seulement sur les monnaies par exemple, non seulement sur les dettes, mais sur la nature littéralement. Ça existe vraiment. Hein. Les gens quand je leur explique ça, ils me disent c'est pas possible. Je vous assure que ça existe, que c'est des milliards qui sont investis là-dedans, que c'est un des secteurs de la finance environnementale qui marche le mieux. Et à mon hypothèse qu'on peut faire, c'est que dans 10 ou 20 ans, ce sera l'un des secteurs de pointe de l'accumulation du capital, une accumulation financière. C'est toute la difficulté. Et alors, l'autre truc, et puis après on terminera sur ton livre, mais les financiers ne sont pas en retrait sur la question du climat, et il y a une autre catégorie qui sont les militaires qui, eux, sont sur la balle directe. Les militaires, ils sont très sensibles au changement climatique, pour une raison simple. C'est que si vous voulez faire la guerre et la gagner, bah, il faut maîtriser votre environnement. Ça, c'est quelque chose que les militaires savent depuis l'Antiquité. La maîtrise du terrain, comme disent les militaires, c'est-à-dire de l'environnement, c'est une donnée cruciale de la bataille au plan tactique, au plan stratégique, au plan logistique, etc. Or, un environnement qui change dans le contexte du changement climatique, eh ben, ça va forcément avoir des implications militaires sur la manière de faire la guerre au XXIe siècle, dans le contexte où les paramètres climatiques vont changer plus ou moins radicalement. Ce qui fait que, depuis les années 90, eh bien, les militaires sont, parmi les élites, le secteur qui réfléchit le plus aux implications du changement climatique du point de vue de la stratégie militaire. Il faut... Du point de vue de la gauche radicale, on a toujours l'impression que la bourgeoisie est passive face au changement climatique, qu'elle n'agit pas, qu'elle ne fait rien. C'est tout à fait faux. Il y a des secteurs des classes dominantes, notamment les militaires et les financiers, qui sont très en pointe dans la réflexion sur le changement climatique, pour y trouver des solutions. Mais des solutions de leur point de vue, évidemment, pas du point de vue des populations. Alors ce dont on vient de parler, là, ça a été la version très courte, mais c'est, tu développes ça très longuement dans ton livre « La nature est un champ de bataille », c'est aux éditions La Découverte, dans la collection Zone. Alors je sais qu'avec ce livre, tu as beaucoup tourné au moment du contre-sommet de la COP 21, que tu as rencontré plein de gens, et justement c'est ce mouvement de la COP 21, moi qui m'avait beaucoup surpris, peut-être parce que je suis très urbain et puis je fréquente des formes politiques très, très organisées, de voir à Paris autant d'initiatives, autant de choses qui sont très organisées, en même temps des formes très originales, etc. Et puis vraiment beaucoup de monde. Comment tu as compris, comment tu as analysé cette vague écolo, peut-être qui se fait en parallèle des ZAD, etc. Alors moi je pense qu'on arrive à un point où on fait le constat, les mouvements sociaux font le constat que l'écologie c'est pas une rubrique parmi d'autres dans une longue liste de revendications, mais c'est la condition de possibilité de tout le reste. En posant la question environnementale, on pose en dernière instance la question du mode de vie, qui est la question des conditions d'existence de l'humanité ou des formes de sociabilité qui sont les nôtres, et que par conséquent, il y a des ramifications entre la question écologique, entre guillemets, et tout le reste, d'une certaine manière. Et il me semble que le mouvement écologiste, au plan international aussi bien que national, a acquis désormais une maturité, une intellectualité, une compréhension de ce phénomène, qui le conduit à tisser des liens progressivement, de plus en plus, avec toutes sortes d'autres problématiques. Si bien qu'on a vu, à l'occasion de la COP21, pas seulement poser des problématiques environnementales au sens strict, au sens restreint, mais toutes les autres venir s'agréger. La question de la finance, par exemple, la question de la ruralité, la question des questions géopolitiques. La géopolitique du changement climatique, c'est quelque chose de crucial. Et ça permet, par la bande, de poser des questions géopolitiques plus en général. Donc, en somme, je trouve que c'était un contexte très difficile. Tu t'en souviens, c'était après les attentats, évidemment. Donc, la question de l'état d'urgence était évidemment... très, très, très, très en pointe dans tout ça, mais c'est un mouvement qui a non seulement posé la question de l'environnement au sens restreint, mais qui a progressivement pu agréger des choses plus générales. Alors, une chose qu'on peut souhaiter, c'est que ça continue à agréger et à accumuler des expériences dans cette perspective. Alors moi, l'impression que ça m'a donné en voyant émerger Nuit Debout après avoir vu ça, c'est qu'il y avait des filiations. J'avais, par exemple, dans le respect de la prise de parole, dans tout un tas de petites choses, j'ai eu l'impression que ça, et peut-être aussi les ZAD, les zones à défendre, avaient nourri de leur expérience la possibilité de ce qui se passe ici. Est-ce que Il me semble que oui, mais ça a une filiation encore plus ancienne, me semble-t-il. Il faudrait interroger des spécialistes de ces mouvements dans le mouvement altermondialiste. Dans le mouvement altermondialiste, donc dans les, à partir du début de la première moitié des années 90, en France, mais aussi dans le sud global, il y a l'invention de toutes sortes de nouveaux codes, d'un nouveau référentiel militant, de nouveaux répertoires d'action, qui vont se transformer au fil des décennies et qui vont venir nourrir non seulement les mouvements pour la justice climatique, Copenhague en 2009 et aussi Paris en 2015, et plus généralement des mouvements comme Occupy, des mouvements comme les Indignés et des mouvements comme Nuit Debout. Donc moi je mettrais ça dans une filiation peut-être un peu plus longue sur le plan de l'histoire des mouvements sociaux. Je crois vraiment que le mouvement altermondialiste, qui est un mouvement dont on parle moins désormais parce qu'on a l'impression qu'il est un peu... c'est un mouvement qui s'est transformé dans autre chose et qui continue à vivre, dont le référentiel militant, le répertoire d'action continue à vivre dans des mouvements qui n'utilisent plus le terme altermondialiste nécessairement, mais qui s'inscrivent dans cette histoire longue. Razbig, on va terminer cette interview, mais juste là, peut-être à nouveau sur un dernier registre, si je te dis 49.3, qu'est-ce que tu me réponds ? Il faut manifester. Il faut manifester notre désaccord. On est tous scandalisés et il faut essayer de faire en sorte de renverser la vapeur. Merci Razbig. Qu'est-ce que on va rejoindre l'Assemblée Générale qui se passe sur la place de la République. On est toujours sur Radio Debout. On se retrouve dans quelques minutes. Écoutez la radio debout. C'est une radio où ce qu'on parle, mais on est debout. Il est présent, mais plutôt invisible. Il n'est pas vraiment dit en ces termes-là. Et nous, ce qu'on a envie, c'est de l'affirmer. Mais on sait que c'est super vaste et qu'on s'attaque à un truc compliqué, mais c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on en parle avec tout le monde. C'est quelque chose de vraiment qui transcende un peu tout ce qui nous intéresse. Et le but, justement, avec tous ceux que ça intéresse, c'est de faire le tour des commissions et d'aborder le sujet spécifique à chaque commission à travers ce prisme-là, en voyant ensemble comment on peut essayer de rendre plus visible cet aspect qu'on retrouve dans toute notre société, sur tous les points, qui est nuisible aux êtres humains, à la nature. Et c'est la base, c'est évident, mais c'est tellement important que voilà, ça vaut le coup. Et donc du coup, je pense qu'on est plutôt d'accord. Et venez nous voir, évidemment, n'hésitez pas. Kevin, sur la proposition économique. Ok, je vais, comme tout à l'heure, je vais m'asseoir en fait parce que j'ai pas mangé, je suis très fatigué, je me sens un peu faiblard. Alors sur les propositions qui sont embauche des 6 millions de chômeurs par la réduction du temps de travail de 20 à 25 heures par semaine, plafonnement des revenus à 6 000 euros par mois, c'est-à-dire les revenus du capital et du travail, sur la gestion collective des entreprises par les travailleurs. Alors d'abord, j'aimerais revenir sur les conditions d'émergence de ces propositions parce que la commission débat et perspective est assez spécifique. Par exemple, il n'y a pas de transparence sur les conditions d'émergence de ces propositions. Par exemple, c'est le même tract qui est diffusé avec ces propositions que vous venez d'entendre depuis 4 semaines, 5 semaines sur la place. Donc la démocratie, comme tu l'as dit, c'est d'abord la participation des gens. Comment t'as fait participer les gens si c'est le même tract et les mêmes propositions depuis 5 semaines ? En plus, il n'y a pas de retranscription des débats contradictoires qui ont mené à ces propositions. Nous, on a à la commission économie politique, on essaie de prendre on fait du mot pour mot. C'est-à-dire que vous venez, vous dites un truc, c'est retranscrit et c'est public. Donc on tient compte de votre parole, de votre participation. Il n'y a pas d'accessibilité pour le débat. Nous, la dernière conversation qu'on a eue quand je lui ai fait ces remarques, c'était maintenant, nous, à la commission, on ferme parce que vous nous avez déjà pourri une réunion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la ligne du parti de la commission a été remise en question, elle a été pourrie. Et je suis pas super d'accord sur le principe. Juste sur le principe, ça me dérange personnellement. Donc ces remarques ont été, ces remarques que je viens de faire, elles ont été relevées, mais elles n'ont pas été écoutées, prises en compte par la commission. La seule prise en compte, c'est qu'ils ont changé de nom. Ils s'appelaient Débat et Perspective. Maintenant, ils s'appellent Programme et Perspective. Donc, ça note un peu l'absence des débats. On est très content de cette remise en question. Je suis désolé, moi, on m'a dit 8 minutes pour débattre. Alors, je tiens à rappeler que c'est 8 minutes pour les porteurs de propositions et 2 minutes pour les réponses. Et là, maintenant, tu as 2 minutes 20. Ok, le truc, c'est débattre d'un changement de mode de production, ça prend pas 2 minutes et ça prend pas 8 minutes. Et je pense qu'avant de débattre des propositions, je voulais parler des conditions d'émergence des propositions qui semblent importantes sur le plan démocratique. Parce que ce qu'on essaie de faire, c'est réinventer une démocratie. Enfin voilà, je suis désolé, je continue. Donc les autres commissions, par exemple, vous avez une retranscription des débats mot pour mot, vous pouvez devenir référent sur simple demande. Et il y a une écriture collective de toutes les propositions et de tous les textes qui accompagnent ces propositions. Donc, ce qui n'est pas le cas. Et on a des tours de parole. La dernière fois qu'on est allé voir Débat et Perspectives, la feuille de tour de parole a été écrasée et jetée par terre au bout de 10 minutes avec une phrase de Kléber qui disait « Ici, ça ne se passe pas comme ça ». Donc moi, ça me pose aussi un problème. Maintenant, sur les propositions elles-mêmes, ce qui me dérange, c'est qu'il n'y a pas de texte qui explique ou qui anticipe les contre-arguments que la droite pourrait amener. Parce que sur le fond des propositions, je pense qu'on a les mêmes objectifs. C'est juste sur la méthode qu'on a des problèmes. Il n'y a pas de texte qui explique les contre-argumentations sur ces propositions, qui anticipe les contre-arguments sur ces propositions. En termes de stratégie politique, de crédibilité, ça pose un petit problème pour légitimer la parole qui émerge de Nuit Debout, selon moi. Maintenant, concrètement, sur l'embauche des 6 millions de chômeurs et la baisse du temps de travail, ouais, je sais, mais mec... Je suis désolé. Donc à salaire fixe, si on augmente, à salaire fixe, si on baisse le temps de travail pour les entreprises, concrètement dans un mode de production capitaliste, ça augmente le coût du travail. Donc se pose là le problème de la compétitivité. Donc il faut régler des questions en amont avant de proposer ça. Il faut régler la question de la taxation des biens et services aux frontières, par exemple. Il faut régler le contrôle des flux de capitaux aux frontières pour éviter la fuite des capitaux. Il faut se poser la question de la sortie de l'Europe aussi, par exemple. Et dans ces propositions, ces débats ne ressortent pas. On n'a pas de position de la Commission là-dessus. Ces débats n'ont même pas eu lieu. Enfin, moi, j'ai apporté ces propositions, enfin, ces contre-arguments à la Commission. Le tract n'a pas bougé, ma parole n'a pas été prise en compte. Et les gens qui ont dit la même chose, le tract n'a pas bougé, la parole n'a pas été prise en compte. Or, alors, j'entends vos critiques. En début d'AG, il y a eu quelque chose qui a été dit, c'est 22h. Il y a la projection. Ensuite, il y a encore 3 propositions à exposer. Donc, il faut suivre un planning et se mettre d'accord avec ce qu'on a décidé. Et ensuite, on a décidé 2 minutes de temps de parole. Si la personne vient ici prendre la parole, elle l'accepte. Sinon, elle ne vient pas prendre la parole. Ça a été décidé ainsi. Ok. Allô ? Oui, tout le monde m'entend. De la banane. J'ai soif, je veux boire du lait coco. Ma maïne est bien jolie, jolie madame. Ma maïne. En direct de la place de la République à Paris, Radio Debout. Bonsoir à tous, nous sommes sur la place de la République, il y a plein d'ambiance, c'est une chance, la pluie a disparu, c'est vraiment une bonne chose, il y a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent. Brahim de Fréquence Paris Pluriel, je suis avec Mathilde, Simon, Nathalie qui font partie d'une commission Action Travail Social. On va tout savoir sur cette équipe, mais d'abord les présentations. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Bonsoir Simon. Bonsoir. J'aimerais d'abord que vous m'expliquiez ce que c'est qu'une commission Action Travail Social et que vous me parliez un peu de votre travail et de votre fonction. On va commencer par Nathalie. Donc la commission Action Travail Social, elle s'inscrit dans le cadre de Nuit Debout. Avant toute chose, je pense que c'est important de dire que nous, on va tous parler en notre nom. Et donc, on n'est pas représentant de cette commission-là. On souhaite par contre vous expliquer ce que c'est que cette commission, vous donner envie de nous rejoindre si vous travaillez dans le secteur social ou médico-social. Et puis, vous présenter aussi un petit peu ce que c'est que le secteur du social et l'état du secteur du social actuellement. Donc, de mon côté, donc, je m'appelle Nathalie et je suis psychologue dans le secteur médico-social. Je travaille notamment dans une équipe mobile. Avant de passer la parole à Simon, priorité aux femmes, Mathilde, bonsoir. Rebonsoir. Donc je suis éducatrice spécialisée, je travaille actuellement dans une équipe mobile également, mais en psychiatrie adolescent. Et j'ai un parcours en protection de l'enfance auprès d'enfants placés, suivis par des mesures administratives judiciaires, et également à la protection judiciaire de la jeunesse. Simon ? Eh bien bonjour, je suis étudiant en formation d'éducateur spécialisé à l'IRTS de Montrouge. Voilà. Et donc je passe mon diplôme cette année et je vais bientôt m'inscrire dans le champ du social et du médico-social. Alors vous allez nous expliquer maintenant ce qu'est vraiment la commission Action Travail Social pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je pense que vous avez beaucoup de choses à nous dire, n'est-ce pas Mathilde ? Alors peut-être oui. Simon pour commencer. Oui, du coup, on a organisé un petit peu un tour de parole et il se trouve que du coup, je retrace un peu l'historique de la commission Action Travail Social. Donc on fait travailler l'étudiant en quelque sorte. C'est ça, on me met devant, à parler en premier, pas évident. la commission Action Travail Social, il se trouve qu'en fait, ce sont des étudiants qui ont pris l'initiative de la lancer, mais bon, maintenant, elle n'est pas tenue que par des étudiants et elle est surtout tenue par beaucoup de salariés, des formateurs et des étudiants. Et en fait, c'est avec une camarade de formation, on venait à Nuit Debout assez régulièrement depuis à peu près le début du mouvement. On a vu comment s'est construit ce mouvement, on a vu qu'il rassemblait beaucoup de personnes et que ces personnes-là montraient un ras-le-bol de leurs conditions de vie, un ras-le-bol de leurs conditions de travail et avaient envie à un moment donné d'investir l'espace public pour discuter, se rassembler, envisager un avenir commun. On a vu se monter différentes commissions selon différentes thématiques, on a vu s'organiser un mouvement et à un moment donné on s'est dit pourquoi est-ce que nos camarades de formation ne sont pas là dans un premier temps? Et pourquoi est-ce que le secteur social n'est pas investi dans ce mouvement Nuit Debout ? Donc on a décidé de mettre en place un pique-nique qui a rassemblé d'abord quelques étudiants, ensuite des travailleurs sociaux. Et ça a été le lancement de cette commission Action Travail Social. Et vous venez pratiquement tous les jours ? Non. Il se trouvait qu'on a eu 2 semaines de vacances, donc on a pu venir un petit peu tous les jours. Oui. Voilà, après c'est la chance d'être étudiant encore. Qui doit intervenir ensuite ? Nathalie, peut-être ? Donc pour continuer de vous présenter un petit peu la commission, donc c'est une commission qui est toute jeune. Parmi Nuit Debout, elle a tout juste 2 semaines. Et effectivement, elle est composée à la fois d'étudiants et puis également de salariés. Donc on vient tous du secteur soit social, soit médico-social. Il y en a donc parmi nous qui sont syndiqués, d'autres pas. On exerce des fonctions différentes. Par exemple, je pense qu'on représente bien là entre un étudiant éducateur, une éducatrice salariée et puis une psychologue qui n'est pas travailleuse sociale. Je pense qu'on représente bien la diversité des personnes qui ont pu venir à cette commission. C'est donc on a plusieurs réunions par semaine pour le moment, toujours à 18h30. Sur la place de la République. C'est une commission qui a pour but de déjà rassembler étudiants, formateurs et salariés, et ça c'est assez rare dans un même espace, de rassembler différents professionnels qui viennent de différents champs de l'action sociale. Ça aussi c'est très rare parce que voilà, on est aussi un petit peu éclaté dans nos structures et on ne se voit pas forcément. Et elle a pour but de créer du lien. De discuter sur des problématiques qui nous rassemblent et d'envisager aussi des actions en commun et aussi un avenir ensemble. Voilà. Donc la commission elle a commencé beaucoup par des actions autour de la loi travail et qui s'est inscrite dans le mouvement contre la loi travail. Mais on a aussi eu besoin de réfléchir à notre identité. Et donc on a notamment organisé un débat qui a porté sur le sujet de l'engagement dans le travail social, qui est donc une question pas évidente dans notre secteur. Je pense que Mathilde vous l'expliquera. Donc justement, avant de parler des revendications, justement, et ce que vous réclamez exactement, Mathilde, vous avez certainement beaucoup de choses à nous dire aussi. bah, c'est important de définir un petit peu ce que c'est que ce fameux secteur social, parce que finalement, nous, on en parle, parce que c'est notre quotidien, mais ça reste un travail de l'ombre et un travail très peu connu des autres secteurs professionnels. Mais avant de définir un petit peu ce que c'est, je tiens à préciser qu'on s'inscrit vraiment dans une lutte très actuelle, avec une mobilisation très forte là, ces jours-ci, et notamment hier, il y a eu quand même des choses... notable qui semble important de rappeler, donc à la fois le double affront de l'état d'urgence et du passage en force de la loi El Khomri avec l'article 49.3 et des mobilisations donc, qui se veulent un petit peu grandissantes parce que voilà, on est touchés nous en premier lieu et les travailleurs sociaux doivent se mobiliser parce qu'on est en première ligne face à ce système qui exclut de plus en plus, et avec ce passage en force de la loi, ça va exclure de plus en plus. On est aux côtés de ces personnes-là, on est touchés de front en tant que professionnels, on va avoir des conditions de travail dégradées, etc. Et on est aux côtés de ces plus exclus qui accèdent même pas à l'emploi aujourd'hui. Donc qui on accompagne concrètement, qui c'est ce secteur social? C'est extrêmement morcelé, extrêmement vaste, extrêmement diversifié. On a des corps de métiers très vastes, il y en a 14 aujourd'hui pour les diplômes d'État, sans parler des psychologues, etc. On exerce sous des statuts extrêmement divers, donc on est dans les trois fonctions publiques, État, hospitalière, territoriale. On est massivement dans des associations de droit privé, alors chargées de mission de service public certes, mais de droit privé, et c'est grandissant puisque l'État se désengage progressivement et très frontalement de tout ce secteur-là, puisqu'on ne produit pas de richesse, n'est-ce pas, et qu'on n'est pas un secteur économique qui pèse. Et on exerce dans des structures très diversifiées, donc on peut parler de la protection judiciaire de la jeunesse, de l'aide sociale à l'enfance, des structures qui accueillent les personnes âgées, de la toute petite enfance, les foyers et autres, les préventions spécialisées, la réinsertion sociale, les structures d'urgence, enfin voilà, on est vraiment éparpillé dans énormément de structures, ce qui rend les rassemblements parfois un petit peu difficiles, et donc auprès de publics très variés aussi, et qui sont tous touchés par des difficultés multiples et parfois cumulées, de l'ordre du handicap, de l'ordre de l'exclusion, de l'ordre de la psychiatrie, de l'ordre de la protection de l'enfance, etc. Donc on est quand même 1,2 million, il paraît, ouais, en France, sans compter les étudiants et sans compter les personnels non diplômés qui travaillent dans le secteur, parce que c'est comme les chiffres des manifestations, hein. Il y a 1,2 million, mais on nous parle aussi de 4 millions, donc je ne sais pas trop. Mais on va essayer d'être un petit peu plus dans la rue, parce que c'est un petit peu compliqué parfois de se rassembler. Et il y a de quoi, puisqu'on subit des attaques massives depuis une dizaine d'années, des attaques qui nous empêchent de travailler correctement auprès de ces publics. C'est le même type d'attaque que subissent les personnels hospitaliers, qui dégrade les conditions de travail, qui donne peu d'espoir aux personnes qu'on accompagne. Voilà. Alors quelles sont vos revendications? Qu'est-ce que vous réclamez? Que faudrait-il pour qu'il y ait de meilleurs jours? Qu'est-ce que vous attendez de l'État? Simon? On n'en est pas encore à construire des revendications précises, mais on sait ce qu'on ne veut pas. Et quand on voit ce qui se prépare actuellement dans le secteur social, on sait qu'on va entrer en résistance avec les modes de financement qui sont en train de se dégrader, avec la marchandisation du secteur du social, la mise en place d'une concurrence entre les différents services, une dégradation du mode de gestion avec une évaluation de plus en plus forte, des contrôles administratifs qui deviennent chronophages pour les équipes. Elles n'ont plus le temps de se dédier au public qu'elles accompagnent et elles doivent rendre des comptes en permanence. Et aussi un système de société qui fait qu'on est dans une forme d'impasse, parce qu'on nous demande d'être un agent d'un système défaillant, qui nous demande d'intégrer ces personnes au sein d'un système défaillant sur plusieurs points, et on ne sait pas comment les intégrer dans ce système défaillant. On a un avenir qui est assez sombre et je pense qu'il faut en prendre conscience. Actuellement, il y a une refonte des métiers du secteur du social et des diplômes qui est en train d'être réfléchi au niveau du gouvernement. Et cette refonte va nous amener à, du coup, invite à casser le collectif, c'est-à-dire les métiers qui sont construits de longue date, qui nous donnent une vraie identité et surtout un vrai savoir-faire selon les corps de métiers, assistant de service social, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé et aussi AMP, bref, tous les métiers à différents échelons. Il y a aussi les investissements à impact sociaux, beaucoup peu le savent, mais c'est depuis 2014, une loi est passée et permet maintenant à l'aide sociale d'être financée par le secteur du privé. Et ça, je pense, et on pense au sein de la commission, je peux le dire, que c'est catastrophique. Parce que ça permet à des investisseurs du privé de répondre aux appels à projets, d'investir dans le social et surtout de s'enrichir sur le social. L'État remboursera ces investisseurs qui auront pris soi-disant un risque si jamais l'action fonctionne. Donc ça veut dire que l'État doit payer des évaluateurs, des intermédiaires financiers et doit rémunérer le risque des personnes qui ont pris ce risque. Et donc c'est une perte, il y a le collectif des associations citoyennes qui a travaillé sur ce sujet-là, qui a dit que c'est une perte d'argent pour l'État de jusqu'à 20%. Il y a nos conventions collectives qui sont en train d'être détruites, enfin d'être réfléchies pour être uniformisées et pour être vues au rabais. Donc il y a des mouvements par rapport à ça. Et puis il y a surtout la loi travail, comme l'a dit Mathilde, on est mobilisé actuellement là-dessus. Et cette loi travail, il faut savoir que nous, dans le secteur, on est principalement dans des associations, donc c'est le secteur du privé. Et donc cette loi travail, elle va avec les accords d'entreprise, donc les accords au niveau des associations, dégrader nos conditions de travail qu'on a pu négocier depuis de longues dates avec les conventions collectives. Elle va nous toucher, nous, et aussi et surtout les personnes qu'on accompagne. Donc nous, on se mobilise pour cela. On sait ce qu'on ne veut pas. Voilà. Je comprends que vous vouliez lui donner la parole au tout début. C'est un excellent porte-parole comme étudiant. Bravo, Simon. Alors, comment vous voyez un peu l'avenir de ce mouvement et l'avenir du travail social? Moi, je pense que on va parler un petit peu des échéances et des mobilisations en cours et des tentatives de convergence, un petit peu des luttes qui existent, parce que c'est un secteur qui est attaqué, qui subit des profondes restructurations. Il y a des lieux où les gens se mobilisent, mais ça reste très isolé. Oui. Et une des vocations de la commission, c'est de rassembler ces gens-là et de permettre une convergence de ces luttes. Mais avant de parler de ça et de vous donner un petit peu le calendrier, ce qui me semble important de dire, c'est que le travail social, il n'a jamais eu pour objet d'agir sur les causes des inégalités. Oui. Juste, on va en corriger à minima les effets, on va mettre des pansements et ça va permettre au système de se maintenir. Agir sur les causes profondes des inégalités, ce serait remettre en cause le système tel qu'il existe aujourd'hui, c'est un vrai changement de société et c'est peut-être vers ça que les travailleurs sociaux doivent tendre et mettre en commun leurs forces. Concrètement, là aujourd'hui, on parlait de marchandisation. Nous, on continue d'agir auprès des personnes qu'on accompagne. On parle éthique, on parle respect, on parle droit, on parle relation, temps, écoute, discrétion, pluridisciplinarité, analyse des pratiques. On considère les personnes dans leur parcours de vie, leur singularité, leur complexité, leurs symptômes, leurs souffrances, parfois leurs drames. Et en face, on nous parle évaluation, audit, diagnostic, concurrence, appel à projet, prestataire, contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, super sympa. Productivité, management, fusion, absorption, entreprise du social à but lucratif, compétitivité, marché, etc. On est très très loin des préoccupations des personnels sur le terrain qui ont affaire à des personnes et qui tentent d'accompagner au quotidien, au jour le jour, dans des problématiques de plus en plus dégradées et avec une réalité qui est presque incompressible. Donc nous, notre objectif, c'est de rassembler toutes ces personnes qui souffrent au travail et qui souffrent auprès des personnes qui elles-mêmes sont les plus démunies et essayer un petit peu de faire converger tout ça, puisque ces luttes, elles existent. Il y a des services entiers qui ferment et des mobilisations assez dispersées, en fait. Est-ce qu'ils sont à l'écoute un peu les chefs d'établissement de votre lutte? Qui peut répondre à cette question? Peut-être notre amie Nathalie, la psychologue. Alors, les chefs d'établissement, c'est effectivement compliqué de répondre à cette question parce que je pense que pour répondre à cette question, il faut qu'on parle de l'engagement des travailleurs sociaux. C'est compliqué pour nous de nous engager au niveau politique pour de diverses raisons. Déjà, on est agent d'un système, que ce soit système public ou au niveau associatif. Souvent, ce sont des personnes qui sont très engagées au niveau professionnel, qui vont donner beaucoup pour leur métier, quitte à faire des heures supplémentaires, donner énormément de leurs personnes pour leur métier. Après, la question de l'engagement politique, c'est voilà. Du coup, il faut réussir à à y trouver une place. C'est d'ailleurs un peu l'idée de la commission, c'est de laisser un espace pour ça, pour être moins isolé aussi, parce que c'est on travaille dans de petites structures où il y a beaucoup de personnes qui sont peu du coup qui ont du mal à se mobiliser. Du coup, j'ai du mal à répondre à votre question, ouais. En fait, concrètement. Mais en tout cas, Mathilde, tu parlais tout à l'heure d'agenda. Simon, par rapport au... ça fonctionne, là, le micro, oui. Oui, le micro fonctionne bien. Par rapport au chef de service et au poste de direction dans les structures dans lesquelles on évolue, effectivement, comme l'a dit Nathalie, pour nous, c'est compliqué de nous mobiliser. C'est compliqué de construire notre engagement militant. Mais moi, je pense que cette commission Action Travail Social, elle a toute sa place pour les chefs de service. Les chefs de service, il faut savoir que c'est des intermédiaires entre les décisions qui sont prises à la tête des structures, ouais, et nous. Ouais. Et parfois, elles sont prises dans des formes d'injonction paradoxale entre nous, nos demandes, nos attentes et l'attente des personnes accompagnées, et puis les injonctions qui viennent de là-haut. Et alors, je pense qu'on peut les inviter. Moi, je m'avance en disant ça, mais on peut les inviter, les chefs de service, à venir à la commission Action Travail Social. Ce serait très intéressant d'avoir leur point de vue, d'avoir leurs difficultés et qu'on agisse ensemble. Demain, ça va être une journée importante. Donc, bien sûr, vous allez vous mobiliser et vous sentez qu'il va y avoir du personnel, enfin des gens qui vont se mobiliser, qui vont venir en force sur la place de la République. On espère sur la commission Action Travail Social, ça a permis un regroupement quand même. Dans les derniers cortèges, on a été assez actifs. On a réussi à avoir un cortège travail social, ce qui n'est pas toujours le cas dans les mobilisations. Là, ça a pris. On a été en première ligne, on était, ouais, fiers, ça nous a soudés. Et on a réussi à avancer sur la mobilisation du 1er mai qui avait été bloquée de manière complètement scandaleuse. Donc ça prend, il y a une petite effervescence. Demain, y aura toujours ces mêmes personnes et on espère qu'il y en aura davantage. Là, vu les affronts qui sont faits par le gouvernement, je pense que demain ça va prendre. Ouais. Et sur nos lieux de travail, on est là pour mobiliser un petit peu les collègues, les inviter à rallier les structures syndicales, à rallier toutes ces organisations qui permettent justement de faire valoir nos droits et d'aller les exiger face à ce gouvernement qui se fout bien de nous. C'est bien, vous êtes vraiment moteur et on vous sent vraiment dynamique, avec plein de force. Je vais vous demander le mot de la fin. Donc l'idée, c'est de faire un tour de table pour finir. Alors peut-être Nathalie, qui souhaitait peut-être intervenir. Je voulais faire un point sur l'agenda des mobilisations à venir. Donc bien sûr, il y a la grève de demain, sur laquelle la grève par rapport à la loi travail. Le soir, à 18h30, place de la République, on fait une commission Action Travail Social, donc auquel vous êtes bienvenus. Samedi, il y a un festival du travail social. Donc ce samedi 14 mai, de 10h à 22h, à la Bourse départementale du travail à Bobigny. Donc ce sera sans doute un moment très riche et assez intéressant auquel je vous convie de venir. La commission Action Travail Social a aussi lancé l'initiative d'une assemblée générale du travail du secteur social et médico-social le 17 mai à 18h30 à la Bourse du Travail. Donc voilà, AG le 17 mai, 18h30 à la Bourse du Travail. Et puis bien sûr les grèves du 17 mai et du 19 mai contre la loi travail. Pour retrouver toutes ces informations, on vous invite à... Simon, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur la page communautaire qui s'appelle Commission Action Travail Social-Nuit Debout Paris. Vous pouvez nous joindre par mail si vous voulez être intégré dans le listing mail et avoir les comptes rendus et les dates de mobilisation future. actiontravailsocial@gmail.com et on a le wiki, bien sûr, au sein du wiki Nuit Debout Paris et nos événements sur l'agenda participatif de Nuit Debout. Mathilde, pour finir, merci. Un mot, ouais. On espère, ouais, être rejoint par d'autres étudiants, d'autres travailleurs sociaux, d'autres formateurs pour gonfler un petit peu le mouvement et faire valoir toutes ces revendications. Merci. Moi qui ai le même job que vous, en quelque sorte, ça fait plaisir de rencontrer des gens dynamiques, moteurs, qui en veulent et qui vont faire avancer les choses. Merci d'avoir accepté l'invitation. Au revoir Mathilde, au revoir Nathalie, au revoir Simon et à bientôt. Je rends donc l'antenne à notre amie Mathilde de Fréquence Paris Pluriel. Mathilde. Radio Debout. Vous êtes toujours donc en direct à l'antenne de Radio Debout sur la place de la République dans le 11e et on va avoir, parce que vous savez qu'on aime bien hein, montrer que le mouvement Nuit Debout c'est pas un mouvement parisiano-parisianiste, on a quelqu'un de Rennes au téléphone qui s'appelle Patoche. Salut Patoche. Salut à vous, ouais c'est bon je vous entends bien, ouais. J'ai eu un peu peur. t'as eu un petit retour et moi aussi ça m'a fait une petite crise cardiaque mais c'est pas grave ça c'est Radio Debout. Ouais. Donc toi tu es en direct de Rennes et tu vas nous parler du mouvement Nuit Debout à Rennes, alors tout simplement ça se passe comment? Alors c'est pas que Nuit Debout du coup, ça s'est un peu transformé, donc ouais. On s'est installé dans la salle de la cité, donc qui est devenue la Maison du Peuple. Donc c'était le nom initial à la base, on a repris le nom initial, ça nous convenait assez bien. Voilà, donc depuis au moins une semaine et demie, on a pu s'installer tranquillement, et on a installé surtout une radio pirate, donc la radio Croco. Voilà, donc qui nous permet un peu de contacter un peu partout, enfin de communiquer un peu partout autour de Rennes, et aussi sur internet, partout en France ou à l'étranger. Donc c'est plutôt sympa, plein de choses se passent en tout cas, sinon à la Maison du Peuple, on a beaucoup d'AG tous les jours, on a des concerts, on a des conférences, donc une actuellement qui se passe sur l'état d'urgence, c'est les violences policières, voilà. Et alors, est-ce que tu peux nous faire un petit historique? Ça a commencé quand, l'occupation de la Maison du Peuple, et ça a été lancé par qui? Alors ça a été directement après le... C'était la manif du 1er mai en fait, qui s'est déporté vers le centre-ville, qui nous était interdit. Mais comme c'était le 1er mai, il y a eu moins de répression, c'était plus permissif, on a pu s'introduire dans le centre-ville et on a pu prendre la Maison du Peuple du coup. Donc après ça, il y a eu quelques jours de débat, enfin une journée surtout de débat, savoir comment on pouvait garder cette salle. Donc du coup on a eu une convention de spectacle signée avec la mairie qui est un peu bancale en ce moment. Mmh. Voilà. Donc les gens qui ont pris ça, alors c'est l'initiative du groupe de personnes qui étaient là, je peux pas trop parler en leur nom, il y a des étudiants, il y a des chômeurs, il y a des précaires, il y a... Enfin voilà, c'est plein de gens différents. Et vous avez pas... Enfin, c'est un peu le challenge, ça a été le challenge de Nuit Debout au début de son année d'existence, c'était de pas se faire virer de la place de la République. Vous avez pas des craintes qu'il y ait une intervention de la police pour vous virer plus ou moins gentiment? En fait, justement, on est arrivé le 1er mai, c'était deux ou trois, en fait, on a eu des policiers qui sont venus en masse pour virer les gens un matin. Donc ils sont réfugiés sur le toit, ils ont eu bien du mal à les déloger, ils ne l'ont pas fait d'ailleurs, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de support dans la rue tout autour en fait, on a un peu encerclé les flics autour, on leur a un peu mis la pression, on a appelé les gens qui viennent nombreux à ce moment-là, donc on est resté au moins 4 ou 5 heures dans la rue pour aider nos copains qui étaient là-haut, bloqués. Donc au final, ils ont décidé de nous laisser tranquilles et de signer une convention pour une ou deux semaines, donc qui se termine à peu près aujourd'hui. Et là, on craint un peu une expulsion demain matin ou dans la nuit. Voilà, on ne sait pas trop. Et comment vous vous êtes organisé du coup pour ça? Parce que c'est aussi beaucoup le poids du nombre qui peut faire plier les forces de l'ordre. Ouais, alors il y a le poids du nombre. Alors c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un toit sur la Maison du Peuple qui nous permet d'avoir une accessibilité assez restreinte, donc par des échelles du coup pour nous évacuer, c'est assez difficile. Effectivement. Sinon, c'est barricadé de toutes parts, que ça soit à l'extérieur. Donc il y a une petite enceinte extérieure où on peut manger, discuter. Il y a de la musique, un improviste. Voilà, les gens se rencontrent. Après, il y a la grande entrée de la Maison du Peuple qui est encore plus barricadée, du coup, à l'intérieur pour que les gens dorment tranquillement. Et après, il y a le toit. Donc, il y a un peu plusieurs sas. C'est assez... Vous êtes barricadés, c'est fou, quoi. On dirait presque du langage militaire. Pour parler de cette radio, tu m'as dit que c'était Radio Prolo ? Radio Croco, Radio Croco. En Prolo, Croco, même combat. Ouais, un peu, ouais. Elle est tenue par qui et vous y diffusez quel type de programme? C'est toujours pareil, en fait. C'est assez autogéré de toute manière. Après, moi, j'ai eu l'accès, c'est avec des copains parce que j'ai des connaissances. J'ai pu y participer depuis quelques jours. Moi, j'avais commencé par des permanences pendant les manifestations, vu qu'il y a peu de gens qui restent. On faisait le relais à la radio pour donner des nouvelles sur les manifestations qui se passaient à Rennes et autre part. Et votre matériel, il vient d'où? Alors, le matériel, je peux vraiment pas vous dire parce qu'en fait, déjà, on garde les anonymats le plus possible au niveau de cette radio, au niveau de la Maison du Peuple. C'est surtout des cercles de copains, de gens qui se connaissent. Après, on fait des appels, on demande aux AG si on peut avoir du matos. Les gens arrivent, ils viennent. C'est vraiment Moi, je veux les gens de tous les horizons qui viennent nous aider, en fait. C'est assez sympa. Et ouais, on a réussi à avoir un émetteur, tout le matos, table de mixage, les micros. Ça vient un peu de partout. C'est un peu difficile. Ça change un peu tout le temps. Là, on a eu des problèmes Internet hier soir, cet après-midi. On a changé de PC, de modem, de téléphone pour avoir Internet. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Mais ça se passe plutôt bien en général. Ouais, c'est ça les radios libres aussi. Et alors, une question qu'on se pose toujours et qu'on se pose aussi par rapport à Nuit Debout, Place de la République, c'est la vision des riverains. Est-ce qu'ils vous aiment bien? Est-ce qu'ils vous aident? Ou au contraire, est-ce qu'il y a eu des petites tensions? Alors nous, c'est vrai que c'était un peu particulier à Rennes, vu qu'on nous interdit le centre-ville depuis 2 mois et demi avec les manifestations. Et là, c'est la seule prise de position qu'on a eue au centre-ville, donc c'est assez génial. En fait, ils essayent de nous interdire parce qu'on fait un peu flipper, je pense, les commerçants, la petite bourgeoisie du centre-ville aussi, faut pas le cacher. Et apparemment, moi j'ai eu un retour à l'AG, apparemment il y avait une voisine qui s'était pris un œuf à la fenêtre, qui avait un peu flippé, déposé une main courante, mais ils ont fini par discuter avec elle pendant une heure ou deux, et puis ça s'est très bien passé au final. Donc je pense qu'il suffit juste de discuter avec les gens et de les rencontrer. Je pense qu'ils auront plus peur de nous s'ils discutent pas avec nous, en fait. Ouais, tout à fait. Et du coup, est-ce que vous êtes un petit peu organisé pour discuter avec eux? Vous les rencontrez régulièrement? Pas vraiment, en fait, les gens viennent nous voir. Après aussi, c'est le centre-ville de Rennes, donc il y a énormément de bars et de jeunes, voire plus vieux, qui font la fête en général dans ces lieux-là. Donc c'est vrai que ça reste toujours assez festif. Les gens, c'est vraiment... Là, je suis à 30 mètres de la rue de la Soif, si vous connaissez à Rennes, donc c'est vraiment tout proche des lieux. Le nom me paraît pas mal, ouais. bon, et alors, quand est-ce que Radio Debout vient mener l'antenne chez vous? Quand est-ce qu'on se rencontre? Apparemment, moi, on m'a dit lundi. D'accord. De toute façon, ils sont bienvenus tout le temps. Hein. Aujourd'hui, on a eu une personne de Marseille qui devait faire un concert à Rennes, qui est passée un peu raconter les histoires de la plaine à Marseille. On accueille plein de gens de tous les horizons, du moment qu'ils ont des choses bien à dire et intéressantes. Et voilà, c'est que ce soit sympa, quoi, aussi. D'accord. On est vraiment ouvert. Ouais, tout le monde est bienvenu, même les non-rennois. René. Ouais, parce que ça se passe, c'est vraiment la radio où on peut passer, n'importe qui peut passer s'il y a une annonce à faire, une petite pub sur des manifestations, sur des événements en rapport avec la lutte, voilà. D'accord. Et une dernière question, après l'occupation de la Maison du Peuple, comment tu verrais, toi, ou quels seraient tes désirs pour l'évolution de ce mouvement? Alors, de toute façon, je pense que là, on veut définitivement prendre la Maison du Peuple en permanence, en fait. Pour toujours, ouais. En fait, on voit pas trop d'autres possibilités parce que ça nous convient tellement. Et puis, c'est tellement... Enfin, c'est un très beau symbole, quoi, d'avoir pris cet endroit-là. Donc, en fait, on n'essaie pas trop d'imaginer la suite, je pense. C'est vrai qu'après, c'est toujours un peu les questions sur cette lutte, comment on peut la rendre réelle et active autrement. Enfin... Je sais pas trop comment m'exprimer là-dessus, mais au lieu de juste de parler, vraiment faire des actions et avoir un impact. Ouais, imaginez une autre utilisation de cette maison, en tout cas. Ouais. En tout cas, moi j'ai bien confiance parce qu'on a vraiment une relation avec des syndicats, même des élus de la mairie qui viennent parfois. Donc c'est souvent des ELV, hein, ouais. On n'a pas non plus tout le monde. Logique, à Nuit Debout aussi. Ouais, j'imagine. Donc voilà, après, ça va se faire vraiment petit à petit. Peut-être que demain, on aura aussi plus de nouvelles à ce niveau-là, parce que c'est vrai que là, avec la peut-être nouvelle expulsion, on espère que ça va bien se passer. Ouais. Voilà. Parce qu'apparemment, Nathalie Appéré, notre chère maire, depuis 2 mois et demi, nous fait un peu la guerre, et elle a délégué, en gros, la décision d'expulsion à la préfecture, qui en soi, elle aussi, nous fait beaucoup la guerre en ce moment. Ok, très bien. Bah, on va suivre la suite des aventures de la Maison du Peuple. Merci beaucoup, Patoche. Ouais, un petit dernier message. Comment? Du coup, un petit dernier message, juste. Ouais, la radio Croco, la radio plus chaud que les lacrymo. j'adore. Allez, bah, merci beaucoup, Patoche. Bon, à bientôt. Salut. Et nous, là-dessus, on va revenir un petit peu à l'AG, parce que c'est quand même une des choses importantes à Nuit Debout. Et donc, on y va, on décroche. C'est parti. Police. Elle a été créée en 2002 à partir d'affaires extrêmement difficiles, de relations entre la police et les jeunes des quartiers qui avaient donné lieu à l'époque à des émeutes et créé de grandes difficultés et pour les jeunes et pour la police, et les institutions générales et les familles. de mon poste ici, ce que je pense, c'est que le rapport de la police et des habitants est bon. À partir du moment où on est sur le même, on est sur le même vecteur d'intérêt, je dis. Je vais vous expliquer une chose. Si vous êtes policier au Mirail et que vous commencez à faire la différence entre ceux qui sont d'origine maghrébine et les autres, vous êtes mal. Parce qu'au Mirail, on est 90% de la population d'origine maghrébine. Donc je veux dire, dans ces cas-là, vous n'êtes pas policier au Mirail. Vous comprenez ce que je veux dire ? On ne peut pas faire... Au Mirail, on travaille sur une population d'origine du Maghreb. On le sait. On le sait avant de venir. On est content de venir. On est volontaire pour venir. Il ne peut pas y avoir de différence. Je parle des policiers du Mirail. De ce que je connais, de ce que je dirige. De moi. Parfois, on se distingue. Nous-mêmes, les policiers d'ici, on n'est pas les policiers d'ailleurs. Vous voyez ? Et quand nous, on intervient avec les délinquants ici, jeunes ou moins jeunes, ils sont assez, je dirais pas contents, mais que le rapport de force s'établisse avec des policiers du quartier. Ils nous ont identifiés comme étant les policiers du quartier. Sauf que c'est pas toujours les policiers du quartier qui interviennent. C'est le plus souvent nous. Mais nous, on est contents d'être ici. Je fais la distinction aujourd'hui, à 30 ans, à bientôt 30 ans, entre la police et les policiers. Je pense que beaucoup de policiers se sentent au-dessus des lois, en tout cas pour les policiers qui travaillent sur le secteur. Je dis ça, c'est pour avoir vécu, pour avoir vu, pour avoir été spectateur de situations où la police, eh bien, elle a fait usage de la force alors qu'il n'y avait pas d'infraction. Le coup des brigades anticriminalité qui, tous les étés, alors l'été à partir du mois de juin, peut-être que c'est les mêmes personnes depuis maintenant 15 ans. Hein. Moi, en tout cas, depuis que j'ai 10-15 ans, l'été, entre 4 et 5 heures le matin, sur la rue de Kiev, t'as une voiture policière qui met le klaxon. Qui met le klaxon, qui fait aller-retour pendant une, deux minutes, qui s'arrête. Voilà, réveille tout le monde parce que ça fait caisse de résonance, la rue de Kiev. Il y a 2000 habitations là, dans les bars et ça réveille tout le monde et ça tous les jours. Et voilà, et ça, eh ben. Radio Debout. Vous êtes toujours sur Radio Debout en direct de la place de la République. Et en fait, ce n'était pas un boudagé qu'on vous diffusait car nous sommes un peu joueurs, n'est-ce pas ? C'était un extrait de film qui s'appelle Gardien de la paix. Et au téléphone, nous avons donc Arnaud qui nous appelle d'Espagne. Salut Arnaud ! Salut, bonjour. Merci beaucoup d'intervenir dans Radio Debout. Alors toi, merci à vous. Tu es doctorant en histoire contemporaine et ton sujet de travail, c'est l'assembléisme. Alors déjà, j'aimerais que tu nous expliques ce que c'est que l'assembléisme. Je travaille juste sur le modèle espagnol. Alors du coup, précisément. Je travaille sur l'assembléisme ouvrier en plus. Donc l'assembléisme ouvrier en Espagne et notamment dans les années 70 en fait. Et voilà, j'étudie en fait la manière dont l'assembléisme a été domestiqué par des dispositifs syndicaux, tout simplement, aux alentours des années 79 et 80. Et voilà, comment les grandes centrales syndicales ont accaparé la représentation en fait de tout un mouvement hétérogène qui existait dans les années 70 en Espagne. Voilà. Et grosso modo, le 15e, c'est à la fois une continuité de ce qui se passait dans les années 70, mais aussi une grosse rupture. Voilà. Parce que tout simplement, l'assembléisme naît dans les usines et dans les quartiers et non pas sur les places publiques. Et alors, pour expliquer un petit peu aux auditeurs ce que c'est que l'assembléisme, on entend le mot assemblée. Tu peux nous donner ta définition ? Bien sûr, c'est la définition du coup des ouvriers de l'époque dans les régions, dans la région de Barcelone, de Madrid, du Pays Basque notamment. L'assembléisme, en fait, c'est juste un mode d'organisation collective horizontale qu'ont développé les ouvriers sous le franquisme face au syndicat vertical, donc au syndicat franquiste, qui était un syndicat non obligatoire, interclassiste, qui réunissait à la fois patrons et ouvriers. Et face à ça, les ouvriers ont commencé en fait à s'assembler, à se réunir dans des assemblées clandestines. Ces assemblées clandestines-là ont commencé à prendre de l'ampleur et ont développé tout un mode d'action collective avec des délégués élus irrévocables, avec des coordinations. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle l'assembléisme, en fait. C'est cette coordination des différentes assemblées d'usines voilà, qui a donné lieu à une véritable organisation autonome, ce qu'on a appelé l'autonomie ouvrière. Ça, c'est la naissance de l'assembléisme. Est-ce qu'il y a d'autres exemples ? On pense bien entendu au mouvement du 15M, ce qu'on a appelé après les indignés, dans l'histoire. Alors, Ouais, en fait, il y a même des mouvements avant. Hein. Dans les années 30, l'assembléisme était bien sûr représenté par l'anarcho-syndicalisme, hein, par la CNT. Mm-hmm. Et après, la CNT bon, a joué aussi un rôle très important dans les années 70. Le 15e reprend cette tradition, tradition, je le mets entre guillemets, de l'assembléisme. Ensuite, ce qui s'est passé durant le 15e, c'est beaucoup plus compliqué, dans le sens où, et c'est justement... qui ne se passe pas, j'ai l'impression, à Nuit Debout, parce que je ne suis pas sur le mouvement, sur votre mouvement, donc je n'ai pas la prétention de l'interpréter. Oui, mais tu as un regard. Ouais. Le 15e, ça a été surtout, en fait, une manière de reprendre ça avec l'assemblisme des quartiers qui existait aussi. Oui, ça c'est très important. Voilà. Sauf que le 15e, en fait, très vite, on va dire, après les deux premières semaines, a été happé par des dispositifs et notamment par des identifications des médias mainstream, en fait, tout simplement, et du pouvoir. J'ai lu pas mal d'articles sur le 15e. Le 15e, à la base, c'était quelque chose de très, très protéiforme, de très, très hétérogène. C'était pas que la Puerta del Sol, c'était aussi à Grenade, c'était aussi à Valence, dans les grandes villes espagnoles. Et du coup, voilà, il y avait de tout, ça discutait. Il a été ensuite vraiment accaparé, nommé, et vu qu'il a été nommé, il a été aussi normé. Et cette normalisation s'est faite vraiment par les médias. En Espagne, on a ce concept de l'antisystème, qui est l'équivalent en France du casseur. Voilà. Et en Espagne, ça a très vite pris une proportion énorme, et du coup, on a eu très vite une dichotomie entre le citoyen indigné et le méchant antisystème. Mais à la base, le 15e n'était pas un mouvement qui se revendiquait des indignés. Ça a été fait après, a posteriori, deux semaines après. Voilà. Et alors, on l'entend dans ce que tu dis, les médias n'aiment pas beaucoup les mouvements assembléistes. Pourquoi ? En tout cas, en Espagne, que j'ai vu, moi, en étudiant la manière dont les médias ont retranscrit le mouvement durant les deux premières semaines, c'était déjà l'irruption d'un événement qui a surpris tout le monde. Donc du coup, c'était des rubriques assez, c'était des chroniques, voilà, très très factuelles. Et ensuite, les médias ont joué leur rôle d'un dispositif biopolitique, donc c'est-à-dire sauvegarder le système de représentation parlementaire bourgeois, voilà, et du coup réguler ce mouvement qui était complètement inédit. Surtout pour les grands syndicats, Commission ouvrière et UGT en Espagne surtout. Et du coup voilà, les médias, c'est pas qu'ils aiment pas ou pas, c'est juste qu'ils jouent leur rôle. Et leur rôle, c'est de réguler, de quadriller, d'administrer un mouvement qui peut partir vers l'inconnu, vers le champ des possibles. Et à mon avis, c'est ce que justement ce qui se passe à Paris, c'est que tout ce qu'on appelle débordement, et je le mets aussi entre guillemets, c'est qu'on arrive justement, vous arrivez à déconstruire cette dichotomie qui en Espagne a malheureusement gagné. Podemos, en fait, c'est juste le résultat d'un vide politique après l'assembléisme du 15e, en fait. Voilà. J'espère que je suis clair. Oui, tout à fait. Et alors, tu as commencé un petit peu à l'évoquer tout à l'heure. Quelles sont, selon toi, les différences et les ressemblances entre le mouvement du 15e et Nuit Debout ? Déjà, on va dire, l'histoire du pays, l'histoire des deux pays. On n'a pas, en France et en Espagne, les mêmes habitus et les mêmes modes d'action collective. En Espagne, en fait, la mémoire de la guerre civile est très, très présente. Donc du coup, le côté des actions violentes, je le mets entre guillemets encore, est beaucoup plus compliqué en Espagne en fait, parce que il y a directement le spectre de la guerre civile qui a été instrumentalisé depuis les années 70 avec l'essentialisation du peuple espagnol. C'est la grande phrase très célèbre, Spain is different. Les Espagnols ne savent pas en fait, voilà, c'est vivre ensemble. Donc on a une analyse interclassiste qui a été diffusé dans l'imaginaire collectif espagnol depuis les années 70, comme quoi on ne peut pas lutter de manière radicale pour ses droits. Donc du coup, le 15e est très vite devenu un mouvement d'aménagement du capitalisme et non pas un mouvement qui souhaite dépasser les choses existantes. Et là, justement, Nuit Debout, c'est complètement différent dans le sens où il y a justement cette question qui se pose à l'heure actuelle dans Nuit Debout, qui était une question très très importante dans les années 70 en Espagne et ensuite dans les années 80 au Pays Basque surtout. C'est la différence entre l'autodéfense populaire et la violence répressive de l'État. Cette question-là, elle a été complètement annihilée durant le quinzaine, notamment par un formalisme qui a été vraiment trop fort, hein, pour le dire rapidement. Voilà, cette question, elle doit revenir et elle revient à l'heure actuelle sur le. J'ai l'impression hein, de ce que je peux lire, elle revient sur le devant de la scène, c'est-à-dire faire la différence entre violence de l'État et, autodéfense populaire. Et là, c'est la grande différence avec le 15e, c'est que le 15e a été annihilé justement par toute cette tradition de l'imaginaire collectif espagnol, comme quoi la violence conduit forcément à la guerre civile, et le spectre de la guerre civile en Espagne est plus que présent. L'Espagne a encore 1300 fosses communes non ouvertes, et un parti populaire qui est, on peut le dire, un parti pétainiste. Hein, c'est comme si notre UMP se revendiquait du pétainisme. C'est comme si le FN et l'UMP étaient dans un même parti. Voilà. Le PP, c'est ça en Espagne. Donc forcément, ils ont un poids idéologique qui, à l'époque, était plus fort. Et du coup, les médias, et notamment des grands journaux comme El ABC, ont fait un travail de sape assez important et qui ont empêché en fait de toutes ces assemblées de se coordonner et surtout de donner un devenir politique à toute cette force et à tout cet embryon de choses. Et Podemos a profité aussi de ça. Voilà. Là, je fais pas de jugement de valeur, hein, c'est juste un fait. Ouais. Podemos a profité de ce vide politique pour justement se construire en parti et se revendiquer de l'assembléisme. Alors que c'est un parti qui est tout sauf assembléiste. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Arnaud. On rappelle donc que tu es doctorant en histoire contemporaine, que ton sujet, c'est donc l'assembléisme ouvrier espagnol dans les années 70-80. Voilà. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup. Et merci à vous. Et à bientôt sur Radio Debout. Bon courage. Merci. All we need is Radio Debout. On est toujours donc sur Radio Debout en direct de la place de la République et avec moi il y a Thibaut et Annabelle. Salut Thibaut. Salut. Et salut Annabelle. Salut. Donc vous faites partie de la commission cahiers de doléances et d'exigences qui est d'ailleurs sur la place. Ce sont des cahiers qui sont tenus sur Wikipédia, qui sont remplis hein, au fur et à mesure des Nuits Debout. Et donc j'aimerais qu'on parle déjà des origines de ces cahiers. Qui a créé cette commission et dans quel but ? Annabelle ? Alors, c'est deux copains à nous qui ont créé les cahiers de doléances dès le démarrage de Nuits Debout, en fait, quelques jours après le 31 mars. L'objectif, c'était un peu dans l'esprit de l'Assemblée Générale de donner un autre support d'expression à tout le monde, parce que tout le monde n'osait pas forcément prendre la parole devant l'ensemble de l'Assemblée. Donc c'était un support d'expression écrit et totalement libre pour l'ensemble des gens qui passaient sur la place. C'est vrai que quand on est timide, c'est pas forcément évident de s'exprimer en âgé, quoi. C'est ça. D'accord. Et alors ces cahiers de doléances, évidemment, ça évoque, moi, mes cours d'histoire de 6e, c'est-à-dire, ou de collège, disons, à la veille de la Révolution, l'Ancien Régime qui a ouvert ses cahiers de doléances au tiers-État pour un peu essayer de calmer la révolte populaire. C'est votre inspiration ? Alors, on ne va pas nier qu'il y a évidemment une inspiration historique qui est issue de la Révolution. Après, est-ce qu'on va également dire que l'objectif, c'est d'ouvrir les cahiers de doléances pour calmer l'expression populaire ? Je dirais même bien au contraire. L'objectif, c'est plutôt de permettre vraiment à chacun de s'exprimer et également après de faire remonter ses doléances. C'est-à-dire que le but, c'est, et c'est assez essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans un système où en général, on nous donne des choix pour nous exprimer. Or, le but des cahiers de doléances, c'est vraiment une expression spontanée, une expression ressentie. Et c'est aussi pour ça où, en gros, les personnes peuvent y écrire. Il n'y a pas de règles à l'entrée. Ils peuvent y inscrire vraiment ce qu'ils souhaitent. Et donc, de très nombreuses thématiques très différentes y apparaissent et qui justement, on va dire, représente les avis, les doléances et aussi les exigences de chacun. Et alors, le terme doléance, c'est un terme assez, dans le langage assez soutenu. Comment est-ce qu'on pourrait le définir ? Annabelle, peut-être ? Thibault ? Alors, on a eu pas mal de débats, justement, sur le nom des cahiers. Au départ, ça s'appelait uniquement cahier de doléance, pour la référence historique dont a parlé Thibault. Et le mot exigence, justement, on l'a rajouté suite à pas mal de remarques des personnes qui passaient sur la place et qui trouvaient que doléance était trop lié au mot demande, requête, et que nous, on ne souhaitait pas demander, on souhaitait prendre la parole. Donc, c'est pour ça que le mot exigence a été rajouté au nom de notre commission. Et expliquer le mot doléance ? Juste pour revenir à ce que disait Annabelle, également le mot exigence était devenu important pour nous parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas juste des témoignages sur le monde d'aujourd'hui qui étaient exprimés dans nos cahiers, mais également beaucoup d'idées, beaucoup de propositions, c'était vraiment très, très constructif, qui ont été exprimées par les personnes qui passent sur la place dans nos cahiers. Et donc on s'est rendu compte que la doléance ne représentait plus vraiment l'âme, on va dire, des cahiers, parce qu'on avait vraiment beaucoup de propositions qui arrivaient. C'est ça. C'est se plaindre, en fait, la doléance, c'est souffrir et se plaindre, alors que vous ne faites pas que vous plaindre. C'est exactement ça. En fait, ouais. Là qu'on a décidé d'adjoindre exigence à doléance, c'est que dans doléance, il y avait le côté, alors on va se plaindre et puis on va demander quelque chose au pouvoir. Non, il n'y a pas que ça. À un moment, il y a une colère sociale qu'on sent tous. Nous, les cahiers de doléance, on ne représente personne, si ce n'est les personnes qui viennent écrire sur nos cahiers et qui sont sur la place, les citoyens qui sont sur la place. Et ils ont également le droit d'exiger. Et dans ce sens-là, on se situe un peu dans la droite lignée de ce mouvement. Oui, tout à fait. Et puis dans l'exigence, il y a le côté intransigeant, en fait. C'est « il faut ». Ce n'est pas simplement « on propose », c'est « il faut ». Donc il y a plusieurs principes qui régissent quand même ces cahiers, même si ce n'est pas contraignant dans la forme. C'est d'abord le côté démocratie directe, le principe de démocratie directe. Est-ce que vous pouvez développer ? Annabelle ? Oui. Donc on met aucun filtre, en fait, sur l'ensemble des propositions, des doléances, des exigences. Donc c'est vraiment une parole de libre expression. Et c'est la parole du peuple qui est retranscrite telle qu'elle. Donc c'est en ça qu'on estime qu'il y a une prise de parole qui est directe par le peuple et que c'est un mouvement qui est profondément démocratique. Ce qui est très important également, c'est que c'est vraiment de respecter la lettre, en fait, de la doléance. C'est pour ça qu'après, il y a tout le travail de retranscription qui est fait par nos soins, également après de mise en ligne, comme tu l'as souligné. Donc on peut trouver les doléances sur le Wiki Debout. Et le but, voilà, c'est qu'il y a également... Au-delà de l'aspect action, de l'aspect expression, il y a également une perspective un peu mémorielle également, qui est de les paroles parfois, enfin en âgé, elles ne sont pas toutes parfois enregistrées et capturées, nos cahiers servent également à ça. C'est un peu une photographie de ce qui se dit, de ce qui se pense sur la place, et c'est quelque chose qui évidemment est un instrument pour l'action, mais qui est également un instrument de réflexion auquel on pourra se référer aujourd'hui, mais également demain, dans quelques mois ou dans quelques années. Et on en parlait tout à l'heure, autre principe de ces cahiers, c'est « je me plains, donc je fais ». C'est-à-dire « je ne fais pas que me plaindre ». C'est très important, ça, pour ces cahiers, non ? Mais d'ailleurs, la plupart des exigences ou des doléances qu'on récolte, c'est pas des plaintes, c'est vraiment des propositions qui sont constructives. Et chaque jour, on est étonné, surpris et émerveillé par l'ensemble des propositions et des bonnes idées qu'il peut y avoir par tous les gens qui... On a beaucoup d'exemples, mais parce que pour l'instant on a déjà recueilli plus de 800 doléances, donc c'est quand même difficile d'en sortir une seule. Mais par exemple, on a vu des personnes qui arrivaient directement avec des feuilles imprimées qu'ils avaient pris le temps de rédiger chez eux pour les coller dans nos cahiers. Et après, on va dire qu'au registre des propositions qui ressortent le plus souvent, on va avoir par exemple le salaire universel qui ressort énormément. On va avoir également beaucoup de questions afférentes à la démocratie, comme le mandat impératif ou comme le contrôle des élus, la participation à la vie locale. C'est quoi le mandat impératif ? Le mandat impératif, c'est quoi ? Le mandat impératif, en fait, ça consisterait à ce que les élus doivent rendre des comptes et que s'ils ne font pas ce qu'ils promettent, ils puissent être destitués. Et donc ça peut être tous les ans ou tous les deux ans. Ça, après, il y a des modalités qui peuvent être mises. Mais le but, en fait, mandat impératif, c'est un peu la notion en sciences politiques qu'on appelle l'accountability. C'est le fait de devoir absolument rendre des comptes et pas juste d'avoir un mandat et de faire ce qu'on veut avec. C'est une idée parmi beaucoup d'autres. On ne peut pas être exhaustif parce qu'on a énormément de doléances qui ressort pas mal. Mais voilà, ce qui est frappant, comme disait Annabelle, c'est vraiment des propositions. Et en plus, souvent, c'est pas juste une idée comme ça. C'est également les personnes inscrivent des principes de mise en place. De mise en œuvre. Oui, c'est ça. C'est un peu la critique qu'on faisait à Nuit Debout, c'est que vous, vous plaignez, vous ne donnez pas beaucoup de solutions concrètes. Là, au contraire, on voit que c'est très concret. C'est-à-dire, tous les deux ans, on vérifie si l'élu a tenu ses promesses, et s'il n'a pas tenu ses promesses, dégager. C'est qu'un exemple parmi d'autres, mais oui, bien sûr. Bah, le but, en effet, c'est là où on est vraiment très, très heureux. Et on remercie évidemment chaque personne qui écrit de l'éance dans nos cahiers. Voilà, c'est le temps passé à la réflexion, c'est le temps passé à l'écrire. Et surtout, en fait, toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre. Et c'est vraiment la raison d'être de ces cahiers. Et puis, le dernier principe, c'est faire soi-même, mais pas tout seul. C'est-à-dire, Annabelle, Thibault ? C'est-à-dire que quelque chose qui est assez formidable sur cette place et que je pense qu'on partage tous depuis le début, c'est le fait finalement de se rendre compte qu'on n'est pas isolé. On n'est pas juste là dans nos salons ou entre amis à parler de ces thématiques-là ou de ces propositions-là. En fin de compte, on se rend compte qu'il y a énormément de personnes qui partagent un certain nombre d'opinions. Et ces cahiers, c'est également, on va dire, une occasion pour beaucoup de mettre une idée en plus. Alors, quelque chose qui est assez marrant, c'est que beaucoup, ils arrivent au stand et ils disent « Ah, tiens, c'est incroyable, je ne sais pas trop quoi écrire. » Et puis, je regarde ce qu'ont dit les autres pour ne pas écrire pareil. Et nous, à chaque fois, on leur répond « Mais c'est pas grave. » Bien au contraire, parce qu'une idée qui ressort très souvent, en plus en spontané. Le spontané, c'est vraiment très important. Ça veut dire qu'on ne donne aucune règle à l'entrée. Donc si une idée ressort 10-15 fois, alors que les gens auraient pu écrire n'importe quoi, ils auraient pu parler de football, d'aller sur Mars, si vous auriez voulu. Mais non, ils vont parler d'une même proposition concrète, sociale, pour la France, mais également même bien au-delà de la France. Ça a vraiment un très grand poids. Donc oui, c'est vraiment, c'est collectif. Tout à fait collectif. Ouais, et puis c'est marrant, on voit à quel point une bonne idée, en fait, elle naît dans plein d'esprits au même moment. Exactement. Pour une dernière question, et après je pense qu'on va passer à l'AG. Comment simplement on fait pour participer à ces cahiers de doléances ? Alors on peut venir nous voir sur la place. On est là tous les soirs, il y a une petite équipe qui tourne. Sinon on a une adresse mail. Vous êtes là à quelle heure ? En général à partir de 18h. Voilà. Vous avez un petit stand On a un stand, oui. Petit, petit, de plus en plus professionnel. Oui, c'est ça. On est en train de s'équiper petit à petit. Un petit grand stand. Et donc oui, comment on vient simplement vous voir ? Oui, vous venez nous voir. On est à la recherche de personnes pour venir nous aider. On a plein de projets au-delà de la place. On souhaite étendre les cahiers de doléances aussi dans d'autres endroits. On est en contact avec d'autres villes en France pour essayer d'établir un peu des liens un peu partout en France. Donc il ne faut pas hésiter à passer nous voir à la table. Et même les personnes qui ne peuvent pas être présentes très souvent, il y a aussi des choses à faire à distance. Donc c'est pas forcément une présence physique, ça peut aussi travailler sur d'autres éléments. Et pour lire le wiki ? Tout simplement. Il suffit tout simplement de se rendre sur le wiki. De Nuit Debout. De Nuit Debout, exactement. Voilà. Mais il y a également, il y a également d'autres actions qui sont mises en place, notamment des criées de doléances dans des lieux publics, qui permettent un peu de sensibiliser donc aussi bien les passants à ce qui peut se dire. Voilà, parce que le but de ces cahiers, c'est pas de rester que sur la place. Comme l'a dit Annabelle, c'est également de s'organiser avec les autres villes de France, et on sait qu'il y en a qui ont également des cahiers, histoire d'avoir de faire ça un peu tous ensemble. Il y a également d'autres associations qui ont un peu la même démarche que nous. Ouais. Et le but, évidemment, c'est absolument pas de dire « Ah ben tiens, nous on fait ça ». Non, c'est de faire ça vraiment tous ensemble. Et au plus on aura de doléances, au plus on aura d'expressions populaires, parce que c'est vraiment de l'expression populaire, de propositions et d'idées, de témoignages, et au plus justement, on aura une grande richesse et qu'on pourra apporter au débat, et c'est vraiment ce qu'on souhaite. Et ben voilà, on invite les auditeurs de Radio Debout à venir vous voir et à donner leurs doléances et exigences. Merci Thibault, merci Annabelle. Merci. Oh, c'est quasiment en même temps. Et là-dessus, on va vous diffuser un petit reportage qui a été réalisé par Eva, qui fait partie de Radio Debout et Fréquence Paris Pluriel. Elle est allée dans une très chouette association qui s'appelle Café Zoïde, qui est une association de café des enfants. Et elle a demandé aux gamins simplement ce que c'était pour eux Nuit Debout. Et on écoute. Est-ce que tu as entendu parler de Nuit Debout ? Non. Ça te dit rien du tout ? Non. C'est quoi la Nuit Debout ? Mais c'est des gens qui se rassemblent, place de la République, pour défendre leurs idées, parce qu'ils ne sont pas d'accord, notamment avec un projet de loi sur le travail. Et donc, ils se réunissent, ils débattent, ils organisent des actions, des manifestations, pour défendre un projet de société meilleur. Et tout le monde reste debout, c'est comme une nuit blanche un peu. Toi, par exemple, si tu retrouvais tous ces gens, qu'est-ce que tu proposerais ? De faire moins de pollution. Dans les rues. Faudrait qu'il y ait le soleil, qu'il y a plus de pluie, et qu'il y a plus de gens qui sont dehors. Parce qu'en fait, quand il pleut, ils peuvent être malades, comme les clochards. c'est des clochards. Ils peuvent être malades. Nuit debout, quand on te dit juste nuit debout, ça veut dire quoi ? Ça, tu penses à quoi, nuit debout ? Nuit blanche. Nuit blanche, ça veut dire ? De parler pendant la nuit et de ne pas manifester la nuit et ne pas dormir. Ça évoque un combat. Ça évoque un combat pour toi ? Et le combat de quoi ? De la liberté. Vous écoutez la radio debout. C'est une radio où ce qu'on parle, mais on est debout. Allô, c'est bon ? Radio. Comment tu t'appelles ? Radio debout. On accueille un musicien. Bonjour monsieur le musicien, on est avec vous sur Radio Debout. Bonjour. Vous avez le violoncelle à côté de vous. Oui. Vous appelez comment, cher monsieur ? Vous êtes... Oui ? Je m'appelle Olivier de Monès. Olivier de Monès. Oui. Alors, vous avez participé à la symphonie sur la place de la République de Dvorak, vous m'avez dit ? Oui. Comment ça s'est passé ? Très très bien, c'est encore un souvenir qui me fait vibrer le cœur. Vous m'avez dit que vous étiez 300 musiciens. 350. Et 350, et en 2 heures vous êtes accordé pour pouvoir jouer cette symphonie du nouveau la monde. La moitié d'amateurs, la moitié professionnels, et on a absolument mis au point 3 mouvements de la symphonie de Dvorak, et on l'a fait de manière géniale. Pour vous, ça apporte quoi dans un mouvement comme Nuit Debout, la musique ? La musique, c'est le partage des cultures. C'est-à-dire que dans les musiciens, il y a des cuivres, des blacks, des blancs, des juifs, des beurs. Et on fait, on partage la vie ensemble. Donc, la vie, c'est de la musique ? C'est indispensable à la vie, non, comme tous les arts. La musique est indispensable à la vie parce qu'elle est un art qui donne un peu plus que la parole encore. Et ça touche directement aux sentiments, directement aux émotions et donc aux sentiments des gens. Oui, je pense, s'ils sont mélomanes et qu'ils ouvrent les oreilles. Mais on avait 5000 spectateurs qui ont fait un silence religieux, et je crois qu'on a eu 5 millions de spectateurs dans le monde à travers les réseaux sociaux. Effectivement, c'est intéressant aussi la musique, parce que la musique joue beaucoup aussi sur le silence. Hein. Sans silence, il n'y a pas de musique non plus. Et là, vous venez d'évoquer la question du silence du public. Et finalement, dans ce silence, il y a une rencontre aussi, à la fois dans la musique, mais dans le silence qu'amène la musique aussi, ou introduit la musique. Dans la musique, il y a du silence, et le silence est fait pour permettre la respiration. Et la respiration, c'est ce qu'on peut avoir en commun. Exact. Donc là, on est sur une place où on parle beaucoup. Oui, il y a beaucoup de bruit. C'est très difficile de se concentrer, mais... on va essayer de le faire. Donc ces pauses un peu, ces pauses de poésie, ces pauses de musique, c'est une respiration. Oui, c'est. C'est des messages aussi. Oui, c'est un message d'amour, un message d'amour, parce que c'est de ça dont on a besoin. Justement, vous voulez nous lire un poème de Christian Bobin. Christian Bobin, qui parle d'amour. S'appelle Le Tréba. Le Tréba. Donc vous l'avez choisi, vous venez de le lire, vous m'avez dit. Je l'ai lu à l'Assemblée Générale il y a 5 jours, là. Et effectivement, c'est très important parce que c'est... je viens d'écouter Prince, et, oui. Qui est pour moi... Un homme d'amour. Un des très très grands musiciens. Effectivement. Et, oui. Et là, je vais dédier ce poème à ma princesse. Parfait. Alors on vous écoute. Je t'aime, mais je t'aime, je t'aimerai. Il ne suffit pas d'une chair pour naître. Il faut aussi cette parole. Elle vient de loin. Elle vient du bleu lointain des cieux. Elle s'enfonce dans le vivant. Elle ruisselle sous les chairs du vivant comme une eau souterraine d'amour pur. Ce n'est pas nécessaire de connaître la Bible pour l'entendre. Ce n'est pas nécessaire de croire en Dieu pour être vivifié par son souffle. Cette parole imprègne chaque page de la Bible, mais elle imprègne aussi bien les feuilles des arbres, les poils des animaux. On tourne la page, on continue le poème. Chaque grain de poussière volant dans l'air. Le fin fond de la matière, son dernier noyau, sa pointe ultime, ce n'est pas la matière, mais cette parole, je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel, éternellement tourné vers toi, poussière, bête, homme. Avant de planer sur les berceaux, avant de danser aux lèvres des mers, cette parole se ferait un chemin au travers des voix qui font une époque, qui en donne le ton et la couleur. Parole de guerre et parole de commerce. Parole de gloire et de désastre. Parole de sourd. Et par le travers, et par en dessous, et par en dessus, l'esprit du vent, la folle rumeur, le bourdonnement dans le sang rouge. Je t'aime bien avant que tu sois né, bien après la fin des temps. Je t'aime dans toute éternité. Il vient de là, François d'Assise. Il vient de là et il y retourne comme on revient au lit profond entre les bras d'une belle. Très bien, merci beaucoup. Beaucoup de... Alors, tu nous rappelles l'auteur ? Alors, je vais jouer une... Non, l'auteur du livre, d'abord. Romain Bobin. C'est Christian Bobin. Christian Bobin. Beaucoup de références religieuses, malgré tout, même si... C'est l'histoire de Saint François d'Assise. Mais Christian Bobin, c'est bien au-delà de ça. C'est l'amour, l'amour pour lui-même, l'amour éternel, sans objet forcément d'amour. C'est l'amour... L'amour du monde, l'amour de la vie en général. Oui, mais c'est l'amour de la vie en général. Mais c'est aller l'un vers l'autre. On va. Alors, tu nous as. Donc là, on va enchaîner avec le violoncelle. Vous nous proposez quoi ? Vous nous proposez un morceau de Bach. La Sarabande. La Sarabande de la deuxième suite. La Sarabande de la deuxième suite, écrit en 1720. Hein, une période, vous m'évoquiez, où Bach ne pouvait écrire de musique religieuse. Donc c'est une musique profane. Voilà. À cette époque, Bach était chez un prince calviniste. Et il était luthérien, les calvinistes ne supportaient pas la musique religieuse. Donc c'est là qu'il a écrit ce concerto brandebourgeois, qu'il a écrit... mais il n'a pas quitté la musique. Et pourquoi ? Parce que pour lui, la musique a toujours été un rapprochement entre les gens. Et il faut savoir qu'à cette époque-là aussi, toute la musique a été exécutée par des émigrés, c'est-à-dire des Bohémiens, des Roumains, des Hongrois, des gens qui arrivaient, qui savaient jouer leur instrument parce qu'ils avaient la facilité. La dextérité, et Bach s'en est beaucoup inspiré. Mais il n'y a pas que Bach, ça date de la fin du 16e siècle. Très bien. On vous écoute ? On vous écoute. On va tendre les micros vers le violoncelle. Alors, monsieur se prépare. On place bien le pied du violoncelle sur son support. On prend son archer. Merci. Merci. La sarabande de Bach. Alors on pourrait dire que si un violoniste est venu jusqu'à nous, est venu jusqu'à la place de la République, finalement, est venu jusqu'à la place de la République. On est dans une vraie petite révolution qui germe, puisque vous m'évoquiez que d'autres des musiciens étaient là à des moments très importants. Hein, au moment de la chute du mur, il y avait ce grand violoncelliste, rappelez-moi son nom. Rostropovitch. J'ai joué pour TV Debout, j'ai joué la bourrée de la troisième suite qu'il avait joué au pied du mur. Et Barenboim aussi, vous me disiez, avait joué. Alors Barenboim, il fait jouer les Palestiniens et les Israéliens ensemble, ce qui est quand même génial. Et puis il y a aussi un chef d'orchestre vénézuélien qui s'appelle Gustavo Dudamel, qui a quand il a appris la musique et il a eu 20 ans, il a eu l'idée de trouver des mécènes qui ont été distribués des violons et payer des professeurs de violon pour faire jouer les gens dans les favelas de Caracas. Et leur orchestre maintenant, qui s'appelle l'Orchestre Simon Bolivar, fait le tour du monde avec les symphonies de Mahler, de Beethoven et tout. Et donc voilà, donc, c'est la manière de rapprocher les gens. Donc voilà, la manière de rapprocher les gens et la musique peut signer aussi les moments de rassemblement, les mouvements importants de la vie. Mais vous savez, moi j'ai On va arrêter là parce qu'on va enchaîner. D'accord. Avec d'autres invités. D'accord. Mais merci beaucoup d'être venu sur Radio Debout. Et à bientôt. Merci, au revoir. On va écouter l'AG, je pense. Non, Pierre, pas l'AG. Non, on va pas écouter l'AG parce qu'il y a plus d'AG. Il y a un film qui passe en ce moment sur la place de la République. Mais il se passe un peu de tout sur Radio Debout. Alors après Bach, on va se retourner vers la Seine-Saint-Denis. Et si la technique fonctionne bien, on devrait en ce moment être en contact avec Clarisse qui est à Saint-Denis. Clarisse, est-ce que tu nous entends ? Moi, je vous entends, oui. Et vous entendez notre chorale ? Eh bien, nous, on t'entend bien. Donc, tu es à Saint-Denis. Est-ce que tu peux nous dire Pardon? Un peu ce qui... Tu es à Saint-Denis ? Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il se passe de l'autre côté du périph' ce soir ? Mais il faut venir voir. Hein. Il faut arrêter d'avoir peur de la barrière mentale et physique. C'est la ligne 13. C'est la ligne 13 qu'on redoute. Oui, bon, alors la ligne 13 est assez rebutante en soi, mais c'est pas une raison. Ce soir, on est la quatrième, cinquième nuit debout. On est, je sais pas, 150 ou 200 personnes depuis le début à se rassembler. Et on recrée de l'espace public le soir dans Saint-Denis, ce qui n'était pas une évidence. Et c'est assez joli, voilà. C'est pas forcément aussi vénère qu'on pourrait, pour certains, le souhaiter. Mais les gens se reparlent et se réapprivoisent de l'espace. Donc c'est pas mal. Alors, j'avais une question à te poser. C'est hier, on a eu la journée qui a vu le gouvernement mobiliser le 49-3 pour faire passer la loi travail. La loi, ouais. Comment ça réagit parce que j'imagine que ça doit un peu polariser les débats de ce mouvement. Écoute, non, ce soir, on a plus parlé de la manif du syndicat d'extrême droite policier qui appelle le 18 à prendre la place de la République et plus parlé de la réaction à avoir à ça. Le 49-3, quand il a été évoqué, ça a été pour rappeler les actions à continuer à mener, les interpellations de notre député qui se trouve malheureusement en Seine-Saint-Denis être un député PS, pour rappeler, simplement rappeler que on va continuer à être présent physiquement sur le siège du PS et demander à ce que Hanotin vote la motion de censure. Le 49-3 en soi, je peux pas dire que ça soit véritablement une surprise. Étant donné l'optique dans laquelle se situe le gouvernement et sa façon d'agir, ça n'empêche pas, si tu veux, le mouvement de l'intersyndicale qui a été de dire qu'on commençait à appeler, pas tout à fait à des grèves reconductibles, mais en tout cas à plusieurs journées de grève du 17 au 19. Alors il y a énormément de bruit derrière toi. Est-ce que tu peux nous dire exactement que font ces gens qui ont l'air de chanter, crier? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une chorale à Nard qui chante vachement bien et qui c'était la fin de la nuit debout et qui a pris la place et qui a rassemblé les gens en faisant son répertoire de chansons féministes à Nard et là c'est du brassin, c'est très sympa. Donc là, à Saint-Denis, vous êtes devant la place qui est devant la basilique ou ça a bougé? Oui. Non, on est toujours devant la basilique parce que c'est bien, il y a des arbres pour prendre nos bâches. Et c'est assez confortable de pouvoir se passer par nous. Voilà. Alors, il y a quelques jours, un peu plus que ça maintenant, il y a eu l'intersyndicale de Saint-Denis et de la Seine-Saint-Denis qui a tenté une manifestation au port de Gennevilliers et puis en direction de la porte de Paris. Ouais. Ça a mené à une interpellation, à des interpellations policières. Oui, c'est extrêmement violente. Ouais. Est-ce que tu peux dire deux mots sur ce qui s'est passé? C'était le 28 avril, si je ne me trompe pas, mais c'est peut-être assez symptomatique du travail policier aujourd'hui. Ça l'était terriblement dans la confusion. En fait, c'est les policiers qui ont réussi tout seuls à bloquer le port de Gennevilliers, si tu veux, quasiment. La manif qui est partie, enfin l'action qui était prévue pour le blocage du port de Gennevilliers, elle n'a jamais pu aboutir parce que les policiers bloquaient totalement l'accès au port. C'est dans le retour vers Saint-Denis que le groupe a été séparé, que des gens ont été violemment gazés, frappés, il y a eu des interpellations en masse. Donc on sent bien, si tu veux, qu'on est à un endroit où la réalité de la banlieue qu'on vit, c'est que on est vraiment dans la réalité économique, à l'endroit où on peut bloquer sérieusement les flux. Parce qu'on a des contacts entre travailleurs et donc les gens ont été interpellés mais d'une façon grotesque, sans justification, pendant des plombes et il y a eu une centaine d'interpellations. C'était démesuré. Mais ce qui provient aussi une vraie angoisse du pouvoir et une angoisse disproportionnée par rapport à la présence des gens. C'était intéressant, c'est emmerdant pour les copains qui sont encore sous le coup de... qui doivent passer en procès en octobre. Les deux camarades qui ont été interpellés. Mais les deux Nicolas Les deux Nicolas. Mais je pense que c'était une action qui a déçu personne. Si tu veux. Ce qui était prévu, c'était ensuite de faire tout un parcours dans Saint-Denis. Au départ, après Gennevilliers, il y avait ça qui était prévu, de faire des arrêts devant chaque lieu, les lieux d'expulsion, les lieux de déni de droit, l'immeuble dont les gens avaient été expulsés par l'action du raid en novembre. Il y a encore des gens pas relogés. Et ça, il était prévu de faire un parcours pour rejoindre Paris ensuite. Ça n'a jamais pu avoir lieu. Mais donc, il y a une vraie angoisse de... Pour tout vous raconter, l'électricité a été coupée place de la République et on essaye de poursuivre avec un téléphone. Qu'est-ce qu'on fait, Julien? On continue comme ça? On est repassé à l'antenne, c'est ça? Vous avez récupéré le flux? Donc on est toujours sur Radio Debout, toujours en direct de la place de la République et on va reprendre l'antenne après cette courte interruption. Voilà, on est toujours place de la République. Il y a eu une coupure d'électricité qui ne nous a pas permis de finir la conversation qu'on avait avec la copine de Saint-Denis, avec Clarisse. Mais dans les prochains jours, on retournera de l'autre côté du périph, au bout de la ligne 13, pour discuter de ce qui se passe dans les Nuits Debout à Saint-Denis. On est avec Ivy en plateau. Ivy qui est étudiante argentine. On est aussi avec Marc et Eva pour la traduction. Et Ivy vient nous parler de la situation, en particulier dans les universités en Argentine. Alors, avant de parler de la situation dans les universités, est-ce qu'on peut dire deux mots des derniers événements politiques en Argentine? ¿Nos puedes decir dos palabras sobre los últimos acontecimientos que han ocurrido en Argentina, políticos? Il y a eu après Monsieur Kouchner, puis Madame Kouchner Monsieur Kouchner et Madame Kouchner qui ont exercé le pouvoir pendant. Después de los Kirchner. pendant près d'une décennie en Argentine. Un nouveau président, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé? ¿Nos puedes decir lo que ha pasado? Bueno, hace tres meses asumió un nuevo presidente que es Mauricio Macri. Depuis trois mois, il y a un nouveau président qui s'appelle Mauricio Macri. Y desde entonces solo hubo recortes presupuestarios. De coupes budgétaires. À l'éducation publique. Dans l'éducation publique. Y al sector público en general. Dans le secteur public en général. Hubo muchos despidos. Il y a eu beaucoup de licenciements. Y muchos aumentos a los impuestos. Et beaucoup d'augmentations d'impôts. Et tu nous disais tout à l'heure que les retraites ont aussi été attaquées. Nos decías que atacaron las pensiones también. Sí, también las jubilaciones es porque hay una inflación de un 45-50%. Les retraites parce qu'il y a eu une inflation de 40 à 50%. Y los aumentos no llegan a ser tanto como la inflación. Entonces, et les augmentations des pensions n'arrivent pas au niveau de l'inflation. Alors c'est dans ce contexte-là qu'il y a une crise à l'université en Argentine. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe à l'université en Argentine? En este contexto, entonces hay una crisis en Argentina. ¿Nos puedes explicar lo que está pasando? Sí, en Argentina, lo que pasa con la universidad pública, que es totalmente gratuita. En Argentine, ce qui se passe avec l'université publique, qui est complètement gratuite. La inflación, como fue este año, de un 40-45%. L'inflation de cette année, de 40-50%. El gobierno junto con la rectoría de la universidad. Le gouvernement et le rectorat de l'université publique. Aprobaron un presupuesto. Ont voté un budget. Que no es acorde al aumento que tendría que ser por la inflación. Qui n'est pas en accord avec l'augmentation qui devrait y avoir en fonction de l'inflation. Por lo tanto, con este presupuesto anual, la universidad puede seguir abierta hasta agosto. Donc avec ce budget, l'université ne peut être ouverte que jusqu'à août. Et parce que août, il faut expliquer qu'en Argentine, on est dans l'hémisphère sud, et les vacances d'été qu'on connaît en France en juillet et août, c'est les vacances qui ont lieu en janvier et février. Las vacaciones de verano están en enero y febrero, sí. ¿Verdad? El año sí. Escolar. Sí, el año escolar empieza en marzo. L'année scolaire commence en mars. Las paritarias, que son el momento en donde se aprueba un presupuesto anual. Et les moments où ils décident du budget. Fueron en abril. C'était en avril. Es por eso que como no favorece a la educación pública ni a los docentes, los profesores. Comme ils ne favorisent pas l'éducation publique et les enseignants. Los estudiantes convocan a una manifestación. Les étudiants convoquent une manifestation. Junto con los docentes y los no docentes. Avec les enseignants et personnels des universités. Donc quelles sont les revendications de ce mouvement? J'imagine que c'est une question de budget. ¿Cuáles son las reivindicaciones? Es una cuestión de presupuesto y más. Bueno, principalmente es la cuestión del presupuesto, que si no la universidad no puede seguir abierta. Principalement c'est la question du budget parce que sinon l'université ne peut pas être restée ouverte. Et ensuite les salaires. Y el sueldo de los profesores que fue de un aumento de un 15% y por lo tanto estarían perdiendo un 35% del sueldo anterior. Les salaires des professeurs qui devaient avoir une augmentation, donc qui ont eu une augmentation de 15%, mais avec l'inflation, en fait, ils perdent 35% de leur salaire. También mañana la gente se manifiesta por el boleto estudiantil, que es un boleto gratuito para todos los estudiantes en el transporte público. Demain, ils manifestent aussi les étudiants, donc pour le transport public gratuit pour tous les étudiants. Et du coup, la forme que prennent ces mobilisations, c'est des manifestations. Tu nous parlais de cours dans la rue. ¿Cuál es la forma que toman estas manifestaciones? Porque hablabas de clase en el espacio público. Bueno, en una primera instancia. Los profesores junto con los alumnos tomaron el espacio público, los pasillos de los subtes, las calles. Dans un premier temps, ils ont fait des cours dans l'espace public, donc dans les rues. Para hacer clases públicas, clases abiertas a la comunidad para que sepan. Des cours publics pour qu'elles soient ouvertes à toute la communauté. Y como no dieron respuestas, ahora se convoca una marcha de los estudiantes. Comme il n'y a eu aucune réaction par rapport à ça, maintenant ils convoquent une manifestation. Et donc cette manifestation a lieu demain, c'est ça? La manifestation tiene lugar mañana. Sí, mañana es la manifestación convocada por los estudiantes y a las 4 de la tarde. Demain à 4h de l'après-midi, la manifestation convoquée par les étudiants. Et el 18 de mayo. Le 18 mai. Et hay un festival, también pidiendo por los mismos motivos, por la educación pública. Il y a un festival qui va s'organiser pour l'éducation publique. Alors, peut-être on va profiter. D'abord, je voudrais savoir, mais il y a école que jusqu'en août et tu vas pas à l'école du tout cette année. Et tu ne vas pas à la université, à la escuela, dice, pero a la universidad ahora. Bueno, en este momento estoy de vacaciones, pero ni bien vuelva voy a sumarme a la lucha estudiantil para preservar la educación pública y la cultura argentina que también se está perdiendo. En estos últimos meses. Aujourd'hui, elle est en vacances, mais dès qu'elle rentre, elle prend part à la lutte, à la manifestation et pour défendre les universités et aussi la culture argentine. Alors, et peut-être dernière question, tu nous as dit que tu venais à Nuit Debout depuis quelques jours, voir comment. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ça ressemble à des choses qui existent en Argentine que tu as déjà vues? Qu'est-ce lo que ves en Nuit Debout te hace pensar en cosas que has visto en Argentina o no? Bueno, las ganas de unirse, l'envie de se réunir por las causas comunes que molestan a la democracia en cierta manera. Pour les causes communes qui dérangent la démocratie d'une certaine manière. Y las ganas de ir para adelante, de ser una comunidad que piensa. L'envie d'aller de l'avant et d'être une communauté qui pense, qui réfléchit. Oui, Yvi, je voulais juste amener un élément sur le nouveau président, que tu nous as indiqué ça hors antenne. Que quería decirte algo sobre aportar un elemento sobre el nuevo presidente. Mauricio Macri, donc que tu indiques comme un ultra droite. Que presentas como un ultra derechista, ¿no? Sí, Mauricio Macri no solo es ultraderecha, sino que es dueño de. Il est pas seulement d'ultra droite. De muchas empresas argentinas. Il dirige beaucoup d'entreprises argentines. Posee también cuentas offshore. Il a des comptes offshore. Dans les Panama Papers. Voilà, alors il est impliqué dans les Panama Papers, hein, ce que tu nous indiquais. Il a été révélé dans les Panama Papers. Sí, está implicado, pero en los medios de comunicación no se dice. No. Il est impliqué, mais c'est pas relayé par les médias là-bas. Et toi-même, comment tu as appris qu'il était mouillé dans les Panama Papers? ¿Cómo te enteraste de esto, tú? Bueno, básicamente por internet. Par internet. Y porque se supo en los medios de comunicación de los otros países. Les autres pays, les médias des autres pays en dehors de l'Argentine ont relayé cette information. Donc pour s'informer en Argentine en ce moment, il faut aller écouter les médias parallèles, les médias des autres pays. Para informarse en Argentina ahora hay que escuchar los medios de comunicación de otros países. Sí. Los medios de comunicación de otros países o Facebook, internet, las redes sociales. Les autres médias ou les réseaux sociaux comme Facebook. Effectivement, tu as indiqué aussi que de nombreux journalistes sont licenciés. Decías presque en direct. Muchos periodistas estaban echados en directo, despedidos en directo. Sí, bueno, hay un caso muy importante que es el de Víctor Hugo Morales. Y a lo que de Víctor Hugo Morales fue despedido en vivo, que ha été licencié en direct por ser opositor, parce qu'il était de l'opposition. También se cancelaron muchos programas de televisión opositores al gobierno actual. Ils ont arrêté beaucoup d'émissions de télévision qui étaient en opposition aussi au gouvernement. Très bien. Très bien, bah merci Yvi, je repasse le micro à Pierre. Merci, je voulais remercier Yvi moi aussi. Donc. Et puis merci Eva pour la traduction. On va poursuivre cette antenne. Radio Debout, la radio dont le cœur bat et boue. Voilà, on est toujours en direct de la place de la République qui se vide petit à petit. On va retrouver Mathilde pour son point hebdomadaire avec la commission féministe de la place de la Nuit Debout, si je ne me trompe pas. Tout à fait, ouais, ouais. Alors aujourd'hui, on a deux personnes pour faire le point hebdomadaire de la commission. On a Simon, salut Simon. Bonsoir. Et on a également Fatima, salut Fatima. Bonsoir. Alors la grosse actualité... qui a un peu défrayé la chronique, c'est cette fameuse affaire Denis Baupin, député de Paris. Il y a eu une enquête qui est sortie par des journalistes et on s'est rendu compte qu'en fait, ce charmant monsieur avait un drôle de penchant. Il aimait bien tripoter ses collègues ou leur faire des remarques sexistes. Et vous, donc, vous avez fait une action aujourd'hui. Qu'est-ce que c'était ? Bah, c'était un rassemblement qui a été appelé, bien au-delà de Nuit Debout, hein, de plusieurs associations féministes qui demandaient la démission de Denis Baupin en tant que député, puisqu'il a déjà démissionné en tant que vice-président de l'Assemblée nationale. Et nous, notre discours est très clair. Face aux soupçons, à de tels soupçons qui pèsent sur lui, on ne peut pas laisser cette personne décider des lois de la nation et l'incarner en étant député. Donc voilà, le slogan phare, c'était « Baupin démission ». Évidemment, de bien préciser que M. Baupin n'était pas un cas particulier. Donc, après les affaires des SK qui ont concerné la journaliste, j'ai oublié son nom, qui s'était plainte d'agression sexuelle de sa part, Tristan Bannon. Voilà. Voilà, Tristan Bannon, après l'affaire de New York, après l'affaire du Carlton. L'année dernière, il y a une tribune de journalistes qui était sortie, qui s'appelait Balles et Pattes, et qui se plaignait de plusieurs comportements sexistes, dont un ministre. Qui, ce que la tribune dit texto, ne sait pas retenir ses mains, elle parle bien de gestes, quand il voit une journaliste en taille basse. Alors, le mois dernier, il y a eu un scandale qui nommait M. Sapin. Mais lui, il s'est défendu, il a dit que non, c'était pas lui, blabla. Ouais, qu'il donc, a fait voilà. Une remarque sur la tenue d'une journaliste en lui touchant l'épaule. Voilà. Mm-hmm. Et donc, on sait pas d'ailleurs qu'est-ce qui lui a touché. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disaient qu'il lui aurait tiré son string ou je sais pas quoi. En bref, il y a eu plein de bruits comme c'est ça. Vraiment mais bref, affligeant. Ce n'est pas un cas isolé. C'est un phénomène de masse. C'est pas beaucoup de pays aussi qui pourraient se glorifier que quand une ministre descend en robe à l'Assemblée nationale, se fait siffler dans l'antre, l'hémicycle de l'Assemblée nationale, à savoir Cécile Duflot en 2012. Ouais, c'est assez impressionnant. Autre actualité de la commission féministe, vous avez participé au rassemblement contre le passage en force de la loi travail avec le 49-3. Donc ça, c'était hier à 18h. Ça s'est passé comment ? C'était violent. Ouais. Donc c'était un rassemblement déclaré, rappelons-le. Donc les membres de la commission féminisme y étaient notamment avec le Pink Bloc. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que le Pink Bloc ? Le Pink Bloc, c'est un collectif de féministes et de personnes LGBT+, c'est-à-dire voilà, gays, lesbiennes, bi, trans, etc., etc. Et voilà, donc c'est un collectif qui a participé à toutes les manifestations de Nuit Debout contre la loi El Khomri, enfin de Nuit Debout de tout le monde, contre la loi El Khomri. Et donc voilà, qui y était hier et on est assez copines avec elles, elles sont très présentes dans les réunions de la commission féminisme. Et voilà, donc c'était un rassemblement déclaré, je raconte juste moi comment je l'ai vécu. 18h, je sors du métro Invalides puisque le métro Assemblée Nationale était fermé. Les CRS nous invitent à avancer un petit peu, donc nous... J'aime bien le terme « invite ». Ah non, mais alors le pire, le plus pernicieux, c'est qu'au début, ils étaient très sympas. Ah ouais, mais c'est par là, ils nous invitent à aller vers une pelouse, ils nous encerclent, on n'avait plus le droit de sortir. On est resté 40 minutes sous la pluie, avec pas un arbre pour nous protéger, encerclés de CRS qui nous dit « Maintenant que vous êtes rentrés, vous n'allez plus sortir. » C'est quoi ce délire ? C'est un rassemblement déclaré ? C'est comme ça. Après 40 minutes, on a craqué, on leur a dit « Non mais on rentre chez nous, quoi, si vous voulez. » Et ils nous ont raccompagnés 3x3 au métro. Sauf que moi, comme je suis têtue, je suis rentrée dans le métro, je suis ressortie par le métro Solferino et j'ai rejoint donc le rassemblement qui était déclaré. Après une heure, on va dire, on est allé, c'est vrai, en manif un petit peu sauvage, enfin, on avançait de quelques pas. Et là, ça a été la débâcle, les... comment on appelle ça grenades assourdissantes, les machins, les coups de bâton et tout. Et il y a notre cher camarade Gabriel Mazzolini qui fait partie de Nuit Debout, qui est donc à l'hôpital partie de la commission Sérénité. Ouais, accueillir Sérénité, qui est un mec vachement sympa. Ouais, et qui a eu une opération chirurgicale. Alors on a une petite intervention sur le plateau avec notre violoncelliste de tout à l'heure qui a laissé son portable ici. Ah, voilà, très bien. Eh bien, on va enchaîner. Oui, vas-y. Ouais, moi j'ai eu le même sentiment que Fatima, j'étais aussi hier au rassemblement juste à côté de moi il y avait un collègue de la commission coordination, parce que je suis aussi dans la coordination, qui s'est fait gazer à bout portant juste parce qu'il marchait sur le pont de manière complètement pacifiste. Donc c'est vrai qu'on a vraiment l'impression en fait que plus on se rapproche des lieux symboliques du pouvoir, à savoir l'Assemblée nationale, plus la violence des CRS augmente proportionnellement. Et hier, c'était vraiment très, très violent. Et puis c'est assez symbolique de vous dire oui, vous pouvez rentrer, mais par contre, vous restez parqué comme un troupeau sur la pelouse. L'actualité suivante de la commission féministe, c'est que donc on a beaucoup parlé des violences sexistes sur la place qui existent. Hein, on reste dans Paris, dans une grande capitale. Et donc vous, la commission féministe, vous avez voulu y répondre. Comment, Simon ? Ouais, c'est vrai que les violences sexistes, elles existent partout, dans Paris. Mais c'est vrai aussi qu'à Nuit Debout, on veut faire mieux que partout. Et du coup, l'égalité, c'est vraiment hyper important. Donc on s'est réunis et on a réfléchi comment on pouvait mettre en place des solutions à la fois pour lutter vraiment contre ces agressions. On a réfléchi à la mise en place d'une équipe de veille qu'on est en train de constituer, qui dépendra de l'accueil Sérénité, parce qu'on veut vraiment, y a vraiment une volonté de travailler ensemble sur ce sujet, parce que eux ils sont formés, ils ont des connaissances aussi qui peuvent apporter sur la question. Puis il y a une dimension aussi sensibilisation pédagogique. Pour ça, on travaille avec des associations extérieures qui sont déjà très conscientisées sur le sujet. Lesquels, par exemple ? Il y a l'association Paris sans relou, il y a l'association Brigade antisexiste, qui là est plutôt spécialisée dans les représentations sexistes dans l'espace public, par exemple les publicités avec qui on travaille sur le sujet. On a contacté aussi Stop Harcèlement de Rue. On attend leur retour. Donc on voudrait vraiment travailler pour proposer des solutions très très concrètes sur ce problème. Et la veille, concrètement, ce serait quoi ? Ce serait des gens sur la place ? La veille, ce serait qu'on est en train de constituer, et si vous êtes intéressé pour rejoindre ces équipes, il faut venir nous voir. Ce serait quelques personnes tous les soirs qui dépendraient donc de l'accueil Sérénité, mais qui seraient plus spécifiquement engagées contre ces... qui accorderaient une importance toute particulière aux violences sexistes, parce qu'on pense que les violences sexistes, c'est un problème spécifique qui mérite d'être traité spécifiquement. C'est pas un problème dilué dans l'ensemble des violences, c'est vraiment quelque chose de très politique, de très spécifique. Et ce que vous expliquiez d'ailleurs, c'est que vérifier qu'une fille se prenne pas une main aux fesses, c'est aussi vérifier qu'elle se fasse pas piquer son sac. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et sur cette question de la veille, en fait, ce qu'on voudrait arriver à faire, et notamment ça passe par le travail avec les associations, c'est à la fois empêcher en réagissant les agressions, mais aussi faire un travail de sensibilisation pour d'abord faire prendre conscience, enfin sensibiliser l'ensemble du mouvement sur le problème des agressions sexistes. Mais alors des plus petites, même si le mot est peut-être pas très bien choisi, agressions qui peuvent aller de la blague sexiste qui met mal à l'aise, aussi dans les commissions parfois, ou même à l'AG, les hommes qui vont avoir tendance à mobiliser davantage la parole que les femmes, jusqu'aux agressions les plus physiques, les plus graves sur la place. Ouais, c'est très important. Vas-y, ajoute. Déjà, c'est pas que les grandes villes, hein, dans n'importe quel patelin, dans n'importe quel village, dans n'importe quelle contrée, le harcèlement sexuel, oui, mais y a beaucoup qui de passages structure l'espace public. Mais je voudrais quand même souligner un progrès, parce qu'il se trouve qu'il y a 3 jours, je longeais la Seine pour arriver à l'Assemblée Générale, et donc il y avait 3 mecs qui étaient assis à côté de la Seine, qui, le premier m'a dit « dis donc, t'es bonne », et donc je l'ai ignoré, il a tapoté à côté de lui pour me demander de m'asseoir à côté de lui. Bah oui, logique, quand on est abordé de façon aussi gentleman, voilà, on a toujours envie d'aller ça donnait tellement envie, quoi. Donc ça se voyait que le but était d'humilier. Il doit avoir beaucoup de succès avec les filles, ce type-là. Voilà. Mais je crois que c'est absolument pas le but c'est d'humilier, tout simplement, de bien faire sentir qu'on n'est pas à sa place. Et l'accueil est ont été extrêmement réactifs pour le coup. C'est vrai que j'ai gueulé un peu fort, mais c'est vrai que Moi, il se trouve que je suis militante, donc je réagis tout de suite de façon bien visible. Ouais. Alors qu'ils n'étaient pas tombés sur la bonne personne, quoi. Voilà. C'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'une jeune fille lambda qui passerait par là, peut-être qu'elle serait directement rentrée chez elle en se sentant pas en sécurité. Donc, mais j'ai vraiment senti quelque chose de réactif qui s'était passé au côté de moi et ça m'avait fait plaisir pour le coup. Ok, ouais, c'est intéressant de souligner. Dans les discussions qu'on a eues avec l'accueil Sérénité jusqu'à présent, parce qu'on veut vraiment travailler avec eux sur ces questions, ils sont très conscientisés, ils sont vraiment très conscientisés du problème. C'est vrai aussi qu'on a quelques personnes qui disent mais oui, mais c'est la vie finalement, les femmes elles sont agressées partout, donc pourquoi elles se... Voilà, sur la place de la République c'est un espace comme un autre. Mais en fait on veut vraiment souligner que dans un mouvement où on parle autant d'égalité que Nuit Debout, c'est pas sérieux de parler d'égalité économique si ça passe pas aussi par l'égalité entre les hommes et les femmes, voilà, qui fait pleinement partie de la conquête de l'égalité politique. Donc ça fait vraiment partie pleinement du processus politique, cette réflexion et cette conquête de l'égalité. Tout à fait. Et on va finir par un dernier point. Samedi dernier, il s'est tenu une assemblée féministe non mixte sur les femmes et le travail sous toutes ses formes. C'était à la Bourse du Travail. Vous vous êtes dit quoi ? En fait, alors déjà, c'est pas une réunion Nuit Debout. C'est quelque chose qui est parti de collectifs, de femmes, de syndicalistes ou de lambda, tout simplement, qui voulaient faire ça. Et tant qu'à faire, autant le faire à proximité de Nuit Debout. Donc plusieurs personnes de chez nous y sont allées. C'était aussi pour recentrer peut-être sur notre lutte contre la loi El Khomri, parce que c'est quand même ça qui a aussi fondé et lancé le mouvement, même si c'est élargi à tous les... défauts de citoyenneté qui font que justement cette loi passe, hein, parce que c'est dans une démocratie normale, cette loi ne passerait pas. Et donc du coup, on a vraiment parlé du travail des femmes, rappelé que les femmes sont concentrées dans quelques rares métiers, dont seulement 11 des 86 catégories socioprofessionnelles répertoriées par l'INSEE, donc les métiers les plus précaires, caissières, vendeuses, femmes de ménage, femmes de chambre, les métiers les plus mal payés ou qui comptent le plus de personnes immigrées, enfin voilà, on prend vraiment les prolétaires des prolétaires, comme disait l'autre. Et voilà, de voir aussi quelles étaient les articulations avec des choses qui ne sont pas forcément abordées par les syndicats, comme le travail gratuit à la maison, ouais. Cette double peine qui organise la société, qui fait que les femmes ne peuvent pas s'investir ni en politique, ni prendre des heures sup, ni prendre des responsabilités dans des CA ou dans des entreprises, parce que, comprenez, il faut bien qu'elles rentrent assez tôt à la maison pour faire la popote et le ménage. Donc en fait, que les femmes ne sont pas maîtresses de leur temps, elles sont submergées de tâches et les trois quarts des tâches sont bénévoles, sont le rôle social absolument injuste qu'on leur impose de donner pour maintenir la cellule familiale, quoi. Et que c'est un angle mort dans la conquête plutôt syndicale, parce qu'elle s'est formée autour d'hommes, très clairement. Et donc que c'était des angles morts à travailler, sinon on n'allait pas pouvoir sortir les femmes de la société. C'est vrai, un syndicat de femmes au foyer, pourquoi pas ? De femmes au foyer, peut-être pas, parce que l'idée, de mère de famille. C'est de baisser le temps de travail de tout le monde et un partage, par contre, pour le coup, des tâches à la maison. Donc il faut pas, faut faire gaffe à ce que ça ne devienne pas un salaire maternel et que voilà. Ce qui laisserait les femmes à la cuisine. Et à voilà, un retour subventionné des femmes au foyer, comme essaye de proposer par exemple le Front National. Donc comme quoi, c'est vraiment des débats à approfondir. Ouais. Tout à fait. Merci beaucoup, Simon et Fatima. C'était la commission féministe. Et nous là-dessus, on va rendre l'antenne de Nuit Debout, pas tout de suite. Non. Ah, on enchaîne. On enchaîne avec un jingle. La nuit tombe, la radio reste debout. Eh ben voilà, on est de retour sur le plateau de Nuit Debout, sur la place de la République. On est le 72 mars et on reçoit notre invité de référence, hein, Tariq, puisque à force de venir, on va finalement te confier une chronique sur cette antenne. Toi, tu étais là le 31 mars. Eh oui. C'était il y a 41 jours. C'est ça, ça commence à faire. On reviendra tout à l'heure sur ce qui se passe sur cette place et comment tu vois l'évolution de tout ça. Mais tout de suite, j'avais une question à te poser. Tariq, 49-3. 49-3 ? 49-3, ça fait rêver, non ? Ça fait rêver. Alors, 49-3, c'est pour commencer franco, direct. 49,3, c'est exactement ce qu'il faudra donner. 49,3 €. Ce vendredi soir à Paris 8, il y a une soirée de soutien aux réprimés. Aux copains qui sont fait arrêter il y a bien longtemps, en mars, au début du vrai mois de mars, à Tolbiac. Et du coup, je commence direct par ça. Il y a une soirée de soutien à Paris 8 vendredi soir. Et voilà. Et 49,3, c'est la fumisterie la plus jolie que nous ait présentée le gouvernement depuis le début de son mandat. C'est l'hypocrisie la plus totale. C'est-à-dire qu'on a vu il y a quelques années, en 2006, François Hollande nous dire que le 49-3 c'était absolument antidémocratique, etc. Là on voit encore aujourd'hui, enfin hier du coup, Manuel Valls nous dit la larme à l'œil que c'était vraiment un sacrifice pour lui d'utiliser ça. Et toi Manuel Valls, tu l'as préféré dans quel rôle? Le rôle du 49-3 ou le rôle de la déchéance de la nationalité? Parce qu'il n'était pas mauvais là. Il était très fort. Après, voilà, on le connaît dans ses différents rôles. Par exemple, on peut même aller plus loin sur la question de la Palestine. Manuel Valls nous a fait ses discours disant que tous les manifestants pour la Palestine... En solidarité avec le peuple palestinien. Exactement, étaient des terroristes et des antisémites, quand lui-même avait planté des arbres pour la Palestine quand il était encore maire. Donc on sait que ce garçon raconte n'importe quoi tant qu'il peut continuer à gouverner. Et voilà, donc clairement, on n'est pas étonné de leur retournement de veste. Et je pense qu'à force de retourner leur veste, le gouvernement, il suffit qu'ils branchent un petit câble et ça va être plus productif d'énergie que les éoliennes qu'il y a en France, quoi, parce que là ça devient une grosse blague. Et alors Tarek, tu as l'habitude quand tu viens ici de nous raconter ce que tu as fait de ta soirée, de ta nuit, de la veille. Tu nous as parlé de la fois où tu t'es fait chourer le réchaud que je t'avais prêté sur cette place. Je cherche toujours mon réchaud d'ailleurs parce que je voudrais aller camper. Tu nous as parlé de ta nuit dans les théâtres parisiens lorsqu'il y a eu les occupations avec les intermittents. Je voudrais savoir ce que tu as fait de ta nuit hier soir. Raconte-nous. Génial. Hier soir, on a été à l'Assemblée, nationale. Évidemment, on n'était pas tout seul. On était. Il paraît que la cantine de l'Assemblée nationale est très bonne. Malheureusement, on n'a pas fait comme au théâtre. On n'est pas rentré dedans. Mais ça, c'est parce que c'était bien gardé. C'est-à-dire qu'on a vu les CRS qui ont découvert ce que c'était que la démocratie dans notre pays et qui sont venus devant l'Assemblée nationale. Et du coup, il y a un beau rassemblement. Donc après l'annonce de ce 49-3 et donc des gens qui se sont retrouvés bloqués sur le pont, qui s'est retrouvé sur le pont qui est devant l'Assemblée nationale. Et évidemment, comme d'habitude, comme on commence à en avoir l'habitude, c'était les gaz lacrymogènes, les bombes de désencerclement. Et c'est assez drôle parce qu'on en revenait un peu à ce que disait François Hollande avant et ce qu'il dit maintenant. Et on sait qu'en 2012, par exemple, il a parlé, François Hollande, à l'occasion du 50e anniversaire de la manifestation du 17 octobre 61. Vous savez, celle où la police a tué entre 30 et 98 Algériens en les jetant dans la Seine. Il avait reconnu... À des chiffres qui vont jusqu'à 200 personnes, voilà, d'Algériens noyés dans la Seine. Exactement. Et il avait reconnu avec lucidité, au nom de la République, la sanglante répression. Et hier, on a vu que la police n'a pas hésité à gazer sur les quais, c'est-à-dire pas en haut sur le pont, pas à côté, mais à un mètre de l'eau. La police n'a pas hésité à envoyer des bombes de désencerclement et des gaz lacrymogènes à un mètre même de la Seine. Donc, bon, on voit qu'en réalité, ces gens-là disent tout et n'importe quoi et n'hésitent pas à nous utiliser à la fois en chair à patron, à la fois en chair à matraque. Et les policiers se font bien plaisir en ce moment. Donc hier, vous n'avez pas réussi à rentrer à l'Assemblée nationale. La question qui se pose suite à l'utilisation du 49-3 pour passer en force cette loi, c'est est-ce que ça sonne la fin du mouvement? Est-ce que ça sonne la fin de la mobilisation dans la mesure où maintenant que la loi est passée, la mobilisation pourrait devenir plus complexe? Comment tu vois ça? Clairement, c'est juste pour nous... Le moyen de donner un peu un second souffle à ce mouvement. Parce que bon, ça fait longtemps qu'on nous dit, bon voilà, vous mobilisez, mais on discute à l'Assemblée. Maintenant qu'ils discutent même plus à l'Assemblée, que la loi, elle va faire son petit parcours, elle va aller au Sénat, et puis elle va refaire son 49-3, et puis elle va revenir, etc. Bah, ça nous donne juste un argument. Ça fait longtemps, on dit retrait de la loi travail. Elle n'était pas encore passée, il n'y avait pas encore besoin de dire retrait. Maintenant, on peut le dire. Maintenant, on peut dire retrait de la loi travail. Et clairement, enfin, on l'a vu dans les, pour les différentes mobilisations qu'il y a eu depuis 10, 20 ans, etc., qu'en fait, ce n'est pas du tout un frein. Le CPE a été passé. Le CPE était avec passé. Avec le 49-3. Avec le 49-3. Et on l'a fait dégager. Ce qui ne veut pas dire que tout est sauvé. Mais il y a un moment où là, on doit gagner, on peut gagner. Et clairement, demain, dans la rue, il faut que ce soit massif. Demain, notamment, je parle pour Paris, vu qu'on est à Paris, c'est 14h d'Enfer Rochereau. Il faut qu'on soit le plus nombreux et nombreuses possible. Et il faut que, justement, ça permette de donner le second souffle à la mobilisation contre la loi travail, le second souffle à la nuit debout. Et qu'on puisse enfin sortir victorieux au moins de cette première étape qui commence à durer. Alors peut-être la dernière question, c'était sur ce qui se passe à Nuit Debout, sur ce qui se passe en particulier Place de la République. J'ai l'impression que tu habites Place de la République, moi, tellement je t'y vois en permanence. Et ça fait plus d'un mois, bientôt un mois et demi que le mouvement s'est installé. Comment, en quelques mots, comment tu vois son évolution et à quelle étape on en est? Déjà, que faire? Que faire? Bilan et perspective. Comme disait l'autre. Déjà, il y a une grosse évolution à Nuit Debout, c'est qu'à la radio Debout, maintenant, il y a des fraises sur la table, chose qu'il n'y avait pas avant. Donc déjà, il y a du progrès. Et plus sérieusement, au bout de la première semaine de Nuit Debout, il y a une dame qui était venue à l'Assemblée Populaire dire, voilà, on a une semaine, on est au stade de nourrisson, on est des bébés, et on dit la société, c'est de la merde, caca, caca, caca, c'est les premiers mots de bébé. C'était vrai. À l'époque. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il manque. Enfin, j'ai l'impression qu'on est passé à une autre étape qui est un peu la crise d'adolescence. C'est-à-dire qu'on est prêt à faire un peu n'importe quoi, à écouter n'importe qui. Et il y a un petit bordel qui se passe. C'est un peu moins enthousiasmant qu'au premier jour, mais qu'une crise d'adolescence, ça ne dure jamais très longtemps. Enfin, il y en a qui mettent longtemps quand même. Hein. Je ne voudrais pas te rappeler des mauvais souvenirs, Tariq, mais. Alors c'est quoi l'âge adulte sur cette place ? Mais c'est qu'on puisse enfin... Moi, enfin, ça c'est des avis très personnels, mais c'est qu'on puisse avoir des assemblées populaires où on ait des ordres du jour sur lesquels on discute clairement de comment faire pour arriver à dépasser les quelques étapes dont on parlait, hein, que ce soit la loi travail, les questions d'État, les pouvoir arrêter un peu de parler des sujets. Enfin, on a passé tellement de jours à parler de Finkielkraut, après on a parlé beaucoup trop de temps de la violence, etc. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en fait, les sujets dont on parlait sur la Nuit Debout, c'était des sujets qui n'étaient pas imposés par nous. C'était des sujets qui étaient imposés et par le gouvernement et par les médias traditionnels. Et du coup, la question, c'est comment nous, on arrive à discuter ensemble de ce que nous, on a envie de faire et de comment on y arrive. Et que pour l'instant, là, en ce moment, j'ai un peu l'impression que les gens se fatiguent. Enfin, c'est normal, hein, depuis le début de la loi travail, ça fait bientôt deux mois et quelques. Moi, hier, j'ai commencé à avoir mes premières réactions de la direction du boulot où je bosse, qui disait « quand même, on ne vous voit plus beaucoup, vous avez fait beaucoup de grèves, etc. » C'est normal, en fait, qu'il y ait dans des mobilisations des moments un peu des moments de creux et les vagues repartent, quoi. Et évidemment, là, il faut donner le second souffle, et c'est maintenant. Et tout de suite qu'il faut mettre la patate, parce que si aujourd'hui on se met pas tous dans la rue, si aujourd'hui on revient pas tous à Nuit Debout, etc., on a un danger qui arrive. C'est de perdre sur la loi travail, et c'est que la Nuit Debout se passe chacun dans notre chambre. Et c'est pas ça qu'on veut. Là, on a entamé quelque chose qui est beaucoup trop important pour le laisser filer. Et du coup, clairement, voilà, il y a des étapes à franchir, et demain... Faut qu'on soit très nombreux dans la rue. Alors la dernière chose que je voulais te demander, c'est que on disait qu'ici c'était un peu ton salon, ta chambre. Le 18 mai, il y a des gens qui veulent s'inviter dans ta chambre, puisque les syndicats de police les plus à droite ont décidé eux aussi de venir manifester Place de la République. Est-ce que tu leur souhaites la bienvenue dans ton salon ? Mais on va même leur rendre un très bel hommage. C'est-à-dire que les policiers nous ont fait le plaisir d'encadrer toutes nos manifestations et de nous protéger. Moi, je pense que la meilleure des réponses à faire, c'est d'encadrer les leurs et de les protéger. Il y a un moment, on peut pas les laisser comme ça manifester sans protection. Si la police manifeste, mais qui va protéger la police? Alors, nassons la police, gazons la police et attaquons la police telle qu'ils nous l'ont fait. Donc voilà, le 17 mai... Donc le jour de la manifestation, il y a plusieurs appels, notamment à 11h du matin par urgence, la police assassine, etc. à République. Il y a des manifestations à 18h à République, etc. Il faut qu'on soit le plus nombreux possible. On ne peut pas se laisser recouvrir, pour reprendre la théorie de la vague, on ne peut pas laisser le tsunami policier nous envahir sur cette place. On est beaucoup trop fort pour ça, trop forte. Il y aura au moins un truc bien sur cette manif, c'est que le nombre de manifestants selon la police sera le même nombre de manifestants que selon la police. C'est exactement ça. Tariq, merci beaucoup. Tu reviens quand tu veux. Et tu vois qu'autour de nous se sont installés Francesco Pastacaldi et Fred Gastard aux percussions et au saxophone. Et on va leur confier la fin de l'antenne pour aujourd'hui, avec un petit concert live. Au saxophone baryton et au percu caisse claire, c'est parti. Thank you. Eh bien, voilà, c'était donc Francesco Pastacaldi. C'est pas facile, hein. Francesco Pastacaldi au percu et Fred Gastard au saxophone. Merci tous les deux d'avoir finalement réussi à rejoindre la place de la République pour clore l'antenne de Radio Debout. C'était donc Radio Debout. On était le 72 mars. On se retrouve demain pour l'édition du 73 mars, toujours en direct de la place de la République et toujours sur Micro Debout. Salut tout le monde! Écoutez, parler, comprendre. Radio Debout. Rendez-vous sur le SoundCloud pour le podcast.